Bienvenue dans la fucking kermesse. Bonjour à tous, c'est la fucking kermesse numéro 17. Ouh. Bonjour Valence, bonjour Valencienne qui est l'ancienne Valence. Alors, on aurait aussi pu s'appeler doublette, jeu carré, jeu de piste, jeu gagnant, jeu moulin, jeu, joujou, joujou, joujier, jouganou, gagnard, catacte, tacat, catacat, cagat, kata et ratakakmik. Ou tout simplement chante slobby. Bref, c'est fait, c'est enfin. C'est la fin de kermesse numéro 17. Il y a plein de gens autour de la table. Il y a notamment Steven, le fameux qu'on ne présente plus. Hein, et oui, bonjour tout le monde. Il est toujours là. On aimerait qu'il s'en aille, il comprend pas. Ça va? Eh ben ça va, écoute, toujours une vie de merde globalement. Mais ah bah c'est ça super va. Ça, la bonne ambiance. Ouais. Et toi ça va? Oui ça va très bien, merci. Il y a aussi autour de la table Tabas, bonsoir Tabas. Bonsoir. Alors tu es le rédac chef de Pixel Core. Exactement. Et tu es venu avec tes petits amis. Voilà, je suis venu avec mes petits amis. Bonsoir. Ça va? Ça va, je te remercie, ouais, très content, merci pour l'invitation. Mais ça fait zizir. On repart. Et Thaïs? Bonjour. Ça va aussi? Ça va super. Tu vas nous chanter quoi ce soir, Thaïs? Où sont tes parents? Waouh, vaste question. Ça non, dépend faisais... de quel morceau tu parles. Oh. Je faisais juste Jacques Martin, moi c'était innocent à la base. Alors, qui c'est quoi Pixel Core? On a donné le nom Pixel Core, c'est un site de jeux vidéo? Oui, c'est un site de jeux vidéo, Pixel Core. Alors, bon, on a l'habitude de dire que c'est la nouvelle vision du jeu vidéo sur Internet. Incroyable. Voilà. Il a préparé son pitch pour les investisseurs. Voilà, ouais, exactement. Donc, on écrit des petits articles. Plutôt long format, mais assez parcimonieux dans leur publication. Voilà, on en publie assez rarement, on est très parcimonieux la fucking kermesse. C'est vrai. ça peut nous définir. Donc on fait des articles longs où on essaie de parler un peu différemment des jeux vidéo et d'en parler avec passion, hein, la passion qui nous habite. On est tous des ménestrels ici. C'est comme ça qu'on est payé, hein, voilà. Ah, j'attendais une blague sur Francky Vincent. Non, là bah non, les ménestrels c'est quand même. Ah oui, voilà. Ok, merci. Voilà, Pixelcore, je vous invite à aller le voir, parce que moi j'ai lu, c'était bien, donc pourquoi ça serait pas bien merci. Pour vous aussi? Hein? Bah d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les a invités, merci. Parce qu'en général, quand on trouve que des gens font de la merde, voilà. On embrasse tous nos invités. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On parle de l'émergence en jeu vidéo. Alors, l'émergence, quand je le dis comme ça, on comprend pas, hein. Mais on va l'expliquer en long et en large. Le gameplay émergent, la narration émergente, c'est génial. Oui, c'est pas dit qu'on arrive quelque part, mais en tout cas, on va essayer. Voilà, on va discuter. En tout cas, on est là pour ça. Discuter et teaser, évidemment. Et avant, on pourrait s'excuser pour le retard de la fucking kermesse parce qu'on est des bâtards. Mais ça, les gens le savent. Mais en ce moment, on a des excuses, on galère un peu au niveau matériel, mais on continue quand même à mener de front deux podcasts. La fucking kermesse et la gaming kermesse qui a vu son premier épisode naître. C'était une naissance difficile, ça s'entend un peu à l'audio, mais c'est un pilote, donc on pourra s'améliorer avec le temps, on apprendra à marcher, Mais on est quand même super content d'avoir un spin-off dans la belle kermesse. Stargate Atlantis, Stargate SG1, enfin voilà, on se développe. Et bientôt d'ailleurs la Stargate kermesse. Ça serait génial. Moi je serais tout le temps là, Stargateverse. J'en serais grave. Donc voilà, la gaming kermesse, la fucking kermesse, tout ça se fait difficilement parce que bientôt on n'aura plus matériel peut-être. Ouais. Parce que le matériel c'est Universe qui l'a, c'est pas nous. Ils sont très d'ailleurs on les remercie parce que nous sommes des parasites. Depuis l'épisode 8 de la fucking kermesse où on a commencé à avoir du matériel, c'est eux. Voilà. Et donc, on les remercie. Ils disent voilà, on en a besoin et c'est normal. On va faire des solutions. On verra bien. On va faire des solutions. Bref, on a trop parlé déjà, donc on va faire le roule plateau pour moins parler et laisser parler nos invités de tout ce qu'ils ont vu récemment et ça va être génial. Tout à fait. Ah, je fais pas de sommaire, non, je sais plus. Il y a un quiz, c'est moi qui le fais. Il y a une vie Patrick fait par Tabas. Ouais. Je suis prêté à l'exercice. C'est la première fois qu'un invité fait une vie Patrick, je crois. Tu dépucelles. Voilà. Pour mon premier podcast, je suis doublement dépucelé. C'est beau. Ça me fait un peu peur. Premier podcast à tous, hein. Eh oui. Ouais, tout à fait. Et quel podcast? Ah, c'est beau, ouais. Quel podcast? Et alors, elle est sur quoi la VP aujourd'hui? Ah, alors c'est sur Patrick créer un site de jeux vidéo. Ah, systématique. Voilà, on l'a fait dans l'original. Étonnamment. C'est beau. J'avais des choses à dire là-dessus, donc. Tu avais quelque chose à nous dire. Voilà. C'est beau. Très bien. Et Steven fait un petit instant français? Ouais, parce que la dernière fois, c'était bien. Là, j'avais le choix, en fait, entre un instant français et une anachronique sur la théorie du jeu et l'éducation dans les réflexions sur l'éducation de Kant. Je me suis dit, c'est peut-être un peu chiant. Et on s'est dit, tous, on s'est tous dit ça avec toi d'ailleurs. Donc ouais, on a fait un Genki-Dama pour dire non. Ouais, d'accord. Donc, bah, c'est bien. Mais hein, j'étais d'accord. Hein. Donc bah, un instant français. Voilà, un instant français. On en a marre. On va lancer le plateau maintenant. C'est parti. C'est la fête. Alors on se lance dans le roue plateau à bras raccourcis. Qui va commencer le roue plateau? Ce serait peut-être bien Steven qui va nous parler d'un artiste méconnu. Un artiste contemporain d'Aulnay-sous-Bois qui s'appelle Vald. V-A-L-D. Et Steven se met au rap. On dirait pas le mec, il enchaîne Kant et le rap. Mais il fait le grand écart de la culture. Mais j'écoute pas mal de rap. Mais c'est vrai que Vald, c'est quand même assez spécial. C'est quand même très très bon. Et c'est spécial que ce soit bon? Bah. Pour toi, oui. Ouais. Ça te plaît. Mais c'est bien, ça te parle. C'est assez, assez schlag dans l'attitude, je dirais. Tu n'es, pas, tu n'es pas un schlag pourtant, Steven. Tu n'as pas la hesse. Non, je suis pas un schlag. J'ai la hesse, mais. Mais non, non, c'est bon, tu es dans la S, tu n'as pas la S, hein, tu feras attention. Je t'apprendrai. Mais je l'ai, moi. Ah, pardon. C'est toi, tu es dedans, et moi, je l'ai. Ça veut dire que je te possède. Bon, allez. Et non, c'est excellent, je trouve, au niveau des textes. C'est très, très bon. Beaucoup de multisyllabiques, de rimes internes, etc. Ouais. T'aimes bien dire multisyllabique. Oui, ça me donne l'air intelligent. Ouais, c'est vrai. Et puis, Dieu sait que... Et non, donc du coup, je disais quoi, les textes, tout ça. Ouais, c'est bien, quoi. C'est vachement le mec s'en bat les couilles. En fait, faut savoir qu'on a des problèmes, donc on refait l'intro. Donc c'est vrai que là, ouais, la motivation n'y est ça plus. Parce quoi, qu'on on a eu des problèmes d'enregistrement parce qu'une fucking kermesse sans problème d'enregistrement. Ce n'est pas une fucking kermesse. Pas. Bon, en tout cas, je disais, les textes sont très bons, le flow est excellent et les prods sont aussi bonnes. Moi, j'aime surtout l'habillage. J'ai que c'est Teufa qui. Ouais, est... bah oui, il enregistre Teufa. C'est Teufa le producteur. Teufa qu'on a vu dans Les 11 Commandements, hein. Souvenez-vous. Ouais, putain, c'est pas du tout, non. Tu peux pas réduire Teufa aux 11 Commandements. Dans son freestyle Skyrock récemment, je sais pas si vous l'aviez vu, justement, où il interprète Guizé, entre autres, avec deux autres rappeurs avec qui il bosse. Alors, j'ai et Giorgio tête, mais... Ouais, il y avait Giorgio. Et AD et Succomblazade. Ouais, Succomblazade. Exactement. Mais qui intervient d'ailleurs sur, sur son dernier album NQNT 2 et sur le premier aussi, NQNT. Ils sont potes, oui. Enfin, et donc tu disais dans son freestyle, il lâche un petit en plein freestyle Skyrock, il lâche un Teufa signe-le putain, Teufa signe-le. Voilà, c'est pour, beau. Ouais, donc je disais au niveau des j'aime bien les prods et j'aime bien l'habillage sonore. L'habillage. Bah ouais, parce que habituellement l'habillage sonore dans le rap. T'as aimé ce qu'il y avait une citation de Michel Houellebecq ou pas? Ah ouais, c'est pas mal. Hein. C'est ouais, un beau. Du coup, j'ai regardé toute l'interview de Houellebecq. Le mec est complètement perdu. Ah mais ça c'est pas nouveau. Donc parce que lui, c'est de l'exomile au petit déjeuner. Ouais, je pense, ouais. Parce que donc dans la première piste de NQNT 2, il y a un extrait de Houellebecq où il dit que bon, il accepte sa domination sur le monde littéraire avec calme. Et dans la suite de l'interview, le mec ne parle que du jour où il a roulé à 300 km/h en voiture et que ça a changé sa vie. Et c'est tout ce qu'il dit dans l'interview, quoi. Et tu vois le journaliste qui essaye en face de ramener des trucs, et puis il y a Houellebecq en fait qui dit ouais, mais vous avez déjà roulé à 300 km/h. C'est beau. Allez voir cette interview. Plus écoutez Vald, mais aussi allez voir l'interview de Houellebecq. Vald, c'est vraiment bien, je vous recommande. Hein, et allez voir le clip porno, bien sûr, de Selfie. Le sur Pornhub. Clip porno de Selfie sur Pornhub. Qui est... J'étais un peu déçu quand même de ce clip. Il est bien moi filmé aussi, quand même, le clip, je trouve, moi. Ouais, il est bien filmé, mais je sais pas. En fait, le ton est censé monter crescendo au travers des trois clips. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même un pont, en fait. Enfin, le premier est très soft. Le ouais, second, on monte d'un gros cran. Et en fait, entre le second et le troisième, j'ai pas trouvé, tu vois, une réelle différence. J'étais un peu déçu. Il n'y a pas vu de gradation. C'est exactement, parce que tu passes trop de temps sur les sites de clips. Ouais, ça doit être ça. Parce que tu es désensibilisé. C'est quand même du porno, non, mais... globalement. Hein. Ouais, certes, mais j'ai pas trouvé une réelle marge entre les deux. Ça t'a excité, Thomas. Parle-en. J'ai une érection monumentale, ouais. Non, mais au-delà de ça, non, c'est vrai que le son. Au-delà de cette érection. C'est de au-dessus. Non, mais le son est splendide, vraiment. Enfin, il est génial, il s'écoute bien. Mais ne vous arrêtez pas à Bonjour et Selfie qui l'ont fait connaître, mais qui ne sont pas toute sa discographie. Non, mais je pense qu'il faut écouter tout NQNT et NQNT 2 et pour se faire un avis. Le corpus. Et aller les voir ses interviews aussi, parce qu'il est bon en interview. Bah, parce qu'il est défoncé, donc c'est rigolo, quoi. Ouais, c'est rigolo. Et du coup, il te paye combien? Oui, il me paye pas, parce que c'est un baltringue et il a bien raison. Merci Steven. Donc Steven se met au rap de Tess. Enfin non, même pas au rap de Hess. Voilà. Et en parlant de Hess, on va parler de Jessica Jones. Alors, transition, hein. Mon Dieu. C'est un métier, je vous apprendrai. Alors Jessica Jones, Thaïs et moi, on voulait en parler. Et pour dire que c'était bien, mais pas si bien que ça. Mais alors déjà, qu'est-ce que c'est? Une série Netflix faite par une série Marvel produite. Attends, par on comprend Netflix. Plus rien déjà. Bon, c'est Marvel et Netflix qui ont fait une série. D'accord. C'est la part de Jessica Jones, une meuf qui est détective privée, qui a une super force comme Xena la guerrière et qui est alcoolique. Est-ce qu'elle a le même costume que Xena? Non, elle a pas le même costume, elle a un petit blouson en cuir, un peu H&M, elle est un peu trendy quoi. Elle a le même costume que Thomas. C'est vrai, Thomas s'habille en Jessica Jones, il fait des cosplays. Il fait des cosplays. Parce qu'il est détective et alcoolique aussi, donc en même temps, on reste dans le temps. Juste alcoolique. Il a plus l'air alcoolique que détective. C'est parce qu'il cache bien son jeu. Et du coup, elle a des, voilà, elle a des super pouvoirs, elle habite dans le quartier de Daredevil, Hell's Kitchen, la cuisine de l'enfer. L'enfer. Voilà, c'est un peu quand je mets en cuisine peut-être. C'est peut-être ça vient. Bref, Jessica Jones. C'est peut-être ta cuisine par contre. Ça, c'est clair que oui. Ça, ouais, on en parlera un jour. On fera un spin-off. Non, on fera toute une émission sur ton appartement. Ça serait bien. Et du coup, est-ce que c'est bien ou pas d'avoir une héroïne enfin dans l'univers Marvel qui doit lutter. Donc l'actrice, c'est la meuf qui joue dans Breaking Bad et qui fait une overdose. Ah ouais, vous m'avez appris ça. C'est Kristen Ritter. Ouais, et bah du coup j'ai envie de voir la série. Et le méchant, c'est David Tennant, ex-Doctor Who, qui joue très très bien, enfin, ex-Docteur en fait, voilà. Qui joue extrêmement bien, voilà. Et donc, alors est-ce que c'est bien ou pas, 13 épisodes 13 épisodes c'est trop. 13 épisodes, on est d'accord. C'est trop. Est-ce que c'est bien, oui. Est-ce que c'est bien, non. Déjà, parce que bon, mon côté helvétique parle. Non, j'ai envie de te dire que comme dans toutes les séries Netflix jusqu'à maintenant, il y a du bon et du moins bon. Il y en a aucune qui m'ait convaincue à 100%. Oh, Daredevil quand même. Ouais, Daredevil vraiment, c'était génial. C'est pas mal, mais Daredevil, bon. Bon, on n'est pas d'accord. Hein. Moi, j'aime beaucoup Gilbert Montagné, donc. C'est de la merde. Non, j'aime aussi beaucoup Gilbert Montagné, mais en revanche, bon voilà. Alors moi, j'ai un problème avec les scènes d'action dans le noir. Je suis désolée, genre, c'est pas parce que le mec est aveugle qu'il faut que les scènes d'action soient dans le noir aussi. Mais tu vis sa vie, quoi. C'est un peu vis sa vie, ma vie avec je sais pas comment ça s'appelle, Laurence Ferrari à l'époque, quand Jamel Debbouze devenait chirurgien et qu'il opérait des enfants pendant une journée. Bah, ça fait bien. En vrai. Non, pas en je crois vrai. Que tu l'as rêvé. J'invente. Non, mais ça serait marrant. Bah, ça serait marrant, pas pour l'enfant. Oui, non, c'est sûr. Ouais, du coup, toi, tu sais, ouais, mais la photo était travaillée quand même. La scène d'action de Daredevil, épisode 2, où il copie. Mais attendez, on parle de Daredevil là, du coup. C'était vachement bien. Je sais plus. Oui, mais du coup, Jessica Jones, qui est voisine de Daredevil, c'est moins bien. Déjà, c'est moins travaillé sur la photo déjà. Alors, c'est travaillé pendant 3 épisodes. Exactement. Au début, sur la, on met le paquet, tu vois, c'est classe, c'est tout. Le début est super bien, mais enfin, après, j'ai envie de te dire, il y a pas de secret parce que la suite de Jessica Jones, ça se passe en plein jour. Donc comme quoi, c'est malgré tout, c'est plus facile de faire des scènes d'action. Du coup, t'aimes pas le noir, mais t'aimes bien le noir. Bah voilà. Bah, non, mais je reconnais que c'est plus facile. Comme nous de faire et Mousse Diouf. Arrête. Rest in peace. Ouais. C'est effectivement plus facile d'avoir l'air d'avoir travaillé sa mise en scène quand on peut caser 2-3 lumières un peu rougeoyantes, machin. C'est toujours c'est mieux mis en scène quand on voit rien, c'est sûr. C'est ça. C'est plus facile en tout cas. Bah oui, c'est sûr. Après non, si, non. Moi j'aurais tendance à dire que la grosse supériorité de Daredevil sur Jessica Jones, c'est que les scènes de baston sont juste mieux chorégraphiées, tout simplement. Mais c'est pas le propos de Jessica Jones, c'était une série qui devait se concentrer sur ses personnages. Et est-ce qu'elle le fait? Oui, mais elle le fait trop en fait, parce que du coup ça se perd dans des sous-intrigues qui servent à rien. Alors ouais, les sous-intrigues servent à rien, je suis assez d'accord. Elles sont bien faites, mais elles ont pas à être là. Elles sont pas toutes bien faites déjà, mais enfin ça c'est un autre vrai, débat. C'est vrai. Mais non, moi j'aurais juste tendance à dire que la force de la série c'est le casting. Enfin le casting est juste énorme. Ouais c'est vrai. Et du coup ça fait que ben tu continues à regarder. C'est un peu le syndrome de Stockholm en fait. Parce c'est que un peu comme Charmed. C'est un peu comme Charmed. Ah, oui. Moi j'allais dire c'est comme une fellation. Au début c'est vachement bien. On y est, on est dedans. Arrête, et tout. Et parfois ça dure trop longtemps, t'aimerais que ça s'arrête, mais t'oses pas dire non. Du coup tu continues. C'est un message personnel que tu fais passer là. Pas du tout. Je serais bien parti sur ta métaphore, mais le problème d'une meuf qui se plaint de la longueur d'une fellation, c'est que tout de suite ça a l'air un peu bon. Non mais on peut, enfin ouais, c'est une analogie, hein. Elle a le mérite d'exister. Moi je préfère la mienne. Et ben la série c'est pareil, elle a le mérite d'exister. On parle toujours de la fellation, mais comment ça se passe? Ça le mérite d'exister. J'ai perdu le film. Et du coup par rapport au film Daredevil qui est sorti en 2002. Waouh, wow, vachement mieux. Tu vas parce que moi loin, j'ai pas vu ça non plus. Donc, bah, ça, c'est, non, bon. Ça c'était drôle. Ça c'était de la merde. La série était très bien. Jessica Jones c'est mieux que le film Daredevil. D'accord. Mais Daredevil est mieux que le film Elektra. Ah oui, mais ça le film Elektra. Quand est-ce qu'on arrête avec Marvel? Mais c'est une bonne question. Eux, ouais, c'est ça. C'est... Bah, pas avant, non, ils arrêteront quand nous on arrêtera. Bah, hein, ouais, très clairement. Ça, parce que eux ils continuent, ils balancent 5 séries par an de merde où à chaque fois on dit ah bah ça aurait pu être bien, mais en fait bah. Voilà, 2-3 films pourris. Oh, vous êtes. Agent of Shield. Ouais, bah, exactement, Thomas. Agent of Shield c'est bien. Non, c'est de la merde. Voilà. Non, exemple typique de truc de merde. Non, Guardians of the Galaxy c'était génial, c'était un chef-d'œuvre. Oui, ça c'était cool. C'était cool. Calmons-nous. C'était un chef-d'œuvre de la pop culture. C'était cool parce que c'était pas des super-héros. Ouais, mais la vérité c'est que c'était cool parce que c'était du James Gunn et que du coup comme ils avaient pris un vrai réalisateur, ça ressemblait pas aux films Marvel qui sont réalisés par des mecs complètement random. C'est vrai, c'est vrai. Et puis bon, c'était un peu la saga Marvel que personne ne connaissait, j'ai l'impression. Clairement, les Gardiens de la Galaxie, enfin, c'était un peu sorti de nulle part. Et surtout, c'est le film. À part les connaisseurs, quand même. Toujours, à chaque fois qu'on dit Marvel, ouais, c'est pas terrible, on dit, ah oh, bah quand même. Ouais, les Gardiens de la Galaxie. Oui, voilà, il y en a un bien. Ouais, ouais. Avengers voilà, premier, c'est très bien. Avengers non, c'est 1, pas très bien, c'est, ça passe. Aussi, c'était très bien. C'est la gueule, les Avengers. Non, le deuxième, c'est de la merde. Oui, mais le premier, c'était génial. Oui, c'était Joss Whedon, c'est ça? Bah, donc autant regarder Buffy, je veux dire. Je préfère regarder Buffy que les Avengers. Ouais, mais il y a moins de budget dans Buffy. C'est qui fait son charme. Parfois, on aime les choses simples qui nous en mettent plein la vue. Bon, Jessica Jones, en tout cas, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux. C'est un peu dilué à la fin, quoi. Étayé. Il y a de l'eau. Ils auraient dû arrêter avant. De l'eau. Oui, de l'eau dans leur vin. Voilà. Ils auraient dû arrêter avant. Ok. Non? Oui. Ils auraient dû arrêter avant. Et puis surtout, moi, je pense qu'ils auraient mieux fait de... Pardon. S'abstenir. Non, alors non, pas de s'abstenir, mais en revanche. Je troll et tu continues. Alors, ok, ouais. Moi le vrai problème que j'ai avec Jessica Jones, accrochez-vous, j'ai exactement le même problème avec Jessica Jones que celui que j'avais avec Jurassic World. C'est-à-dire que c'est des œuvres de fiction dont l'histoire n'a pas lieu d'exister si les personnages ne sont pas des débiles profonds. Moi, c'est ça qui me met mal à l'aise. Mais là, il n'y a plus aucun film d'horreur, donc t'enlèves tout un pan de notre culture. Bah, déjà non, parce que dans les films d'horreur, le tueur. Il n'y a plus de fucking kermesse non plus. Hein. Bah ouais, là, c'est vrai. À ce compte-là. Je suis d'accord. Mais là où c'est intéressant, la fucking kermesse, c'est que c'est pas une œuvre de fiction. C'est vrai. Ça dépend. C'est dans le réel. Comment peux-tu dire ça en étant dans l'appartement de Stavro? Je ne sais pas. Quand Stavro dit qu'il a subi des fellations, hein, on se demande si c'est pas aux limites de l'affection. Il subit les fellations. Il ne les vit pas, il les subit. Ouais, les gens se jettent sur moi, c'est très terrible, c'est dur à vivre au jour le jour. Dans l'appartement de Stavro, c'est pas de la fiction, c'est un happening. Ah, c'est vrai, c'est une installation. Ouais. Bon, voilà, d'autres roule plateau, oui peut-être. Non. Moi j'ai fini, je crois. Moi, rien. Non. Bah écoutez, on va. Bah, c'était bien. Oui, ça suffit. De toute façon, on l'a fait. Il y avait un truc bien, un truc nul, c'est équilibré. Oui, voilà. Voilà. De toute façon, on a déjà fait un vrai plateau, vous n'aurez pas entendu, mais nous ne savait plus, donc nous on est déjà satisfaits en fait. C'est le principal. C'est le principal. Mais donc on la regarde ou pas alors la série de Jessica Jones? Pour le casting. Vous la regardez, mais vous avez le droit de faire autre chose pendant ce temps. Ah oui, surtout à la fin. Surtout. En fait, au début c'est vachement cool, et après ça se. Voilà. Ça, on a compris, je crois. Ça fait. Ok, bon bah. Ok, bah je t'emmerde. Tu vas faire ta chronique et puis ça sera de la merde. Ça sera bien au début et pas à la fin. Et en plus, c'est pas faux. On va passer à la chronique de Steven, du coup, l'instant français, et après on fera le thème principal. Voilà, allez. Vous êtes très. Très français, en fin de compte. Merci. Mes chers compatriotes, alors une fois de plus, je prends la parole en public pour vous parler de la France et des Français. En ces temps de terreur, ça devient plus ou moins mainstream, comme disent les Legends. Mais je ne vais pas vous parler de nos valeurs, parce que je pense que c'est un peu trop compliqué, ni même de notre mode de vie, parce que connaissant trop bien Stavro, je ne peux me résoudre à penser à un mode de vie commun. Et me voilà critiquant la République, mais Dieu merci, parce qu'à ce niveau-là, Dieu seul est responsable. Jarni Dieu, disais-je, je n'ai qu'une nationalité, et je ne la perdrai donc pas pour ces blasphèmes. De même, je ne vais pas vous donner une leçon de diplomatie, inutile car je suis bien heureux de voir que la plupart des gens de ce pays ont appris, regardant TF1 ou Soral, chacun sa croix, comment sauver le monde et ce qu'est le sentiment religieux. Donc, chers compatriotes, je ne prends pas la parole pour vous encourager à résister en buvant de la croix à 10€ entre deux bidas, car je n'ai pas le charisme d'un Christian Estrosi tweetant « fuck Daesh » assis à une terrasse. Putain, la classe ce Christian quand même. T'as vu, c'est classe hein, quand même. Et ça fait du buzz sur l'internet. Donc où j'en étais? Voilà, mes chers compatriotes, comme d'habitude, je ne vais pas vous parler... Non, si, justement, je vais vous parler des vrais résistants, des héros qui font la France, des vrais héros qui ont porté la culture française au-delà de nos frontières et au-delà même du monde sublunaire. Nabila. Nabila? Bah c'est elle, non? Ah, je vais parler de Nabila. Non, je vais vous parler de la French Touch dans le jeu vidéo. Marc Dutroux. Ce serait beau. Non. Mais je me rends compte que mon introduction... portait sans doute un peu trop d'emphase et que comparer trois jeux pourraves à la résistance française, c'est un poil déplacé. Pourrave. Bah oui, j'assume, moi je suis un polémiste. Alors je vais pas faire crari, j'y connais pas grand chose et je m'en balèque, mais je vais tenter d'avoir l'air sérieux parce que je suis à une table avec 4 gamers et que 3 sans doute ont un avenir dans le métier. Et je vais pas révéler les noms de ceux qui ont un avenir, mais je voulais dire à Stavro que je l'aime bien quand même et que je lui fais un bisou. Oh, ça me fait presque plaisir. Alors, qu'est-ce que la French Touch? À la base, c'est un peu l'idée qu'on est les bohémiens de la production culturelle vidéoludique. Belle. Vous voyez comme j'ai l'air sérieux quand je dis culturelle vidéoludique. Et même moi, je m'impressionne. Et je t'impressionne, Stavro. Oui, toujours. Merci. Ça me fait plaisir. Donc, la production culturelle vidéoludique, ou plutôt les produits de l'industrie française du jeu vidéo, portaient une singularité. Alors, comme le dit Jacques Attali, je cite, « Nos jeux étaient beaux, mais plutôt moyens niveau gameplay. C'est d'art, un peu comme du Dorcel, et ça me fait Dardeldar, la French Touch du porno. Mais c'est beau à voir, et tu te sens un peu losbo devant ton joystick. Wesh, Attali au mic, je balance les bails à Smuck. C'est pas très catholique, mais il y a un truc phallique qui se dresse, ouais, quand je parle de la France. Même si ça sent le truc rance et les trans. Ça me fout la frousse, et la French Touch, c'est bandant, comme mettre une cartouche à une sainte nitouche rousse, ou crirave une gamine sans crari. Psartek. Putain. Fin de citation. Merci Jacques Attali. Merci Jacques Attali. Mais selon moi, la vraie différence avec Marc Dorcel, c'est pas tant la question du joystick, c'est plus la force des aventures. Vous vous souvenez tous de Little Big Adventure ou de Alone in the Dark. Mais je vais pas rentrer dans les détails historiques des studios de... et des compagnies parce que... Parce que tu ne connais pas. Parce que je les connais pas, c'est une bonne raison. Donc je vais voilà. pas le faire. Mais je vais lancer un cri du fond du gouffre. Où est la French Touch aujourd'hui? Où sont passées nos aventures? Où sont passées nos idéaux? Où est notre créativité? Ubisoft to be soon. Ubisoft to be soon, est-ce que tu m'entends, Eo? Et tout, tous ces grands poètes. Mais ne me sortez pas deux ou trois jeux de derrière les faguettes parce que ça pèterait ma chronique. Mais il me semble en effet, en tant qu'expert qui ne connaît rien, condition sine qua non pour être expert, c'est ce qu'on nomme la French Touch du journalisme. BFM. Il me disait, et la fucking kermesse, ça marche aussi. Il me semble, disais-je, que la French Touch, c'était un peu un bastillon de résistance face au rouleau compresseur qu'est l'affadissement de la culture par le capitalisme. Doucement, Carl, doucement. Quoi ? Doucement, Carl, calme-toi. Ah oui, j'avais compris Carla, je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte ? Donc j'en étais sur l'affadissement, machin, le capitalisme et tout, c'est nul. Nos auteurs sont des traders et nos aventures des types insipides. Et comme le garage Rochard, j'ai quelque chose à vous dire. On est bien d'accord, hein, parce que je commence à rendre les couilles de votre bordel. Hein, parce que j'en ai plein le cul. Hein, vous avez des mecs qui ne sont pas compétents. Point terminé. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais si dans, à 8h30, si vous n'êtes pas au garage Rochard, je peux vous dire une chose, que vous ramassez votre bordel et puis vite fait. Hein. Et attention, parce que je porte plainte. Je porte plainte pour... le travail. On est bien d'accord. Alors, comme le garage Rochard, je porte plainte pour le travail. Et oui, mes chers compatriotes, cessez de vous laisser constituer comme une masse amorphe de schlag par l'hégémonie du grand capital. La French Touch, c'était peut-être pas si bien, ça voulait peut-être rien dire, mais l'idée même du nom signait une différence au milieu d'un océan de répétition. Vive la République, vive le roi, et vive la France. Bravo, bravo, bravo, j'ai envie d'applaudir. Bravo. C'est beau. C'est beau. C'est beau et c'est surtout beau le garage Rochard. Mais c'est quoi ça? Oui, ça sort d'où? Non. Et bah c'est, je sais pas dans quelle année c'était, je pense que c'était avant que le système téléphonique soit tel qu'il est, donc sans doute dans les années 60-70. Et il y a une série d'enregistrements où le mec il arrête pas de les appeler et il les insulte continuellement. Donc il y a 4 ou 5 enregistrements où ils ont gardé sans doute les cassettes et maintenant c'est sur internet. Tapez garage Rochard sur internet, vous avez trouvé ça. D'accord, mais il était ivre le monsieur. Non, il était provincial. Très certainement. Ça veut souvent dire ivre hein, quand même. Qu'on se le cache pas. Bah merci Stéphane pour cette belle chronique sur un sujet que je maîtrise pas du tout mais que tu as quand même abordé. Ça s'est vu. Ça s'est vu parce que tu as cité deux jeux pour dire il y a ça et ça, c'est le même oui, le même développeur. Et alors ? C'est pas grave ça. Bah non, c'est pas grave, mais ça sent le mec qui a vu Wikipédia French Touch. Et voilà. Qui a vu Frédéric Renal et puis. Peut-être. Mais c'était quand même rigolo, c'était quand même beau, un bel instant français. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ça, une belle chronique. C'était au début de la FK, on savait pas quoi dire, on disait ah bah une belle chronique. C'est vrai. C'était très chiant. Bref, on va pouvoir se lancer dans le thème qui nous rassemble ici, enfin. Ah, l'émergence dans le jeu vidéo. C'est ça le thème des CRS à terre. C'est ça le thème, bien sûr, allez écouter. C'est ça le thème de la fouine. Bref, on lance du coup l'émergence dans le jeu vidéo. On part. Et donc, on commence enfin ce magnifique. Enfin. Parce que là, ça fait 20 minutes pour vous. Pour nous, ça fait pas 20 minutes, hein. Donc, on y est. On est parti, on est chaud. L'émergence dans le jeu vidéo, un concept qui ne veut rien dire quand on le dit comme ça, mais qu'on va définir. C'est vrai. C'est assez vague. Alors. on va se lancer. À la base, nous, on avait dit en parlant au bar, on s'en souvient, l'autonarration, mais ça voulait rien dire non plus, donc c'était un peu gênant. En fait, tout ce qu'on voulait. Si, ça voulait dire un truc, mais ça voulait pas dire ça. Voilà, ça voulait pas dire ce qu'on voulait dire, en fait. En fait, on a envie de parler des moments dans les jeux vidéo où on décroche un peu de ce qui est prévu et on se raconte des histoires. Ah, ah. C'est beau. Parce qu'on connaît ça pour le gameplay émergent, on en parlera plus tard. Mais là, on parle juste du coup de moments où, par exemple, c'est l'exemple le plus simple à comprendre pour tout le monde, je pense, c'est Skyrim, où il y a une trame principale pas très alléchante et du coup, la plupart des gens, dès qu'ils ont la possibilité, ils partent battre campagne et récupérer des livres et faire ci et devenir forgeron, devenir voleur et tout. Et du coup, on a envie de s'attarder un peu sur ce phénomène et le définir et voir en quoi cette possibilité offerte par le jeu vidéo diffère des livres, du cinéma et d'autres médiums. Non, d'autres médias. J'ai voulu faire le mec qui connaît le latin, j'ai pas réussi. Ça me rappelle la prépa. donc, voilà. Comment on aborde la question? Est-ce que Steven, toi qui es un peu le mec qui ne joue pas beaucoup mais qui pense? Ouais, c'est vrai. Comment on pourrait définir ce phénomène? Est-ce que tu sais? Comment on pourrait définir quoi? L'émergence. L'émergence de la narration. Genre, le fait qu'on quitte l'histoire principale pour se raconter notre propre histoire, qu'on prenne les choses en main. Bah, déjà, je reviendrai un peu sur le concept même d'émergence. Ah, ça y est. Non, parce qu'en fait, c'est un de mes concepts préférés. Le mec, il a des concepts préférés. Oui, voilà. Ouais, j'ai une petite liste. Il est abonné à Emergence Magazine. Il a des posters d'émergence dans sa chambre et tout. Hein. C'est ça. Non, ça. Alors, pour le coup. Écoute, émerger la radio. Oui, voilà. Il regarde Urgence. Oh merde. Il est souvent en état d'émergence pendant 3 mois. Ouais. Voilà, bon, c'était un peu. Je suis allé trop loin. Voilà, licouchette, comme on dit en anglais. Licouchette. Non, l'émergence, c'est un concept qui naît chez John Stuart Mill. Ah! Et ouais, le grand philosophe. De l'utilitarisme? Voilà, philosophe anglais du 19e siècle. Ah. Pardon? Non, non, pas. Ah, parce que c'est vraiment intéressant. En français, John Stuart Mill, ça fait Jean Moulin. Ouais, c'est vrai. Donc Jean Moulin développe ce concept qu'il nomme pas émergence, mais qu'on s'en fout. Et en gros, c'est l'idée qu'on peut pas expliquer ce qui se passe avec juste les causes qui déterminent la chose. En gros, aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé en biologie pour expliquer qu'avec toute la physique des atomes, on n'arrive pas à expliquer la vie. Il y a un truc qui se passe, il y a un saut. Mmh. Et donc, c'est il y a Dieu, émergence. Ça, non, non, c'est pas Dieu. Ah. Il y a émergence d'une propriété qui n'est pas réductible aux propriétés de l'objet en lui-même. Moi, j'ai émergé, par exemple. Toi, non, toi, tu. Il faudrait trouver le contraire. C'est l'entropie. Non, toi, tu. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, il y a tout. Mais il y a un truc en moins. Il y a rien en plus, quoi. Et donc, je pense que ça peut s'appliquer en jouant un petit peu sur le terme, en disant que, en effet, on a un système de jeux vidéo qui est un système finalisé où on a, voilà, il se passe des trucs. Déjà, en définissant un jeu comme ça, comme un système finalisé, du coup, tu arrives dans le jeu, tout est prêt, tout est calculé, tout est là. Tu pars, on devient ludologue. On arrive avec Jasper Juhl. Alors putain là entre ah oui, John d'accord, Stuart t'as bossé en fait. Non non, t'as lu des choses. C'est sa culture personnelle. Ouais, oui, personnelle, oui d'accord. Excusez-moi voilà. Parce que du coup bon enfin ça va être on va cette FK va être compliquée. Donc préparez-vous, arrêtez de vous branler. On teste des choses. On en a marre là. Il faut que la FK d'un seul coup. On défriche. Voilà. Hein, donc les aventuriers du podcast. La FK c'est un peu pardon mais la nouvelle vision du podcast sur Et du coup, j'en ai parlé dans la période du Captain, mais j'avais vu Spiritus avant, donc j'étais pas très clair. Complètement. Quand t'as parlé de Jasper Hughes dans, alors pour les auditeurs, dans l'ADC 205, c'était, mais nul à chier. Je regardais, je te disais, mais ferme ta gueule. Mais qu'est-ce que t'as dit? Mais t'étais, bah, rien que dire Jasper Hughes, j'avais dit, ah oui, bah oui, tu m'étonnes, je sais pas être. Jasper Hughes, ah bah c'est bon. Ah oui, ouais, t'as nul droppé. Et donc cet homme, c'est un ludologue qui a écrit un bouquin connu dans les années 2000, et il définit le jeu vidéo comme un système formel de règles. C'est-à-dire qu'en gros, le jeu vidéo, pour lui, ça diffère pas beaucoup des jeux précédents, des échecs, des ouais, caplas, des voilà. Playmobil et tout. Pour lui, c'est pareil, sauf que c'est informatisé. Et du coup, toi, dans ta définition, c'est un peu ça. Bah, c'est un système finalisé. On peut dire que dans un système finalisé, d'un seul coup, il se passe un truc en dehors de ce système et en même temps dedans. Ça, c'est beau. Il se passe un truc en plus. En même temps en dehors, cas, en même temps dedans, ça me rappelle il ma Il se passe vite. Un truc en. Ouais, plus dehors que dedans pour le coup, mais. Et il se passe un truc en plus, et c'est ça qu'on essaie de toucher avec ce concept d'émergence. Je pense. Voilà, mais c'est ça. Voilà. Est-ce que vous, est-ce que comme ça, on en parle à brûle-prépuce, est-ce que vous avez déjà eu des moments d'émergence, mais pas gameplay, du coup, on y reviendra après, mais de narration où tu dis, l'histoire me plaît pas, et vous êtes inventé votre propre histoire. Ou pas du tout? Ouais, alors moi c'est un petit peu particulier, c'est l'exemple du jeu Gothic 3, je sais pas si vous y avez joué. Le mec joue à Gothic, putain. Ah, non, alors j'ai testé. Les RPG allemands, c'est un peu comme Risen. Voilà, parce que en fait j'avais testé Skyrim, ça m'avait pas plu, donc du coup j'ai dit Gothic ça sera mieux. Voilà, j'ai essayé, mais alors sur un certain côté ça m'a plu parce que Alors justement pour ce côté un peu émergent, c'est-à-dire que il y avait une espèce de trame principale. En fait, c'est dans un monde heroic fantasy de base où il y a une espèce de guerre entre les orques et les humains. Les orques ont conquis le monde des humains et ont réduit les humains en esclavage. Autant se faire sa propre histoire du coup. Voilà, voilà, exactement. Et du coup, voilà, la trame principale te propose un peu de prendre parti entre les orques ou les humains, sachant que tu es humain toi-même et que tu incarnes une espèce de petit sosie de Johnny Hallyday avec une épée. Et, ça me plaît. Dont le background n'est pas du tout défini. Enfin, t'arrives, t'es parachuté là, tu sais pas trop ce que tu dois faire, tu suis les quêtes. T'arrives à Harley Davidson. Et alors, un jour, j'ai rencontré, voilà, j'ai rencontré un gars qui m'a dit, j'ai laissé une épée dans une grotte près de cette ville-là. Et le mec est con, ouais. Et voilà, et en fait c'était une quête secondaire vraiment vraiment pas importante, mais moi à ce moment-là ça m'avait intéressé. Je me suis dit putain, là c'est une quête d'une épée, c'est un truc. T'as dit c'est le roi Arthur. Voilà, voilà, il y avait un côté un peu comme ça. Et du coup, je me suis approprié cette quête secondaire et j'en ai fait ma quête principale. Et du coup, ça m'a fait les 5 autres heures de jeu que j'ai fait avant d'arrêter le jeu. Et je sais même plus. Oui, je crois que j'ai trouvé l'épée, mais après, voilà, ça m'intéressait plus. Mais du coup, voilà. Alors, il y avait une émergence dans le sens où, voilà, il y avait quand même un truc qui était prévu. Mais pas prévu comme tel, pas prévu comme être. T'as accordé de l'importance à un truc. Qui était complètement dérisoire, qui était juste. En plus, l'épée en question, je crois qu'elle était pérave, hein, très clairement. Mais c'est avec mon expérience et ma volonté de faire quelque chose du jeu que j'ai apporté cette dimension. C'est pour ça qu'il y a de l'émergence dans le jeu vidéo, parce qu'on parle de système finalisé, mais vu qu'il y a la subjectivité du joueur, et c'est grâce à ça que ça émerge, c'est la confrontation des règles mises en place et de ce que nous on va en faire. Mmh. Et voilà. Attends, j'ai plus de conducteur, moi je suis perdu, je suis nu. Hein, je suis alors sur le conducteur, juste après, il y a la comparaison avec. En fait, voilà, parce que. On pourrait se dire du coup que tout ce qu'on dit là, ça a juste attrait à l'interprétation. Parce qu'on pourrait se dire, bah t'as vu le jeu, t'as lu les quêtes et t'as interprété celle-ci parce qu'elle parlait plus. Exactement. Et du coup, en quoi ça diffère d'un livre où toi un personnage va te toucher plus que l'autre, ou un film où une scène va te parler plus que les autres. Donc comment ce concept d'émergence qui est propre aux jeux vidéo, parce que beaucoup de développeurs en parlent, même depuis 15 piges, hein, tout le monde fait des conférences dessus, tous les développeurs, genre Warren Spector qui a fait Deus Ex et tout, il en fait beaucoup. Et pourquoi du coup ce concept est spécifique aux jeux vidéo alors qu'on pourrait se dire, bah c'est juste, t'as juste interprété. Ouais. Alors, c'est ça la question. Je dirais que c'est la grande question. Au-delà de l'interprétation, du sens où le jeu vidéo c'est un médium au travers duquel tu peux justement peut-être plus vivre l'aventure, du sens où. Voilà, on en revient à l'idée du choix, à l'idée mettons dans une œuvre littéraire. Ou une œuvre au cinéma, tu vas pouvoir peut-être donc justement plus te retrouver au sein d'un personnage, d'une communauté, d'une histoire qui va plus te marquer. Mais pour autant, le jeu vidéo offre cette liberté-là, qui va être celle de vraiment réinterpréter ton histoire et la vivre toi-même au travers de tes choix. C'est pas simplement tiens, ça me plaît, je me reconnais là-dedans, mais là, tu peux choisir une voie et t'y engouffrer à bras le corps, entre guillemets. Ah, c'est l'interactivité, du coup. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, l'interactivité joue et apporte ce phénomène, justement, d'émergence. Ouais. Ça, c'est peut-être l'interactivité, voilà, qui va être la clé de voûte de. Du coup, ta charge affective, tu peux la transformer en autre chose, quoi. Exactement, c'est ça, tu peux la vivre et tu peux la. En fait, tu dis, ça me plaît, du coup, je vais façonner mon expérience. Enfin, dans le cas de Gothic 3, c'était ça. C'est genre, cette quête me plaisait, du coup, j'ai fondé toute mon expérience de jeu sur autour de cette quête. Tu canalises toute ton expérience. Moi, personnellement, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis par rapport à ce jeu-là, c'est que une fois que t'as trouvé l'épée, t'as arrêté. Il y avait d'autres facteurs aussi. Le système de combat était à chier. Voilà, c'était quand même austère. Hein, c'était quand même pire que RPG allemand. Je suis d'accord. Mais le fait est qu'à partir du moment où tu t'es fixé cette quête, où vraiment pour le coup c'est toi qui te l'es fixé, t'as fait le choix de continuer celle-là. Comme tu dis, t'en as fait ta quête principale. Ouais. À mon avis, ça a pas forcément à voir qu'avec l'interactivité. Ça a aussi à voir avec. Avec la façon spécifique dont le jeu vidéo va croiser les lignes narratives. C'est-à-dire que si jamais t'es en train de lire un bouquin et que tu dis « Ouais, mais moi, le seul personnage qui m'intéresse, c'est ce personnage secondaire. » Qu'est-ce que tu fais ? Tu skips tous les passages où ça parle pas de ce mec-là ? Bah non. Tu peux pas prioriser de la même façon dans le jeu vidéo et dans la littérature ou même dans la fiction dans la fiction de façon classique, disons que ça soit film, littérature ou série télé. Mais du coup, ce que tu dis là, ça s'applique seulement pour les mondes ouverts. Non, parce qu'il faut que le jeu te permette de prioriser la quête. Ça s'applique pas forcément pour les mondes ouverts, mais en revanche, ça s'applique pour les jeux avec des systèmes de quêtes secondaires, effectivement. Parce qu'en l'occurrence, il s'agit de prioriser une quête secondaire par rapport à une quête principale. C'est un cas qui est déjà en soi super particulier. Voilà, et puis c'était quand même une quête secondaire au long cours. Enfin, fallait quand même traverser un bon bout de la carte. Ça m'a pas empêché aussi à côté de faire d'autres quêtes, notamment un peu de quêtes principales, mais toujours avec en tête cette. De toute façon, le principe des quêtes secondaires. Voilà, et cette idée de. C'est pour ce que tu dis là que la définition de Jesper Juul me plaît pas trop en tant que système de règles formelles. Oui. C'est que t'as vécu l'expérience de. T'avais une quête en tête, du coup t'es allé par là. C'est con ce que je veux dire, mais t'as gardé la touche de clavier enfoncée pendant je sais pas quoi 10 minutes pour aller à la grotte. Et du coup, on se focalise plus sur l'expérience que sur le système de règles formel. C'est l'état dans lequel t'étais quand t'as joué qui compte dans le jeu et pas seulement le système de règles qui était mis en place. Et du coup, c'est là qu'on se tombe plus vers les play studies de Maître Triclo que vers le mec à Jesper Juul. La bombe est lâchée. On l'a dit, la Triclo bombe. Et ouais, c'est parce que lui, il définit ça comme un état, du coup. Il s'intéresse à l'expérience et à l'effet, et à l'état dans lequel te met le fait de jouer à un jeu vidéo, plutôt que juste considérer le jeu comme un ensemble de règles. Bien sûr. Et c'est pour moi, je sens, l'émergence a plus d'impact dans, comme ça, je pense. Parce que bien sûr, on peut l'analyser comme le ferait sûrement très bien Steven, comme quelque chose qui émerge dans un système de règles et qui n'était pas prévu. Mais pour moi, ça a d'impact pour nous parce que ça nous pousse à avoir une expérience tout à fait différente. Et du coup, toi, t'as dû aller à tel endroit, alors t'aurais peut-être pas dû y aller. Et du coup, t'as pu voir d'autres trucs, t'as pu les voir dans ce cadre-là, etc. Bon, je suis un peu, voilà. Mais vous avez compris quand même. Alors, moi, ce qui me gêne dans ce qu'on dit là, c'est que dans quelle mesure on peut parler de narration émergente dans la mesure où on se base sur des quêtes principales et secondaires. Oui, c'est vrai que ça restait quand même prévu. Mais en fait, là, c'est plus l'émergence dans le sens... le sentiment que j'avais était peut-être émergent, tu vois. C'est-à-dire que je pense pas que c'était... Chimique. Voilà, je pensais pas que c'était, prévu à ce point que des joueurs puissent s'attacher à cette quête-là secondaire, tu vois. Et c'est-à-dire que là, il y a une espèce d'émergence qui arrive. Mais si tu as des good shots, ça, ça en fait, c'est le même système que l'empathie au cinéma, sauf que là, vu qu'on agit après, il y a un degré en plus. Alors, si, voilà. Comme le disait Thaïs, si on était dans un bouquin, on serait juste attaché au perso, mais on n'aurait pas pu faire grand-chose avec. Alors que là, on s'attache au perso ou à la quête, et du coup, on agit et on fait quelque chose pour continuer l'attachement et pour l'actualiser. Et du coup, c'est en fait le même principe d'empathie que dans les autres médias, mais sur lequel on peut aller plus loin parce qu'on a des actions qui sont offertes pour continuer dans l'empathie. En fait, basiquement, t'es en train de me dire que ce cas précis, il a fait une fanfiction de Gothic 3. Exactement. Ouais, presque ouais, ça en fait. J'aurais pu l'écrire. Mais la fanfiction, le truc, c'est que si tu fais une fanfiction d'un bouquin, tu sors du coup de ton expérience de lecteur. Tu fais autre chose. Oui, bien sûr. Alors que là, tu restes dans le média. Oui, c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai que. Et c'est le seul média qui contient intrinsèquement la fanfiction. Voilà. Exactement. Et c'est le seul média qui contient la fiction et la fanfiction. Et ça, c'était génial. Merci à vous pour votre invitation. Voilà, voilà. C'est ça. Salut. C'est beau. C'est beau ce qu'on dit. On se retrouve dans la FK 18. Toi, Stavro, t'as mon beau moment d'émergence, c'est une bonne question. Je sais pas si c'est vraiment de l'émergence ou pas. J'aurais dû réfléchir à ça. Ouais, au lieu de dire Jesper Juul et compagnie. Oui, oui, c'est bon. Ouais, voilà. Bah, le seul, ouais, mais c'est Dark Souls, ça compte pas, je pense. Bah, si, ça. Ça compte plus ou moins, en fait. C'est compliqué parce que. Alors, bon, ça va être le moment Dark Souls un peu chiant. Je vais te soutenir, je vais en parler aussi si tu veux. Allez prendre un café chez vous. Dans la narration de Dark Souls, tout est morcelé, toute la narration est donnée par des descriptions d'items, donc d'objets, où t'as écrit une ligne là, une ligne là, une ligne là. Du coup, tu dois avoir tous les objets pour comprendre ce qui se passe. Et du coup, bah là, tu fais un peu un travail de mec qui lirait un livre et qui interpréterait et qui arriverait à faire un travail herméneutique. Ouais, exactement, de l'herméneutique. Presque de l'archéologie, en fait. Exactement, sauf que dans Dark Souls, ce qui rentre en compte, pourquoi c'est pas seulement de l'archéologie ou de l'herméneutique, c'est parce que t'as le skill qui rentre en compte pour avoir les objets. Du coup, quand tu vas prendre les objets pour comprendre l'histoire. Bah, l'archéologie, faut un peu de skill. Ouais, aussi, faut être Indiana Jones. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, ouais, mais là, pas dans WoW. Pas dans WoW. Ouais. Du coup, faut être Indiana Jones. Et moi, je le suis pas. Mais là, du coup, dans Dark Souls, j'ai pu l'être. T'es pas Indiana Jones? Et non. Pourtant, avec ton petit chapeau. Et pourtant, j'aime les fouets. Et je t'ai déjà vu avec un fouet en cuir. Ouais. Et tu me. Il y a pas longtemps, je me suis fait fouetter avec un air de bœuf séché. Ça fait très mal. Tu veux parler de ça? Ça fait très très mal. je vous recommande pas. voilà. Bref. Du coup, dans Dark Souls, ce qui est intéressant dans la narration, c'est ça. C'est l'herméneutique mais mise en l'herméneutique plus le skill. Du coup, ça c'est classe. Ouais, mais du coup, ça a plus rien à voir avec. Mais non, genre, je disais, c'est, est-ce que c'est de l'émergence ou pas, dans le sens où moi, je voulais connaître le lore, donc le background de Dark Souls, donc je me suis fait chier à aller chercher plein d'objets, alors que je n'en avais pas spécialement besoin, parce que je pourrais plus tracer mon chemin et tout. Il suffisait d'aller sur YouTube pour écouter. Pour tout voir. Voilà. Moi, je voulais connaître personnellement les trucs. Ouais, voilà. Ouais, ça, du coup, donc, c'est un peu pareil de l'attachement. Ouais, on est un peu une limite. Non, c'est limite. C'est limite, je suis d'accord. Donc, du coup, je donnerai un autre exemple. Voilà. On a pu parler de Dark Souls, c'était bien. ça serait Assassin's Creed 2. Pour y revenir. Étonnant, hein. Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2, d'accord, vas-y. Dans tous les Assassin's Creed, il y a un moment relou. Où il rajoute genre insérer le disque dans la console, collecter 500 plumes, collecter 500 drapeaux, collecter 500 je sais pas quoi, où il rajoute des vieux trucs à collecter. Moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui fait ça, hein, parce que moi je il l'attend en face de toi. Non, je l'ai fait une fois. Non, pas deux, pas trois, une fois, ça m'a suffi. Mais j'ai beaucoup aimé Assassin's Creed 2, du coup je me suis dit, bah tiens, je vais aller récupérer les fragments de vérité, je sais pas quoi, ou les plumes, bref, les plumes, je crois. Il y avait des plumes, ouais, dans le 2. Ouais. Et du coup, je me suis fait chier à attraper les plumes, il y en avait 200, j'ai pas tout eu, j'en ai eu 100. Mais du coup, bah j'ai erré dans Assassin's Creed et ça a permis d'avoir des histoires qui étaient pas prévues, parce que il y avait une plume qui était en haut d'un toit, du coup je montais le toit, je tombais devant deux gardes, ils me tabassaient, etc. Et du coup moi je me suis attaché à un objectif totalement dérisoire qui sert à rien. À la limite t'as un succès à la fin, quoi. On pourra en parler après. Mais du coup ça m'a poussé à avoir des expériences et à avoir des histoires qui se sont façonnées par cette quête inutile que je me suis créée tout seul. Enfin non, pas tout seul, mais auquel j'attachais une importance idiote, alors qu'elle était prévue mais elle sert à rien. Mais est-ce que tu as attaché à un contenu narratif, genre est-ce que tu t'es dit ouais je vais chercher des plumes parce que bon bah voilà il faut que j'aille chercher. Bah en fait le contenu disait genre ouais c'est des plumes de je sais pas de dragon. Oui, parce qu'il y a quand même une histoire avec la mère de Ezio à ce moment-là autour des plumes. Mais moi je m'en fous. En fait les plumes que tu ramasses, ouais, j'adore les mamans. Les plumes que tu ramasses, je sais même pas quoi. J'ai oublié. Tu les mets dans une boîte et je crois que ça doit débloquer un truc par rapport à la mère d'Ezio, parce qu'elle parle plus depuis que tout le monde s'est fait buter. Ah oui, elle parle plus. Ouais, mais est-ce que toi tu parle plumes? Excellent, merci Tolo. Est-ce que toi tu mettais une charge qui n'était pas dans le jeu? Bah ouais, parce que moi j'ai oublié ce qu'il a dit, j'ai oublié à quoi ça servait les plumes. Je voulais juste avoir les plumes parce que ça me permettait d'aller dans des endroits qui étaient pas prévus dans la quête principale. Du coup, j'ai visité de fond en comble Rome et j'ai vu des trucs classe et j'ai fait des rencontres impromptues et ça m'a créé ma petite histoire personnelle. Je dis bah tiens, là le gars, et puis après autre dans le même jeu, quand il y a le truc qui se pop parfois où un mec a une bourse de 500 pièces et il court. Ouais. Et tu te dis, soit tu t'en bats les couilles, parce que t'as déjà la thune, elle tombe, elle pleut. T'en as pas besoin, clairement. Mais tu te dis, ok, lui, je vais le défoncer. Ouais, et tu lui cours après pendant 10 minutes, ça sert à rien, mais t'es trop heureux de le faire. Ouais, clairement. Et ça, c'est prévu dans le jeu. Mais que tu le fasses ou tu le fasses pas, dès que tu choisis de le faire, ça émerge un petit peu. Mais pas beaucoup, c'est le niveau un peu zéro, en fait, de l'émergence que je décris là. Moi, je pense, pour prendre un truc que tout le monde connaît, pas un jeu vidéo, mais genre c'est ce que on en a parlé pendant le Skype de préparation de l'émission. J'ai oublié le Skype. J'ai appelé ça le plaisir du chef de gare. Ça te dit quelque chose? Le plaisir du chef de gare, bien sûr, c'est sur le conducteur. Ouais. Moi, je l'ai marqué sur le conducteur. Quand on joue au Monopoly et que tu décides de vouloir toutes les gares, ou tu décides de vouloir telle rue, et tu sais pas pourquoi, tu dis je serai le chef des gares. Voilà, c'est prévu dans le jeu, mais toi tu mets une charge en plus, genre tu veux être le chef de la gare. Et t'en as rien à foutre de d'avoir la compagnie des eaux, les Champs-Élysées. Toi, tu veux les gares parce que c'est bien les gares. Et je pense que là, on a une sorte d'expérience commune de. Là, c'est du coup, c'est pareil pour Assassin's Creed. Voilà, c'est prévu dans le jeu, mais moi, je me suis dit, même Gothic 3, pareil, c'était prévu. Ouais, voilà, mais nous, on a dit non, ça, c'est important. C'est prévu, mais on rigole pas avec ça, manière, les gars. Ouais. Tu le fais d'une certaine manière où tu places vraiment une charge et du coup, ça guide ton action même dans le jeu. Mais l'émergence, je dirais que là c'est c'est le niveau vraiment zéro, l'émergence, parce que rien n'émerge en fait, c'est juste nous qui faisons émerger par l'empathie ou par le sentiment, mais c'est pas des systèmes, voilà, donc c'est l'émergence facile. Mais à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, je dirais que ça se limite énormément au RPG, en fait, à l'action RPG, donc pour du Dark Souls, du Bloodborne. Moi perso, j'ai fait que Bloodborne de FromSoft, mais dans le même esprit, Bloodborne, voilà, t'as l'histoire pièce par pièce. J'ai vu des mecs qui avaient fait 40 pages Word de théorie sur Bloodborne en anglais. Voilà, je veux dire, ça laisse vraiment libre cours à l'interprétation du joueur. Enfin, FromSoft a ce talent-là. Et au-delà de ça, donc le RPG, donc du Gothic 3, le RPG, moi je pensais World of Warcraft à titre personnel, mais même du RPG à la Pokémon, on peut le dire. Je veux dire, un mec qui va jouer à Pokémon sur Game Boy, tu peux choisir de devenir red dingue de tes 6 Pokémon, de ton Dracaufeu. Ouais, tu vois, je veux dire, tout ce qui va s'apparenter à du RPG large, donc monde ouvert, action RPG, mais je dirais que ça, l'émergence, ça, c'est assez intrinsèque au RPG, en fait, tout simplement. Je pense qu'on peut, voilà. Bah, c'est une question que je posais tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire de l'émergence dans quelque chose qui est pas un monde ouvert ou pas? Parce que, bah, le système un monde avec beaucoup de variables, en fait. Avoir, voilà, exactement, plusieurs variables, je pense. C'est, mais donc, peut-être que l'émergence, ça se limite déjà quand même, voilà, on pourrait synthétiser. Ouais, on pourrait déjà limiter, ouais. Voilà, peut-être en se recoupant, voilà, sur le. En même temps, il y a comme une logique que ce qu'on appelle la narration émergente, soit lié à des jeux à fort contenu narratif à la base. Ouais. Mais moi, personnellement, je reste persuadée que jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de quoi que ce soit d'émergent. Ah ouais? Non. Et j'allais dire, Thaïs, sors-nous notre train-train. Voilà. Éblouis-nous. Train-train, Thaïs, c'est tout pour moi, merci. Train-train. Alors, quand t'es obligé d'expliquer des blagues, je te l'ai déjà dit, c'est que c'est pas bon. Pas autant pour moi. Donc t'as pas, il répète, juste c'est une façon de nier le fait que c'était pas bon. Voilà. Alors c'est parce qu'elle n'est pas capable d'expliquer. Oh. Non mais alors vas-y. Et donc tu penses à quoi? Non, moi c'est juste que je considère que on parle uniquement en termes de charge émotionnelle justement et de ce qu'on va charger dans le contenu déjà existant du jeu. Oui. C'est pour ça que je parlais de quêtes secondaires et de trucs comme ça. Même au final, le truc des plumes dans Assassin's Creed, ouais. Et même dans une certaine mesure, ce que t'appelles le plaisir du chef de garde. C'est un beau concept. D'une certaine façon, c'est la même chose parce que en faisant ça, tu réponds malgré tout à une règle du monopoly. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il faut avoir tous les trucs d'une même sorte. Ouais. Le fait que tu choisisses la gare plutôt qu'autre chose, en vrai, enfin, c'est gratuit. On s'en fout. Ah oui, mais c'est. Oui, tu mais réponds quand même à. C'est en ça qu'il y a quelque chose d'émergent, c'est que c'est purement gratuit et c'est pas le but du jeu parce que s'il faut, vaudrait mieux que tu prennes les Champs-Élysées que la gare. Mais oui, voilà, tu t'en fous parce que tu veux la gare, parce que pour toi, le but du jeu, quelque part, c'est d'avoir les gares. Et le fait est que la règle ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on te dit que tu peux récolter 200 plumes dans Assassin's Creed que ça va te pousser à le faire. Très clairement, moi je l'ai pas fait et je suis pas le seul. Et moi je l'ai plus jamais refait. Hein. Voilà, voilà. C'est pas une question que ça te du pousse coup, ou pas à le faire. C'est une question que c'est dans le jeu et c'est tout. Oui, d'accord. Tu crées rien et du coup tu laisses rien émerger. Tu charges simplement émotionnellement des choses qui sont pas forcément prévues pour être les plus chargées émotionnellement. Ouais, je pense ça change ta manière de jouer. En sens, ça change ce qui est prévu. Je dis pas que ça change pas ta manière de jouer, loin s'en faut. Mais en revanche, je suis pas persuadée qu'on puisse parler d'émergence. D'accord. Du coup, est-ce que tu penses qu'il y a des moments, des possibilités autres d'émergence qui sont plus vraies, plus émergentes, ou pas du tout? Moi, la vérité, c'est que je m'intéresse pas à la narration émergente. Je m'intéresse plutôt au gameplay émergent. Ah, on y viendra après. Donc, on y viendra après. Ouais. Tu es guisté là. Précisément parce que je pense que la narration émergente. C'est que de la charge émotionnelle et c'est tout. C'est pas forcément que de la charge émotionnelle, mais en revanche, je sais pas. J'ai la sensation qu'il y a toujours. En fait, il y a quelque chose d'un peu vain. Moi, personnellement, la seule expérience que j'ai en tant que joueuse que je pourrais qualifier de narration émergente, accrochez-vous, elle est nulle. J'étais toute gamine et j'avais FF6 en anglais, sauf que je parlais pas anglais. Mais du coup, tu as inventé ton histoire. Voilà, mais je m'en battais les couilles parce que j'avais adoré FF7 et du coup, quand j'avais eu le 6, je me suis dit, hey, trop bien, je vais le faire, ce sera génial. Heureusement, t'as pas eu le 8. Voilà, évidemment, je ne finis rien. Je l'ai eu plus tard, mais bon, écoute, voilà. Hein. On va pas parler de ce qui fâche. Non, et donc je me suis obstinée, j'ai quand même lancé FF6, j'ai cherché les deux trois mots de vocabulaire de base. Donc voilà, j'ai cherché foudre, feu, les merdouilles comme ça, histoire de me permettre de gérer un peu ma team. RPG quoi. Voilà. Je te mets la foudre, je te mets le feu, t'inquiète bébé. Ah non, je te mets la fièvre. mais clairement, l'histoire, je l'inventais à partir de ce que je comprenais. Alors déjà, c'était. Ça, c'est ce que je faisais en latin. Dans une Cicéron traduction, il y a le mot ville. Alors, le mec était dans la ville. Alors, j'aimerais juste te dire que M. Cicéron, c'est pas l'auteur, c'est ton pseudo. Ah, pardon, oui, Cicéron. C'est vrai, juste pour recadrer les choses. J'ai formation professionnelle. M. Cicéron, ça n'existe pas. En fait. Ça existe grave. Donc voilà, donc toi, c'est ta seule expérience, c'est FF6 que tu as inventé. C'est la seule chose que je comparerais à ça. Mais la vérité, c'est qu'après 3 heures, j'ai juste droppé le truc et j'ai attendu peut-être une dizaine d'années avant de me remettre sur FF6. Ouais, mais par exemple, moi, un sentiment comme ça que j'aurais, c'est, je sais pas, avec Age of Empires. En soi, le but, c'est de gagner ta partie, de défoncer l'autre, de faire ta merveille et tout, mais En multi, tu parles, qu'on s'entende. En campagne ou en multi? Ah, il y a des campagnes, en solo, il y a des campagnes. Il y a de l'histoire, t'es le roi d'Écosse et tout. On va dire en multi alors. On va dire en multi. Donc tu peux gagner en faisant ce que tu veux, mais tu vas choisir des manières de gagner, pas parce qu'elles sont meilleures pour atteindre l'objectif, mais parce que toi tu choisis de les faire. Et c'est exactement la même chose quand le plaisir du chef de guerre. C'est vrai, c'est ça. On va le déposer à l'UNEP. Là, ce serait plus le plaisir du chef de guerre, parce que tu sais très bien que si je suis assez bon pour ça. Il si manie les mots comme sa teub. C'est sympa. C'est sympa. Bah ouais. Et tu m'as perturbé. Non mais par exemple, moi dans Age of Empire, je passais un temps infini l'hélicoptère à avec les mots. Des très jolies villes, alors qu'en soi on s'en bat les couilles hein. Que mes champs ils soient tous au même endroit, parce que bah là c'est la campagne et que j'ai quand même ma caserne militaire à côté, mais que si j'ai plus de place pour en mettre, je suis obligé de mettre une écurie avec les champs. Non, ça me fait chier. Ouais, je suis d'accord. Du mais coup alors... j'efface ma partie. Non, ça va, c'est du talk Steven, ça c'est non, mais là, j'ai un contre-argument. Est-ce que t'es pas plus dans le gameplay émergent que dans la narration émergente? J'en sais rien. Parce que je me racontais vraiment mon histoire. Hein, parce que là, c'était mes petits paysans. Et ils avaient leur. Ben voilà. Ouais, mais. Parle-nous de tes paysans. Mais vraiment, je leur connais là-dedans. C'est imposé une contrainte de gameplay dans la pratique. C'est vrai, elle a raison. Ouais, elle a raison. Oui, quelque part, il y a ça. Mais ah bah, c'est la problématique contrainte... du jeu vidéo. Hein, de base. Narration et gameplay sont entremêlés. Voilà. Mais Pixel Core, on parle souvent. Narration purement vidéoludique doit entremêler les deux. Mais c'est précisément pour ça que je te dis que parler strictement de narration émergente, ça me paraît être une impasse. Ah, mais c'est pour bien dissocier les choses, pas pour dire que dans la pratique c'est pas la même chose, mais c'est pour conceptualiser différemment. De toute façon, on essaye. Il y a pas vraiment de concept de narration émergente en fait. C'est... Oui, non, mais j'essaye aussi. Hein, bien problème, sûr. Hein. Et moi, tout à l'heure, Thomas disait ça peut marcher, ou on disait tous, on était d'accord avec lui, que ça marcherait que dans un jeu, il y a beaucoup de variables, la charge affective qu'on pouvait donner à une quête secondaire, etc. Mais moi, j'ai le contre-exemple ultime, et j'en ai déjà parlé maintes fois, donc vous savez de quoi je vais parler maintenant. C'est l'instant FIFA. L'instant FIFA. Parce que. Ouais. Est-ce que tu as joué à FIFA toi? Alors non, je vais vous avouer qu'en fait j'ai jamais joué à FIFA, donc de base je vais pas être un très bon. Donc si je fais Hey, France 98, on était nés quand même. Hein. Oui, je te rassure. On n'a pas joué à FIFA, mais quand même. Nouvelle vision de FIFA. C'était juste l'excuse pour chanter ça. Hein. Ouais, c'est vrai. On cherche toujours une excuse. Je pense que je vois là où tu veux en venir. En fait, voilà, si tu fais un mode carrière, t'es entraîneur, t'as ton équipe, et au fur et à mesure des blessures, des matchs perdus. Parce que moi, avant de jouer, quand je jouais à FIFA, je perdais un match, je reloadais ma partie, je rechargeais. J'ai perdu, hein, je recommence. Et un mec m'a dit, non, mais t'as perdu, tu continues, c'est le jeu. Et il a eu raison, parce que du coup, au fur et à mesure des défaites, des coupes que tu auras, des quarts de finale où t'es éliminé, des joueurs qui se blessent de moi et t'as trop le seul parce que c'est ton attaquant de pointe, et ben tu te mets une charge affective de dingue et tu rigoles même plus avec ça à la fin, et tes joueurs tu les appelles par leur prénom, tu fais allez Dani, là il faut y aller aujourd'hui. Est-ce que t'as des joueurs qui font des sex tapes? Ah, pas encore, mais j'aimerais bien. En DLC de FIFA. Et du coup, là, la charge émotionnelle dans un jeu qui s'y prête absolument pas. Et pourtant, elle y était vraiment à la fin. Moi, Liverpool, maintenant, c'est mes potes et c'est tout, quoi. Et du coup, ce qui joue, je prends là-dedans, c'est pas le nombre de variables, c'est la durée, en fait. Parce que t'as aucun objectif à part gagner. Mais vu que tu passes du temps, beaucoup de temps, parce que tu peux jouer à l'infini ton mode carrière, tu peux faire des années. Et ben je pense que là c'est la durée qui rentre en compte pour la narration, enfin narration émergente, on va dire ça comme ça, mais voilà, pour la charge émotionnelle. Je pense que c'est le temps passé dans le jeu qui peut aussi augmenter la charge affective et forcément ta propension à errer dans le jeu. Ça c'est de l'affect, hein, je dirais. Enfin justement, on est vraiment peut-être purement en fait dans la narration, ce que tu dis, loin du gameplay, mais vraiment dans la narration, parce que c'est vraiment de l'affect que tu crées. On en revient à Pokémon, peut-être l'exemple de tout à l'heure. Bah ouais, Pokémon et les joueurs, c'est pareil. 120-150 heures à monter tes Pokémon, tu crées un attachement, tu crées forcément. Et ouais, c'est vrai que peut-être que ça se limite pas en fait au RPG. On a peut-être été réducteur tout à l'heure, mais je pense qu'il y a une question. À moins de considérer aussi FIFA comme un RPG, mais ouais, non, tu joues un rôle d'entraîneur. Non, mais d'un sens. Mais ouais, non, je pense que ouais, c'est peut-être une question d'affect. Alors plutôt. Peut-être de, voilà, encore une fois, la charge émotionnelle, en fait, tout simplement. Là, peut-être que ouais, t'es purement dans la narration. Ça serait en fait, plus et forcément, elle est forte dans un RPG. Ouais. Mais est-ce que narration n'est pas qu'à faire d'émotion? Oh, il y a tout le concept. Je pose la question à David Cage. Bienvenue dans Apostrophe. Voilà. Vygotsky, tu fermes ta gueule. Mais ouais, du coup, moi je reviendrai un peu sur ce que t'as dit, Thaïs, en disant qu'il ne peut pas y avoir de narration émergente sans gameplay émergent. Et en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec des. Est-ce que juste très rapidement, oui, vous pourriez définir pour les auditeurs ce que serait un gameplay, juste un gameplay. Alors, gameplay, très rapide, c'est l'ensemble des règles de jeu. C'est la manière avec laquelle tu vas jouer au jeu. La manière, pardon. Avec laquelle tu vas jouer au jeu. D'accord. Par laquelle tu vas jouer au jeu. Dont tu vas jouer au jeu. Ah là, la manière de jouer. Exactement. La manière de jouer, voilà. Comment tu dis ? Non, c'était juste pour la grammaire sur Internet. Voilà, exactement. Et alors moi, il y a un exemple de narration émergente qui me vient tout de suite, c'est Don't Starve. Je sais pas s'il y en a autour Don't Starve. Don't Starve, très clairement. Présente peut-être vite fait le jeu. Alors Don't Starve, c'était un jeu de survie ou Clay Entertainment. De Clay, voilà, édité par Clay, je sais plus. Non, voilà. Fait par Clay. Fait par Clay, d'accord. Lars Barclay. Et excellent. Eddie Barclay. Eddie Barclay, voilà. Où en fait on jouait un petit personnage qui était parachuté dans un univers dans une nature sauvage et il devait survivre en craftant voilà, c'était un peu le Koh-Lanta du jeu vidéo. Et du coup le truc qui était assez étonnant, c'est que souvent les critiques de ce jeu commençaient par une narration d'une partie. Il y avait un texte, c'était Usul qui avait fait ça, il avait fait une super vidéo dessus où en fait il faisait juste une narration d'une partie. Et très clairement, là-dedans, il n'y a aucun gameplay émergent parce qu'en fait, c'était une narration qui se crée juste par le jeu et par son système tel qu'il était prévu. C'est-à-dire qu'on pouvait raconter comment on débarquait, comment on a vécu notre première nuit, comment on avait récolté quelques brindilles pour se faire un feu, pour se tenir à l'écart des bêtes sauvages, comment un jour, en passant près d'un rivage, on s'est fait attaquer par une horde de pingouins et qu'on est mort au bout de 23 jours, comme ça, voilà. C'est un jeu qui permettait d'avoir des histoires très différentes à chaque partie sur un système de jeu de base qui restait le même. Et donc voilà, il y a certainement beaucoup de jeux qui permettent ça. Je pense Minecraft, voilà, par exemple, qui permettent, avec un système de jeu très basique et une narration nulle, on peut le dire, parce qu'il n'y a aucune narration dans Minecraft ou dans Don't Starve. Enfin, à part depuis le Telltale Story Mode de Minecraft, hein, ce chef-d'œuvre. Oui, alors ça. Je s'en branle, ça. Oui, c'est de la merde. Hein. C'est vraiment Telltale. Oui, c'est Telltale, oui, bien sûr. J'ai entendu parler. J'ai envie de te dire, tu dis, il n'y a aucune narration dans Don't Starve. Dans ce cas-là, c'est pas gameplay qu'il faut définir, c'est narration. D'où il n'y a pas de narration dans Don't Starve. Bah, il n'y a pas de. Ouais, oui, non, mais. D'ailleurs, c'est allé sur l'offensive. Oui, non, mais la raison. Et donc et voilà, donc t'as aucun. Alors, à mon souvenir, il y a aucun. Si, alors on te raconte que ton personnage a créé une machine à voyager dans le temps, une espèce de TARDIS, hein, n'ayons pas peur des mots, qui t'a projeté. On n'a pas peur de dire. Voilà, qui t'a projeté dans ce monde sauvage, et à partir de là, t'es livré à toi-même, et il y a assez peu de narration, voire aucune cinématique, aucun texte, rien qui te. Aucune trame, en fait. Voilà, aucune trame, voilà. Et Minecraft, c'est pareil. Si tu préfères, pareil, y a peut-être si aucune trame plutôt qu'aucune narration. Peut-être ça te voilà. Correspond mieux. Et du coup, en fait, la narration naît du fait de jouer, en fait. Ouais. Voilà. Mais du coup, c'est de la narration émergente, liée à un gameplay émergent. Non. Bah non. Ah, pas le gameplay n'est pas émergent. Bah pourquoi c'est pas de narration émergente ? C'est de la charge affective et c'est de la création d'invente. Comme quand toi tu joues à FF6, lui il avait même pas de texte en anglais pour inventer. Il a dû inventer les textes tout seul. Ouais, mais d'un autre côté, comment dire ? Précisément, dans un jeu dont simplement tu comprends pas les enjeux narratifs pour une raison X ou Y, mais qui a un fort contenu narratif en termes de texte ou en termes de cinématique ou en termes des deux, en l'occurrence dans FF6, puisque il n'y a pas de, ou Dark Souls. De narration. Ou Dark Souls. Moi je considère pas que Don't Starve soit un jeu sans contenu narratif. Pas du tout. Au contraire, c'est un. Enfin. Comment dire ? De base, un jeu dont le principe c'est la survie. La narration, c'est celle de ta survie, c'est tout. Après, t'y projettes ce que tu veux. Usul et Dorian Chandelier, ils avaient fait un autre sur ce modèle. Donc ça, c'était Usul Passion dans Don't Starve. Ils avaient fait Louis Médoriac Passion sur Démocratie 3. Oui, exact. Ouais. Et pour le coup, je trouve qu'en termes de narration, alors que le jeu est peut-être plus narratif au sens où t'avais l'air de l'entendre, dans la mesure où t'as du texte qui t'explique ce qui se passe, la façon dont les gens réagissent aux événements et tout... je trouve que pour le coup on était peut-être plus sur ce qu'on pourrait appeler de la narration émergente, dans le sens où il projetait vraiment une histoire. Ah oui, donc en fait pour toi la narration émergente ne peut émerger donc que s'il y a déjà un contenu narratif que tu détournes Enfin, c'est comme ça que je le comprends aussi. Ok, donc ça veut dire on que je dois absolument compris. Très très mal m'exprimer. Non, mais j'ai compris parce que aussi, hein. Tu vois, dans Don't Starve, en fait, toute la narration, elle est pas prévue par le. Certes, il y a le contexte de survie. Prévue par le contexte. Voilà, ce que je veux dire, voilà, c'est il y a un contexte. Elle est pas prévue, mais elle est conditionnée par à survie. Exister par, par le fait que tu vas jouer. Ouais, oui, bien sûr. Bah évidemment, évidemment. Si tu joues de base, non, mais je veux dire. Vraiment, pour le coup, dans Don't Starve, c'est vraiment le cas. C'est pas forcément autant le cas dans J'en sais rien. Bah voilà, citons le fameux exemple Tetris raconte-t-il une histoire. Mm-hmm. Là, effectivement, je veux bien que ce soit plus ambigu. Bon, tu peux grave, attends, à la fin, il y a une fusée qui décolle. Hein. Pas dans tout. Dans le vrai. Il y a une fusée qui décolle. Dans le vrai, sur Game Boy. Bah, c'est le vrai. C'est le vrai. C'est le vrai. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, il y a des jeux qui. Enfin, comment dire ? C'est-à-dire que dans Don't Starve, le gameplay sous-entend la narration. Oui. Et du coup, elle n'émerge oui, pas. Oui, est-ce oui, qu'on bah... peut vraiment parler de narration oui, émergente dans je la Je crois que là, elle est c'est le moment d'appeler à la rescousse notre philosophe. Alors, qui a Stéphane, une distinction kantienne à nous donner. Vas-y. Pseudo-kantienne. Mais je distinguerai entre deux types de finalités. Dans le système qu'est le jeu. Ouais. Dans le système qu'est le jeu. Qui serait une finalité. Je reprends les mots chez Kant, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mais on s'en fout. Et tu fais émerger Kant. Enfin, on s'en fout. Je distinguerai entre la finalité interne et la finalité externe. Ce que j'entendrais par finalité externe, c'est on te pose des objectifs et on te pose une histoire que tu vas suivre. Ouais. Alors qu'une finalité interne, c'est plus lié au contexte et à la manière d'utiliser les choses. Par exemple, les Playmobil. Ah. Il y a en avant les histoires. Voilà, bah en avant les histoires. Alors que en soi, il y a pas d'histoire dans Playmobil. On ne donne pas un petit catalogue avec en disant, bah il va falloir que tu fasses ça, que tu fasses ça, que tu fasses ça. On donne juste des objets des qui ont une certaine finalité, on va dire interne propre. Parce que genre un château fort, c'est fait pour château forté. Oui, voilà. Voilà. Et dans le sens, voilà, où ils ont une certaine manière d'être utilisés, mais après, tu en fais ce que tu veux. Un ergon, hein, pour un. Ils ont un ergon, voilà. Moi, je suis même. Ouais, je suis perdu, moi. Ils ont un. Et puis, si on veut continuer à citer les concepts, ils ont un coefficient d'ustensilité, comme dirait Sartre, dans l'être et le néant. Mais en tout cas, non, ils ont une manière. Merci Jean-Paul. Une manière d'être utilisé. Mais on c'est peut pas reparler que... de Pokémon à la place. c'est pas pour ça qu'il y a vraiment une trame narrative. Plutôt externe qui est posé, mais il y a une manière d'être utilisé. Et je pense dans les jeux type bac à sable, il y a vraiment ça. Si t'enlèves tout le contenu narratif de GTA, genre t'as fini le jeu et t'as tout. Ouais. Il y a une certaine manière d'utiliser ton personnage, une certaine manière d'utiliser ta ville. Ouais. Et puis après, bah tu fais ce que tu veux et puis bah en avant les histoires. C'est-à-dire que dans GTA, une fois que t'as fini le jeu, tu vas pas ouvrir un salon de coiffure avec ton personnage. C'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de présupposition que tu vas continuer à être un gangster et. Ah non, pas forcément. Non, tu peux ouvrir un salon de coiffure. Mais t'as une manière d'utiliser ton personnage qui va être. qu'il a un déplacement et qu'il a des potentialités, il va pouvoir ouvrir un salon de coiffure. En fait, Steven il fait une distinction entre, c'est écrit sur mon conducteur, l'usage et le but. Ah ouais, mais c'est moi qui ai écrit ça ? Oui. Ah bon ? C'est bien, c'était pas mal. C'était préparé. C'était bien. On était un peu bizarre pendant le Skype, non ? Je sais pas, bref, l'usage et le but. Ben ouais, l'usage et le but. Voilà. Interne, usage, externe, but. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je sais pas si ça peut éclairer un peu ce débat sur, où on parlait du contexte et tout. Et en effet, peut-être qu'il n'y a pas toujours vraiment un contenu narratif au sens du but ou d'une trame qui est posée, mais il y a toujours un certain usage et une certaine manière d'utiliser les choses, ou même un certain univers qui va te donner des horizons pour développer ton histoire. Dans les Playmobil, si tu prends tes Playmobil pirates, voilà, tu vas avoir un certain horizon qui s'ouvre pour poser des histoires. Mais c'est ce que disait Thaïs, du coup. Le contexte induit la narration, du coup, ça n'émerge pas pour elle. C'est ça? Si j'ai bien compris ce que tu disais. Ouais. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une certaine forme d'émergence au sens où tu vas pouvoir poser des choses. Le bateau pirate des Playmobil, il n'impose pas une narration stricte. Ouais. Il n'impose pas un pirate. Tu peux dire je suis un coiffeur qui a volé un bateau pirate. Et du coup là, tu niques le contexte qui induit la narration. Ouais, mais ça reste un bateau pirate, hein, cela dit. Ouais. Bon, après, normal. Tu joues avec ça, mais il y a quand même un certain usage. Ça reste des bonhommes qui seront. Tu vas pas jouer de la même manière avec tes Playmobil qu'avec tes, je sais pas quoi. Couilles. Tes couilles. Oui. C'est vrai. Merci Thomas. Intervention de Thomas. Je suis pas d'accord parce que moi j'ai Jamie et Fred, mes couilles. Non, c'est pas vrai en plus. Mais bref, pas un rôle de Kumar. Imagine tu joues avec tes pieds. Dis-moi, Jabi. Alors, Jabi, aujourd'hui, on va visiter un bateau pirate. Voilà, non, mais c'est pour ça que j'ai réagi sur ce que tu disais, Thaïs, parce que. Quand même, en 5 minutes, t'as Jean-Paul Sartre et mes couilles. Ouais, c'est, c'est ça la fucking question. C'est la fucking question. Voilà, de la FK. Et les couilles, Jean-Paul, ça c'est pour la prochaine. Je crois qu'elles aussi, elles étaient comment on dit, en strabisme. Ouais. Oh non, strabisme divergent. Des couilles. Faut que tu rajoutes des couilles. Strabisme, des couilles. On sait très bien. C'est plus rigolo comme ça. Bon, je sais plus ce qu'on disait du coup. Oui, non. Ah bon, mais... On parle de jeux vidéo à la base, je crois. C'est possible. Non, on se demande du coup si dans Don't Starve, dans la Playmobil et tout ça, est-ce que le fait qu'il y ait de la survie et que du coup on invente une histoire souvent de survie, est-ce que ça émerge ou pas? La question reste à moitié ouverte. Bon, la réponse, c'est ça dépend. Voilà. Une belle conclusion. Mais toi, je crois que toi, tu nous as pas donné un exemple, toi, de truc qui émergeait. Enfin, toi, tu émerges souvent, je crois. J'émerge énormément. Non, moi, je penserais à World of Warcraft. C'est parce que personne n'y a joué à part toi, donc tu peux y aller. D'accord, bah, j'y ai joué environ 5 ans. Tout de même, assez. Ça a émergé quand même un petit moment. Ça a pas mal émergé, ouais. Bonjour, Thomas. Quel est ton slash played? Quel est ton slash played? Non, mon slash played, sur plusieurs persos, j'ai pas mal de jours, j'en ai un qui a... Non, on s'en fout. C'était pas une question, en fait. Qui a une vingtaine de jours. C'était une blague. J'ai eu beaucoup de persos au travers des différentes extensions. Je me suis mis tard à WoW, je me suis mis au tout début de WoTLK, j'ai pas connu BC, enfin, toute l'ancienne époque de WoW, mais bon, pour faire simple. TLK, c'est The Lich King, c'est ça? Exactement, Wrath of the Lich King, donc la seconde extension. Et j'ai non, joué les amateurs apprécieront Steven. Jusqu'à hein. récemment, les amateurs, j'ai joué jusqu'à WoW, donc Warlords of Draenor, que j'ai rapidement abandonné. Mais bon, bref, j'étais à la soirée des 10 ans de WoW aussi, qui était génial d'ailleurs, on peut le dire. Mais bon, mec, tu en parler. Il y avait des elfettes. Il y avait, oui, il y avait du cosplay, il y avait pas mal de trucs, c'était génial. Et Julien Chiez. Ça... Comment? Il n'y avait pas Julien Chiez. Non, il y avait pas Chiez. En elfe. Il n'avait rien à nous dire ce soir-là. Chiezel. Mais alors, WoW, ouais, je pense qu'il y a une forme de. Pas de gameplay émergent, clairement, parce que voilà, le gameplay est le même pour tout le monde, mais de narration émergente, très clairement, du sens où. Ah, c'est plus du gameplay émergent, je suis pas d'accord, on pourra en parler après. Oui, on en parlera plus tard. Mais au-delà de ça, simplement, je me revois passer des heures et des heures, ça parlera sans doute aux gens qui jouent à WoW, à Dalaran, à pêcher. La pêche est un métier secondaire qui ne sert strictement à rien dans WoW, mais t'as des hauts faits, donc bah, les hauts faits de World of Warcraft, bien sûr. C'est succès, du coup, ça. Maître pêcheur, voilà, c'est une forme de succès voilà, qui est liée à ton compte. Tu peux devenir maître pêcheur quand t'as 525 points, nan, nan, donc ça représente beaucoup de pêche. Mais et toi, aussi, t'étais maître pêcheur? Par exemple, alors voilà, mais j'ai passé, sans te mentir, des semaines à pêcher dans une des zones de WoW. WoTLK à l'époque, donc en Orfandre, parce que tu avais 0,001% de chance de dropper à l'époque la monture tortue, qui était une monture aquatique. Il y en avait très peu, il y avait trois montures aquatiques à tout péter, il y avait les hippocampes qui étaient réservés à une zone et autres. Et il y avait la tortue, cette fameuse tortue qui était indroppable, et j'ai passé, sans te mentir, peut-être une dizaine de soirées à passer 4 heures à pêcher. Alors tu lances juste ta canne, t'attends de faire un clic gauche quand ça mord et voilà. Et j'ai passé peut-être des soirées entières à essayer de choper ma tortue, quoi. Ce que des centaines de joueurs auront sans doute jamais fait, tu vois. Mais je m'en revois. Enfin, là je pense à cet exemple en particulier, mais j'ai beaucoup de persos pour lesquels j'ai développé un affect qui est énormissime. Genre, je me dis, je m'en revois avec mon paladin elfe de la nuit dans les zones de base de quête à aérer, à pas aller en cours le lendemain, à sécher et à passer ma nuit, à faire mon level 18, 19, 20, 21. Pas aller en cours, tu vas pas en cours, t'es paladin et veux la nuit, tu vas pas en cours. On est d'accord que là, la seule chose qui émerge, c'est à quel point ta vie est triste. Émergé ou pas? La tortue n'a jamais émergé. Évidemment. J'ai passé une cinquantaine d'heures à pêcher une tortue. Et c'est beau ce qu'il a écrit Moby Dick dans WoW, quoi, le mec. C'est un peu le Hemingway de World of Warcraft. Ça, moi, c'est des bons souvenirs que j'ai, tu vois. Je me revois dans la chambre de chez mes parents à fumer club sur club, à essayer de choper ma tortue ou à pixer mes persos. Et chacun de mes persos a été vraiment une histoire différente. Bon, après, c'est le propre des RPG, sans doute des MMORPG et autres, mais. Voilà, j'ai vraiment développé une histoire à part entière pour chacun de ces personnages, et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, tu vois. Enfin, j'en reparle des fois avec des potes avec qui on jouait, mais des heures et des heures, et j'en ai limite les larmes aux yeux, quoi, de reparler de WoW, des levées de soleil à Shara, enfin, tu vois, c'est des connes. Ça peut paraître cool, tu vois. C'est beau. Non, mais c'est beau. C'est beau. Tu vois, et ces personnages-là. Je pense que on va changer le titre de l'émission, on mettra pas avec Pixel Core, on mettra avec un maître pêcheur de WoW. Voilà, ouais. Fit, non, voilà, le maître pêcheur. Pour terminer là-dessus, je dirais que voilà, WoW, c'est un très bel exemple d'autonarration dans la façon dont tu vas traiter chacun de tes personnages, ouais, sur lesquels tu auras passé 80 fois 24 heures dessus à tomber des raids, des donjons, ce que tu veux. Et pour autant, ouais, voilà, je dirais que c'est un très bel exemple d'autonarration, mais comme sans doute beaucoup de MMO, tu me diras, enfin, c'est peut-être pas le bon exemple, mais je pense que le MMO s'y prête énormément, et à titre personnel, c'est WoW, quoi. Voilà. Bon, vous les auditeurs, vous le voyez pas, mais il a les yeux qui brillent. C'est touchant de la fucking Carmes. Merci, Blizzard. C'était beau. Oui, merci, Blizzard, on peut le dire. C'était beau. Mais du coup, voilà, est-ce que, pour moi. C'est bien, comme ça nous montre que. La narration émergente comme ça paraît cool, mais ça a aussi des mauvais côtés. Calme-toi. La perte de vie sociale. Non, c'est moi je trouve ça beau. Ça non, me plaît. C'est beau. Ah, c'est merci. Beau. Mais voilà, du coup, je sais même pas comment reprendre après ça. Mélancolique comme discours. Ouais. Mais est-ce que du coup, est-ce que je sais, j'arrive même pas à savoir si on a réussi à définir un concept clair de narration émergente. J'ai pas l'impression. Fout, c'est pas le but. Bah, un le petit but peu. C'est de discuter, les gens nous disent. Oui. En fait, votre raisonnement par rapport à nous doit être émergent. On vous donne ça. Voilà, ça, c'est on vous un donne concept des pistes clé pour comprendre toute la fucking kermesse. La FK, c'est un système, voilà. Ouais. Et vous, devez c'est pas un système ultra finalisé. Bon, quasiment. Et en tant qu'auditeur, vous devez utiliser cette subjectivité pour faire émerger quelque chose de tout ça. Voilà. Démerdez-vous. Allez, à bientôt. Mais je pense que la globalité, c'est quand même que c'est très subjectif en fait, l'émergence de la narration. Bah, en fait, ça dépend forcément de la subjectivité. Oui, bah, c'est bien sûr. Ouais. Subjectif, en fait. Bah, ça se base sur ça. On pourra jamais dans la mesure subjective. Où c'est toi qui l'apporte, évidemment, que bien c'est sûr. Subjectif. Ouais. Ouais. C'est très peu objectif en fait. C'est vrai qu'il n'y aura pas de finalité à ce qu'on va dire là. Je pense qu'il n'y a rien d'objectif là-dedans. Ça, bah, on aurait très... pu essayer d'avoir un concept clair, mais vu que Thaïs n'est pas d'accord, on peut pas avoir un consensus. Mais c'est vrai que c'est la seule. Ouais, c'est le seul problème. Ah putain. Et voilà. Encore les Suisses. Les Helvètes. Mais juste pour rebondir sur le fait que tu as évoqué l'autonarration, en fait l'autonarration c'est juste raconter sa propre vie. Mais dans la mesure où, enfin non, c'est se raconter soi-même. Non mais tu te racontes en tant qu'avatar. Voilà. Et du coup, dans World of Warcraft, très clairement, ta vie ça devient WoW. Enfin quand ça fait partie de ta vie, le jeu vidéo ça fait parler. C'est vrai que tu nous parles des soleils et tout ça, tu nous racontes comme genre t'es allé pêcher avec des potes quoi. Voilà, c'est ça. Non mais la dimension temporelle dans WoW, enfin le cycle jour nuit, tout ça. WoW a été une partie de ta vie. Ah très clairement. Et du coup, t'as raconté ta propre histoire dans au travers de World of Warcraft. C'est vrai. Bah c'est marrant parce que justement on disait après le bar la dernière fois que on allait parler d'autonarration et puis finalement on a changé de nom et puis en fait si bah voilà ah c'est beau en fait la dialectique continuelle on avance et on recule et on réavance et si on avance et on recule comment veux-tu voilà c'était beau comment veux-tu qu'on y espère Yule. c'était la fucking Carmes. Excuse-moi je t'ai coupé Thaïs. Non mais ouais, enfin moi la sensation que j'ai c'est effectivement que tous les exemples qu'on a donnés, moi compris, c'est des exemples qui sont des exemples d'autonarration, pas de narration émergente. Ah. Laissez votre avis en commentaire. Sur le blog sur pixelcore.fr. Pixelcore.fr. Mais bon, c'est pas plus à jour que le blog de FK. Hein. Oh, non, c'est pas sympa ça. Sur Twitter, voilà. Ouais, sur Twitter. Twitter. Bien, l'émergence. En plus, maintenant j'ai TweetDeck, alors je peux voir vos notifications vachement rapidement. On s'en branle. L'émergence, enfin, c'est un concept qu'on définirait comme quoi, comme nouveau. Enfin, à mon sens, l'émergence intrinsèquement, c'est quoi? C'est la nouveauté. Je me suis cassé le cul à te l'expliquer tout à l'heure avec des Playmobil, avec les chefs de gare. J'ai bien ouï ton explication. Mais il l'a oublié, c'est tout. Ouais, on avait rien à foutre, il avait bien raison. Non, mais dis-moi, pose ta question quand même. Qu'est-ce que vraiment la narration émergente dans ce cas-là? Enfin, je veux dire, on en revient peut-être à ce que t'as dit tout à l'heure, mais l'émergence, c'est quoi? C'est la nouveauté? C'est le... Non, mais je dirais que sur la base, en plus. Voilà, sur la base de ce que j'appelais la finalité interne ou le but et l'usage. Le but, ouais, l'usage. Et ben, il y a un truc qui se passe qui est un phénomène narratif où toi tu vas te poser des fins. Comme dans les Playmobil où il y a un certain usage et ce qui émerge, c'est l'histoire que tu peux, qu'à la limite tu pourrais filmer ta propre histoire émerge, voilà. En fait, tout simplement. Ok, mais dans ce cas-là, j'ai une question pour Jean Moulin. Ouais. Jean Moulin. C'est quoi à ce compte-là la différence entre narration émergente et autonarration? Bah c'est ça c'est voilà, c'est la question que je posais en fait dans le fond. Et bah je pense qu'il y a une différence conceptuelle sur les deux, mais que toute narration émergente est une autonarration. Ouais, mais est-ce que toute autonarration est une narration émergente? Eh bien non, ça c'est la FK numéro 24. Non parce que. Bon bah rendez-vous est pris alors. Non parce que tu peux avoir une autonarration en dehors de tout jeu vidéo. Ouais, certes, avec les Playmobil, on en revient à ça, ok. Non, mais même d'une autonarration. À la base, autonarration, c'est. Il suffit d'aller voir mes poèmes, hein. C'est voilà. Il suffit d'aller voir lire les poèmes de Star Wars. Un pavé en ta mère pour ta. Mais, du coup, c'est pas pour ça qu'il y a une. Comment dire? Une émergence? Non, une irréductibilité de une fin une comme les Gaulois. Moi je l'avais pas. Non, mais moi je l'avais voilà, pas. Tu l'avais pas. Non, que il y a que justement qu'il y a une pas comme de différence les Gaulois, entre les deux. Oui, comme les Gaulois. Merci. Mais c'est pas parce qu'ils coïncident que oh putain, je voilà, voilà. On a réussi. C'est pas parce que c'est pas la même chose que c'est pas la même chose quand même. Voilà. Ah hein, merde. Et c'est demain je porte plainte pour le travail donc voilà. Bon, ouais, je pense que les gens vont porter plainte là. Et ils auront bien raison. Non, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. Pour une fois qu'on dit des choses dans la fucking kermesse, vous soyez heureux quand même. Bah ouais, non, moi ça me perturbe parce que du coup je suis arrivé avec plein d'idées et puis en fait là vous m'avez perturbé. Ah non, c'est ça le débat, c'est ça la démocratie. C'est ça, hashtag je suis podcast. T'étais pleine de doxa aussi, voilà. C'est normal. Ah putain, parlons pas de doxa. Ah non, oui, non, je parle du concept, pas de Dani Caligula. Et est-ce que pour continuer à bien perturber tout l'esprit de tout le monde, on ferait pas un petit quiz? Voilà. Allez. Ah, nickel. Allez. Monsieur. Ouais. Quoi? Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu veux? Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Vas-y, dépêche-toi. Pose-moi ta question. Top, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3. Je suis déguisé en noir. Mon émission passe tous les soirs à 18h35. Je pose des questions à des champions. Je suis... Tu es Julien Lepers, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis Julien Lepers. Bien. Alors, c'est l'heure du quiz, c'est génial. Alors, ce soir, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui fais le quiz. Et, on va pas vous mentir ici, on va pas se tirer les cartes entre gitans. J'aime beaucoup cette expression-là. Je suis fan de cette gecko aussi. Ouais, j'aime beaucoup cette gecko, ce gadé des decks, évidemment. Fais sonner la cloche, pour ceux qui connaissent. Souffle avec chevalière, marche avant, marche arrière. Alors, j'ai retrouvé un quiz que j'ai fait il y a 3 ans sur le jeu vidéo. Je me dis, attendez. Pourquoi travailler quand on a mais tu révèles, quiz. Tu révèles ça. Je m'en bats les couilles. Mais tu l'as fait dans quel contexte? Tu te rappelles au moins? Je l'ai fait, on a fait le soir entre potes, on m'a dit, on ferait bien un quiz. Je dis, attendez, je le fais. Ah, mais attends, je crois que j'ai vu la vidéo de ça. Non, il n'y a pas eu de vidéo. Du coup, à la fin, il y a deux parties du quiz. C'est cette partie-là que j'ai copié-collé de moi il y a 3 ans. Et à la fin, vous me mettrez une note, voir si j'étais drôle il y a 3 ans ou pas. D'accord. Bref. Je pense qu'on va la mettre. J'ai une idée. Hein. C'est la presse jeu vidéo, on a déjà la note avant d'écrire. On va faire deux équipes. Donc c'est un quiz sur le jeu vidéo en général. Et c'est un QCM, donc je vous donnerai les 4 ou 5 propositions, vous donnerez la vôtre. Et Steven compte les points, évidemment. Ouais. Ouais. Alors, les équipes, c'est Antonin, Steven, Thaïs, Thomas. Ok, ça me va. Moi, ça me va. Moi, je suis avec le cerveau de la team. C'est celui qui peut s'habituer au quiz, donc. Attends, c'est un quiz de jeu vidéo? Ouais. T'es niqué. Ah merde. Donc, c'est un QCM, donc vous me laissez finir, vous donnerez. Moi, je dis la A, moi, je dis la B, et on verra qui a des points à la fin. Donc, c'est quoi votre nom d'équipe? Vous savez pas? Oula. Nous, on est. Alors, il y a Pixel et Core. Allez, qui est Core, qui est Pixel? Nous, on est Pixel. Nous, on fait Core. On est totalement. Nous, on fait Core. Nous, on fait Core. Oh, ok. Alors, on lance, première question. Attendez, comment je fais? Faut que je pose ma clope. C'est pas rapidité, alors, on est d'accord? Non, c'est pas rapidité. Ok. Alex Kidd s'est entre autres invité dans le monde de Shinobi. Ça, vous connaissez un petit peu, j'imagine. Ou pas. Mais il a aussi été le héros d'un autre jeu un peu étrange qui n'était pas un jeu de plateforme. Parce qu'à la base, Alex Kidd, c'est la plateforme. Donc, quel était ce jeu étrange avec la licence Alex Kidd? Est-ce que c'était Alex Kidd BMX Trial? Alex Kidd Pro Skater? Alex Kidd in Aqua World, un jeu de ski nautique? Alex Kidd Racing? Ou Alex Kidd in Perpignan World, un jeu de pétanque? Alors, vous dites quoi? Vous concertez, évidemment. Le jet ski. Racing. Moi j'avais compris Alex Kidd raciste déjà. Donc... J'aurais bien aimé voir ça. Auschwitz World. Peut-être le jet ski parce qu'il fait du jet ski, je crois. Il fait beaucoup de trucs dans les jeux de plateforme. Il fait plein de trucs, donc. Mais il fait pas de pétanque, donc. Perpignan, on oublie. On sait jamais, hein, Sega. Hein, Sega, c'est plus fort que tout. Alors, les pixels, vous dites quoi? Jet ski? Je dirais ça parce que c'est rigolo. Mais... Voilà, jet ski. Coup, et les corps? Jet ski, trial. Pro skater. BMX trial, Aqua World, Racing ou Perpignan? Soit Racing, soit trial. Il y a déjà beaucoup trop de réponses. Hein. Allez, bon, donc là c'est jet ski et vous c'est quoi? À toi le fameux trial, allons-y. BMX trial, qui fait du vélo, on l'attend. Mais c'est pas possible. La réponse c'est Alex Kidd in BMX trial, évidemment. Non, voilà. Alex, avant Matt Hoffman, il y avait Alex Kidd. Il y avait un jeu avant Matt Hoffman. Mais surtout que c'est genre Sonic fait du vélo, quoi, donc c'est surréaliste. Mais ça existe, je vous conseille. Un point pour corps, bisous. On apprend beaucoup de choses dans la fucking kermesse. Donc un point pour les corps. En plus, on apprend des trucs qu'on n'en a rien à foutre. C'est bien. Quel est l'ancien nom de Blizzard? Je sais. Il y a des propositions, même si voilà, c'est pas très dur. Hein. Tramontane Gaming, Synapse Gaming, Silicon and Synapse, Silicon Synapse Gaming ou Silicon and Synapse? Laisse les répondre avant. Bah, Silicon and Synapse. Bah évidemment, ouais, c'est, des... ça, ouais. C'est ça, oui, c'est ça. Je suis avec des connaisseurs. On est des blizzards sexuels. On est doués pendant 5 minutes. Oui, voilà. Bravo, c'est bien sûr Silicon and Synapse. Hein. Mais j'ai répondu. Donc un point chacun. Un point chacun. Et alors attends, après on doit te noter sur l'humour? Ah, ouais, ah, mais ça c'est à la fin. Donc j'ai ma note déjà. Oui, il y a des vannes sur le schnapps, il est en train de me prendre par les sentiments. Ouais. Alors, troisième question, quel est le nom de la console qu'a sorti Apple en 95 et qui s'est vendue à pas moins de 42 000 unités? Oh putain, c'est beaucoup hein, quand même, 42 000 consoles vendues. Est-ce que c'est la iConsole, la 3DO, la Next, la Link, la Lynx ou la Pipine? La Pipine, ce serait tellement beau la console. La Pipine. Ok, non, ma note vient de baisser, je suis désolé. Ah bah allez-y, dites-moi. En fait, la dernière, c'est toujours une blague, c'est ça? Ah, Stéphane, il est fort pour trouver hein, les petits tricks de mes trucs. Les tricks de mes trucs, c'est bien ça. Ouais. Alors, vous dites quoi, l'équipe Pixel, l'équipe alors, Core? Moi, je sais pas du tout. La iConsole, la 3DO, la Next, la Lynx ou la Pipine? C'est peut-être la Next. Moi, ouais, je dirais ça. C'est aussi le nom de l'émission sur MTV, souvenez-vous. Oui, oui, bah, on se souvient. Avec Doc Gynéco, je vous conseille cet épisode, il est génial. Sacré Doc Gynéco. J'ai pas vu. Next avec Doc Gynéco. Moi, j'hésite entre Nicolas 3DO Sarkozy et Lynx. On fait un pif-pouf. Tu l'écris comment, Lynx? Comme un Lynx. L-Y-N-X. C'était une console portable qui n'avait rien de portable en fait à la base. Ouais, mais alors, ça m'étonnerait que Apple, ce soit Apple, moi. Bon, bah non, mais toi, il est malin. Ah, et ta base, il est malin. Je sais pas, tu nous orientes. Thaïs, parle dans ton micro, s'il te plaît. En même temps, ça ressemble un peu à leur connerie. C'est vrai, le naming, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Allez, il me faut une réponse. Écoute, Thaïs, je te laisse mettre. Allez, nous, on a dit. Vous avez dit quoi, vous? Nous, on est Next. Après, c'est moi l'Helvétique. Et vous? Les corps? Thaïs, Thomas, tu choisis. Allez, Lynx. Eh bien, la Lynx, c'est évidemment la Jaguar portable, donc c'est pas merde, ça. Ah oui, non, ah bah oui. Eh, je suis un peu Jean-Pierre Foucault. Hein. La Next, bah c'est pas ça non plus. Non. C'était la Pipine. Pardon? Non. Bien sûr, ah, oui. Apple a sorti en 95 la console Pipine. Mais pourquoi on sait pas ça? Bah parce que vous n'êtes pas assez au courant, hein. Mais merde, bien sûr. Merde, incroyable. Mon Dieu, la Pipine. Heureusement qu'on n'écrit pas pour un site de jeux vidéo. P-I-2-P-I-N. La Pipine, vous irez voir. La Pipine. Pipine. C'est pour les jeunes Pipine. Pipine. C'est pour les Pipine. Mairie et Pipin. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est une belle console. Putain, la Pipine. Une console un peu oubliée, mais qui a existé. Et oui, la Lynx, c'était la Jaguar portable. J'en veux une. Ouais, attends pour moi. Ok. Bah pour le coup, au moins, ça existait, quoi. Voilà. Bon, 2-1 toujours. La 3DO aussi, ça existait, mais bon, c'était la console de Philips avec. C'était Philips, on s'en fout. Bref. Canal Plus Multimédia a sorti. C'était un studio de développement déjà. Et ils ont sorti un jeu qui était une sorte de copie de Worms, mais c'était pas les mêmes animaux. Je sais. Est-ce que c'était les vers de guerre, les loutres de guerre, les cochons de guerre, les lapins de guerre ou ça. Les Dominique Farrugia de guerre? La dernière est tentante. Mais non, c'était les cochons de guerre. Ouais, les cochons de guerre avec les voix officielles des guignols. Ouais. Exactement, voilà. Bien sûr. Un point chacun. C'était du coup Hogs of War en anglais. Of War, et du coup, c'était un beau jeu de mots sur le Fog of War déjà. Mais et c'était de la belle merde aussi, si je me souviens. Moi, je l'ai eu. Pas j'ai bien kiffé quand même. Sur quelle plateforme? Sur PS1. Je vais faire une partie, après j'ai... Bah, en fait, les doublages étaient géniaux, quoi. Oui. Et si on faisait l'amour? Et du coup, je me souviens que les gars faisaient tous les accents allemands, des trucs et tout, c'était très bien. Le cochon nazi qui fait « Ah si, on faisait l'amour !» avant de donner un gros coup de baïonnette dans le cul. Enfin bref, voilà. Non, c'était un beau moment. C'était pas très bien, mais l'univers et l'ambiance étaient là. C'était le canal pré-Bolloré. C'était les gars. Alors, on sait tous que Mario a commencé en tant que Jumpman sur arcade dans Donkey Kong, mais sur quelle console le jeu Donkey Kong, donc, dans lequel était Jumpman, a-t-il été porté en premier? Ah là, on sait plus, on ferme bien ses mouilles. Est-ce que c'était la NES, l'Atari 2600, la Vectrex, la ColecoVision, ou il n'a jamais été mis sur console? Attends, alors, est-ce que tu peux reformuler alors, ta question, sûr. S'il te plaît? Alors, j'ai tu vois, Mario, mal interprété. Mario avant, c'était Jumpman. Dans le jeu Donkey Kong fait, qui était sur arcade avec les barils. Le premier, voilà. Et bien ce jeu-là, Donkey Kong, est-ce qu'il est sorti sur console après arcade? Après voilà. Sa bande d'arcade. Après l'arcade, sur quelle console arcade. Il a été? D'accord. Est-ce que c'était la NES, l'Atari 2600, la Vectrex, la ColecoVision ou il a pas été mis sur console? Moi je l'ai pas. Steven, sur tu Atari. Copies, tu lis les réponses là non, ou pas? Non, sur Atari, il aurait pas tourné, je pense. Non. Pas pourquoi pas. Steven a une Atari 2600, il peut témoigner. J'ai une Atari 2600. Alors, ils avaient fait une adaptation de Pac-Man sur Atari qui était je dirais NES parce que oui, il y a les Pac-Man Junior et tout. Moi je les ai, ils marquent pas. Je dirais qu'il y a pas Mario Bros. Il y a une version console. Est-ce que vous connaissez déjà la date de Donkey Kong sur arcade ou pas? 86 avant. Oh, c'est beaucoup avant. C'est 80 avant. C'est dans les années. Ouais, à ce point-là. Putain. Donc, bah, moi je dirais aucune console. Allez, il a pas été porté, on dit. Il a pas été porté. Et vous? Ce qui a pas été porté. Cette fois-ci, c'est toi qui as le dernier mot. Ce qui a pas été porté, c'est vos couilles. Bah, franchement, je vais dire la NES. Au risque de me planter, on sait jamais, mais j'enfonce une porte ouverte, je vais dire la NES. Ça reste le plus logique. Ouais. NES, mais après, c'est quand même 5 ans plus tard la NES, hein, donc c'est évidemment pas ça. C'était la ColecoVision. C'est nous, la ColecoVision, pas très connue, mais. Non, pas vraiment. Mais même période, hein, c'est sorti en 80. Il y a eu un jeu Chuck Norris qui était sorti sur ColecoVision. Chuck Norris Super Kicks. Voilà. Putain, la classe. Le seul jeu que je connais sur ColecoVision. Ouais, voilà. Je sais plus laquelle c'est, si c'est la ColecoVision ou la Vectrex qui avait des filtres de couleurs pour mettre sur l'écran. Je crois que c'est la Vectrex. Ça va être la Vectrex, en gros, tout était en filaire, du coup, c'est assez dégueulasse, mais t'avais des feuilles de calque rouge, verte ou bleu. Et tu mettais ça sur l'écran comme sur le grenier, il me semble. C'est beau. Ah ouais, c'est la technologie. Hein. D'accord, bah toujours 3-2, donc pour les corps. Pour les corps. Oh merde. Lequel de ces Pokémon existe vraiment dans X et Y? Oh putain. Non mais ça existe pas. J'ai joué déjà. Alors, Trousselin, Ogrecouille, Trulorg, Jean-Pierre Chevènement, Zygmo. C'est Trousselin. Trousselin, Trousselin. Oh les mecs, bah excusez-moi. Bah j'en sais rien. Mais les autres sont tellement. Attends, Trousselin, c'est déjà pas super. Oui, c'est moyen. Il a une sacrée gueule le truc, c'est un espèce de porte-clés vivant quoi. Enfin, tu connais toi? Mais c'est pas un porte-clés, c'est un trousseau de clés. Oui, un trousseau. Ah, c'est vraiment un trousseau de clés. Non. C'est un putain de trousseau de clés. Et le nom est censé être un mash-up entre trousseau de clés et gobelin. Comment tu sais tout ça? Putain. Cette femme est géniale. Tu connais beaucoup de choses sur Pokémon, c'est impressionnant. Ouais, même ça, c'est pas ça. Elle est affiliée avec Webedia aussi. Bah bravo, hein, Trousselin, je pense pas qu'il aurait autant de succès, Trousselin, mais il a eu du succès, Trousselin. J'aime beaucoup ce nom, Trousselin. Trousselin, moi je vois pas du tout un porte-clés. Hein, mais 4-3, ouais. Moi je pense que c'est le surnom de Tingle dans les soirées un peu chelou, Trousselin, mais bon. Quel est le motif sur le bonnet de Parappa the Rapper? Quoi? Merde. Tu connais Parappa the Rapper, mais c'est le chien. Quel est le motif sur son bonnet? Ah ouais. Je vois le chien, mais je vois pas le bonnet. C'est le logo uncut de la marque Booba. Est-ce que c'est une grenouille? Est-ce que c'est un Labrador gangsta? Est-ce que c'est une étoile jaune? Ou est-ce que c'est un shuriken rouge? J'ai mis shuriken rouge après étoile jaune pour pas qu'on comprenne que j'avais fait une bague sur les juifs. Attends, Parappa the Rapper, putain. Donc, uncut, grenouille. Mais alors, Parappa est lui-même un Labrador gangsta, donc du coup, est-ce qu'il a une espèce de mise en abîme comme la vache qui rit? Une grenouille, mais je sais pas du tout. Ouais, une grenouille. Ouais, mais moi j'en sais rien. Je m'en fous. Moi je m'en bats les couilles de Parappa. Moi j'aurais dit un shuriken rouge. Shuriken rouge, shuriken rouge, grenouille, c'est la grenouille. Ah, voilà, bravo, on égalise. Ouais, non, mais c'était au pif aussi, mais. Moi je la vois, okay. Cette grenouille en fait, et je sais pas pourquoi, mais je la vois. Je sais pas ce que t'as bu là. Bah non, pas trop, mais je vois. Alors, autre question, attention, c'est pour les spécialistes que nous avons avec nous de Pixel Core. Combien de jeux Zelda sont sortis? On inclut que les épisodes majeurs et pas Link's Crossbow Training, évidemment. Est-ce qu'on inclut les épisodes... Non, que les épisodes majeurs. Sur Game Boy? Non, ceux avec les doublages, avec les vidéos à la con. Non, on inclut pas ça. Est-ce qu'il y en a eu 11? Beaucoup trop. 16? Oui, de toute façon. Un seul qu'ils ont copié-collé à l'infini? Ou 13? Je crois qu'il y a beaucoup trop de réponses valables. Alors, l'anti-Nintendo que je suis dirait plutôt beaucoup trop et le même qu'ils ont copié-collé. Sinon c'est 16 ou 13. Moi je dirais 13 comme ça. Enfin, si tu prends les, il y en a eu quoi, 5 sur Game Boy l'ancienne. J'en connais même pas 11. Alors 13. T'en as quoi, 3 sur 64. 3 sur 64 si je dis pas de conneries. 3, attends, t'as Majora's Mask ce qui est Ocarina. Wind Waker était sur GameCube. Ah ouais, non, mais t'as raison, c'est sur GameCube. T'étais obligé de poser des questions comme ça ou comment ça se passe? C'est pas moi, c'est mon ancien moi, c'est pas moi. Ouais, mais c'était vraiment une soirée de merde, non? Bah c'était une soirée. Celui avec alors sur DS, il y en a des chiés. Est-ce qu'on compte les remakes? Ah, grave pas avec les mes chiffres. Ah bah voilà, il y a ça aussi. Parce que j'avoue que avec ce sur Wii U. Le mec il nous sort des quiz, des quiz qui sont périmés avant le Wii. Alors, mais sur la question, combien il y avait de jeux? Combien il y a 3 ans, voilà, combien il y a de jeux? Allez, bah 13, disons. Bah beaucoup trop. J'aurais tendance à dire beaucoup trop. Déjà à l'époque. Beaucoup trop, et est-ce que sûrement plus, c'est une réponse acceptable? Sûrement plus? Ouais. Que quoi? Bah qu'il y a 3 que ans. Sûrement plus que beaucoup trop, déjà. Ça pourrait être la cachette de Nintendo, sûrement plus que beaucoup. Antonin, t'as dit 13, c'est ça? J'ai dit 13, dans un grand élan de. Et vous, 11, 16, 13. De rien à foutre. Moi je suis sur un 13 aussi, c'était l'idée de base, mais j'ai peur de me planter là comme ça. Allez, on est à 4 partout. Après, il y a 3 ans. Voilà. Moi je suis faible, j'ai recompté, j'en ai que 9 et du coup. Bah peut-être que 2 de plus alors. Il y a 3 allez, ans. Tu peux il y a 3 ans. De plus. J'ai mais voilà. J'en ai allez, c'est maintenant les corps. C'est maintenant. Allez, on dit. Allez. On dit quoi? On dit quoi? T'as le fin mot. Non, c'est toi la fan de Zelda. Arrêtez de me faire des politesses. Ouais, non, c'est pas du tout une fan de Zelda. Bon, allez, vous dites maintenant là. Allez, ils ont pas répondu. 11. Allez, vous dites 11. Allez, c'est toi qui vois. La réponse était 16. Voilà. 16. Il y a 3 ans. Déjà à l'époque, 3 ans, il y avait 16. Oh là là. Oui, donc c'était beaucoup trop. C'était, ben voilà, c'était beaucoup trop. Donc ouais, c'est chaud pour Nintendo. Bon, on 4 partout. Alors, ah là, on arrive. Attends, je pose un cigarette parce que la question, il faut la lire. Alors, vous voyez Voldo dans Soul Calibur, l'homme aux griffes avec qui est aveugle. Vous voyez sur le personnage, juste de tête. Pour hein. Moi, c'est Illidan, hein, mais. Tu vois pas le mec un peu avec des griffes et qui est aveugle et qui se bat chez c'est loin. Pas grave, on voit. Non, on va répondre au hasard comme les autres questions de toute façon. Alors, quel est le véritable background de Voldo? Alors, A. Il s'est fait enterrer vivant avec le trésor de son maître pour le protéger et a fini aveugle, fou et SM. C'est un cousin très éloigné de Gilbert Montagnier qui exploite tous les donjons parisiens. C'est un ancien paladin torturé pendant des années par un mage fou. C'est un ancien vigile du RPR qui s'est mutilé quand Chirac est parti. Ou c'est la personnification de la souffrance invoquée par la Soul Blade pour montrer à ceux qui la cherchent ce qu'ils risquent. Oh, la dernière réponse, ouais, la dernière elle réponse. Est tellement belle que moi je saute dessus. J'avoue et je me l'approprie. Donc c'est soit ça, soit c'est un cousin éloigné de Gilbert Montagnier, soit il s'est fait enterrer vivant du trésor de son maître, soit c'est un paladin torturé, soit c'est un ancien vigile du RPR. C'est là, est-ce qu'il n'a pas été emprisonné parce qu'il avait commis un vol d'eau? Oh. Est-ce qu'on note aussi je suis vachement fier de mon équipe. On note aussi des invités pour l'humour. Ouais. Ah, ouais, bah ouais. Vous pouvez nous noter sur pixelcore.fr. Sur pixelcore, bientôt le test à des chroniqueurs. Pixelcore JV sur Twitter. Hashtag pixelcore, voilà. Hashtag TeamG1. On n'oublie pas les photos. Hashtag TeamG1. Pas tout de suite, t'inquiète pas. Hashtag TPMS bonne ou TPMS mauvaise. Bon. Non, mais alors, bon, nous on a dit la dernière. Le paladin ou la dernière? C'est entre les deux. Donc personnification de la souffrance, paladin. Ouais. Nous on est des gothiques. Enterré vivant avec le trésor de son maître. Et du coup il est devenu fou parce qu'il est enterré vivant. Moi c'est paladin perso, mais Thaïs. Non, mais on va faire les mecs qui ont une personnalité. Ouais, c'est ça. Ouais, on va sortir des sentiers battus. Et vous allez dire quoi du coup? Le paladin. Le paladin? Ouais, le paladin. Vous allez devenir paladin! Eh bien c'était bien sûr enterré vivant avec le trésor de son maître. La première. Merde. Et la dernière, évidemment. C'est moi qui l'ai inventé. Comme quoi, je suis vachement fort en background de personnage. Bah oui, bah bien sûr. T'aurais pu travailler. Il y a 3 ans. C'est vrai. T'as peut-être aussi un avenir dans le jeu vidéo qui se. Non, il a un passé, mais. Ah oui, c'est vrai. Je vais faire tous les backgrounds en fait, des personnages de LOL. Lui, oui, voilà. Ça va être génial. En tout cas, il y a 3 ans, il avait peut-être un avenir dans le jeu vidéo. Voilà, c'est vrai. Ça, c'est vrai par contre. Mais plus maintenant. C'est très vrai. Tu le vis bien? Non. Ça devient personnel et triste. Alors, maintenant, on passe. Il y a combien? C'est quoi les scores? 4 partout. Non, 3 partout. Ah bon? 3 partout? Bon, vous êtes toujours égalité. Ouais, peut-être j'ai pas noté un truc, mais c'est l'égalité. Ouais, on dit 4 partout. Ouais, 4 partout, le 4K, la Bretagne. Partout. Le 4K, voilà. Quel est le nom de la console sortie en 2004? Attends, qui en plus... 2 secondes. C'est encore long là? Oui, c'est encore long. Quel est le nom de la console sortie en 2004 qui faisait, en plus de console, elle faisait GPS? Elle faisait lecteur audio-vidéo et sur laquelle sont sortis pas moins de 17 jeux. Ok, je crois savoir. Est-ce que c'était la N-Gage? Ouais, j'aurais dit ça. La Fantôme? La Gizmodo, la Belmondo ou la Tiger? La Gizmodo est sexy quand moi, même. Moi je dirais l'Engage. J'ai pas dit qu'elle faisait téléphone. Hein. La Gizmodo, moi je dirais. La Engage. La Engage, c'était le truc Nokia merdique. Ouais, mais ouais, c'est vrai qu'il a pas dit qu'il faisait téléphone, jeux vidéo. Il y avait Tomb Raider sur Engage. Hein. Oui, je me rappelle. Non, mais j'ai. Il y a un petit catalogue de jeux en fait. La Engage, ouais, mais a quand même plus de jeux que ça, je crois. Quand même. Tu crois? Ah, c'est pas dit. Ah, c'est. Mais moi, c'est pas dit. La Engage, c'était ça, ouais, je pense. Et toi, tu disais la Gizmodo, ouais. C'est à ça là que Gizmodo. Avant que tu donnes les Gizmondo. Mondo. Gizmondo. Ah, ça change tout. Ah, ouais. Mais je dirais quand même la Gizmondo. Et bah, on dit ça. Et vous dites quoi, la Engage? I mean, ouais, vas-y, bah ouais, c'est quoi les autres parce qu'on s'est focalisé sur Fantôme, Engage, Gizmondo, Belmondo, Tiger. C'est quoi la Fantôme? Donc, si vous dites Engage, Fantôme, Gizmondo, la Tiger, la Belmondo, ça me dit rien Belmondo, non plus. Belmondo, il a un vachement grand catalogue de jeux. C'est vrai. Donc, plus maintenant. C'était la Gizmondo. Ah, bravo. Voilà. Et la Fantôme, c'est une console qui n'est jamais sortie, mais le mec a eu beaucoup. Il a fait une levée de fonds et il s'est acheté une Ferrari. Il avait de la coke dedans, il est allé en prison. D'accord. Bref, c'était une belle histoire. Donc elle sortait vachement bien son nom, quoi. Ouais, c'est vraiment. Allez voir l'histoire de la Fantôme, je crois qu'il y a eu un papier sur je sais plus quel jeu site. C'était vachement intéressant. Et du coup, Gizmondo, console qui a eu un pain. Mais qui est-ce qui faisait ça? Qui a rejoint Gizmondo, la pipine. C'était des mecs qu'on ne sait pas trop. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. C'est la Ouya avant l'heure, tu vois. C'est un peu ça. Il reste une question pour cette partie du quiz. Ah, pour cette partie du quiz, d'accord. Oh, ok. Après, il reste une autre partie du quiz qui est un peu plus conceptuelle. Ok. Normal. Quels sont les noms japonais du héros et de son rival dans Pokémon Bleu et Rouge? Est-ce que c'est Sacha et Régis, Red et Blue, San et Kukai, Satoshi et Shigeru ou Hiro et Shima? Satoshi et Shigeru, sûr. Bah, j'aurais dit ça aussi. Du coup. Bah, sûr, c'est les noms de Satoshi, bah, le mec qui a créé Pokémon, si je dis pas de conneries. Je crois qu'il y a Satoshi Yama, non, Yama, non c'est pas. Et Shigeru, ah, Shigeru, Shigeru Miyamoto, non. Non, il était, pas, il était pas dans. Moi, pas Satoshi et Shigeru, pour sûr. Attends, tu peux répéter les autres? Sacha et Régis, ça, Red français, and Blue. Red et Blue, c'est anglaise. San et Kukai. Satoshi et Shigeru. San et Kukai. Hiro et Shima. Je me demande si c'est pas. C'est sûrement pas Hiro. Je me demande si c'est pas Red et Blue. Parce que en anglais c'était H. Et. T'as raison, c'était H. C'était H. Ah si, il y avait la version Red et Blue. Moi je dis Red et Blue. Non, j'avoue, c'est Red et Blue en fait. Allez. Bah moi je te fais confiance, t'as dit. Va pour Red et Blue d'ailleurs. Mais moi je dirais Satoshi et Shigeru. Parce qu'il y a l'un des deux noms qui est, je crois qu'il y en a un que c'est l'un des auteurs de Pokémon, si je dis pas de conneries. Moi je dis pas. Peut-être Nintendo. Moi, Shigeru Miyamoto, Nintendo. Ouais, moi je dirais Satoshi Shigeru. Écoute. Alors vous dites quoi, Pixel et Core? Steven, Red and Blue. Red and Blue, c'est japonais. Donc, Red and Blue, et ouais. Vous, ouais. Vous dites japonais, quoi? Ils sont très japonais. Ils aiment les noms japonais. Les japonais sont très japonais. Kotainama. Non, justement, ils sont pas très japonais. Ah ouais. L'équipe Core est très très longue à répondre à chaque ouais, fois. À chaque ouais, fois. C'est vrai, on est lent. Bon, bah écoute, faut mettre du Core à l'ouvrage. Red and Blue, bah Red and Blue, allez, je fais confiance à Thaïs. Eh bien, c'était Satoshi et Shigeru. Pour Satoshi, pour Shigeru Miyamoto et Satoshi quelque chose. Bah, d'accord, ouais, Pokémon. Mais Miyamoto, il a pas bossé. Il a aidé aussi à la programmation. D'accord. Ok. Donc oui, voilà, c'était ça. Et c'était pas San et Kukai, hélas. Ok. San et Kukai. Toujours ma grande connaissance de Nintendo. Donc là, dont on je arrive suis très fier. Maintenant sur la partie un peu plus compliquée qui va peut-être faire un gros bide. Parce qu'on m'a parlé de gameplay émergent. Oui, ça c'était le moment rigolo. Oui, oui, d'accord. D'ailleurs, vous mettez combien ce quiz fait il y a 3 ans? 2. Je dirais pas sur combien. Okay. Moi, je suis désolé, mais le fait de pas actualiser ton nombre de Zelda, ça te fait forcément perdre des points. C'est vrai, c'est vrai. Non, moi je trouve que ça fait gagner en humour. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, 3. Allez, 3. Sûr? Bah, on dit pas. 3. Merci, sur moi ça me bat. Moi je te mets un Jean-Michel Jarre. Ah, un Jean-Michel Jarre. Plaisir. Oxygène 1. Moi je te mets 3 Belmondo. Ah bah voilà. Ah oui, ça commence à être mieux. Donc maintenant, on a fait le gameplay émergent. On a fait la narration émergent. On va faire l'humour émergent. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est l'humour émergent? Je vous décris un jeu qui n'existe pas. Et vous devez lui trouver un titre. Ah, j'aime un bien. Titre, un titre rigolo. J'aime bien ça. Un exemple. Un jeu de gestion où l'argent disparaît, on ne sait pas comment, et où les dettes s'accumulent, mais il faut quand même acheter des clopes. Ce serait Stavros City ou Call of Nicotine, par exemple. Voilà, après, c'est vous qui trouvez des titres que vous voulez. D'accord. Alors, c'était un exemple parmi tant d'autres. Mais comment on gagne? Bah, c'est le titre qui me fait le plus rire. D'accord. D'accord. Ah, c'est pas du tout impartial. Faut mettre couille dans le titre. Oh, je suis pas comme ça. Tu peux mettre Zob. On commence, un truc facile. Un jeu à la Surgeon Simulator ou Octodad, du coup, où t'arrives pas beaucoup à contrôler ce que tu fais. Où vous incarnez un podcasteur ivre qui essaie de tenir son micro, sa clope et de lire ses fiches en même temps. Comment on appellerait ce jeu-là? J'ai un truc qui va venir. Mike Catastrophe. Pourquoi? Mike pour le micro et Catastrophe. Ah, pour le mec Mike Catastrophe. Ouais, toujours en mal. Équipe, hein, bien sûr. Pixel et Core. Vous pouvez dire, votez chez vous, ouais. N'hésitez pas. Il y a une Toyota Hyundai à gagner ce soir. Moi j'appellerais ça. Envoyez un SMS. Edge of Apéro. Ah, pas mal. Joli. Edge of Apéro. Moi, j'appellerais Patrick Bégère. Oh. Ah ouais, c'est bien. The Adventures of Patrick Bégère, un truc comme ça, putain. On peut pas ouais, lutter contre Antonin. Non, bah là, merde. Pixel, Alex Cuit, BMX Trial. Ah, ah là, il y a du niveau. Hein. Ouais. Très bon. Ouais, je préfère il y a pas le côté podcast. Ouais, c'est ça. Ouais, je préfère. Ah putain, Patrick Bégère. Patrick Bégère, c'est beau. C'est beaucoup mieux que ce que moi j'avais. Hein. Patrick Bégère, il t'avais quoi, toi? J'avais Steven's Adventures. Steven's Adventures. Oh, c'est rigolo, hein. C'est pas ou drôle. La fucking kermesse. Ouais, c'est vrai. Oui, tout bêtement, tout bêtement. La fucking kermesse de voir le jeu vidéo. Voilà. Vu à la télé. The game. The movie, the game. Donc bravo, c'était. Attends, Patrick Bégère, ça me plaît. Du coup, on gagne un point. Je suis jaloux de pas y avoir pensé. On gagne un point, du coup. Vous gagnez grave un point. Et donc 7 à 6. Ah, on est encore en équipe. 6 à 4. Ouais, je crois. Ouais, on est toujours en équipe. Oui, allez. Allez. Dans ma grande mansuétude, je t'accepte. Dans ma grande mansuétude. Un jeu Telltale où on incarne l'adjoint au maire de Valence et où on doit faire des choix de dialogue pour faire valider la team Poussin du club de basket ou un nouveau parking. Oh là. The Walking Bled. Oh, pas The Walking mal. Bled. J'aime bien. Proposition pour la team Pixel. Tu peux répéter? Alors, vas-y, un jeu Telltale où on incarne l'adjoint au maire de Valence et où on doit faire des choix de dialogue pour faire valider le nouveau parking ou la création d'une équipe Poussin pour le club de basketball local. Ou The Beauf Mangus aussi. Non, mais alors là, vas-y, on laisse le point. On laisse le point. Elle a proposé deux très bons noms. Là, ça mérite. Bravo, Thaïs. J'ai rien de mieux. J'ai rien du tout, d'ailleurs. Moi, j'avais Game of Drome, parce que Valence est dans la Drome. D'accord. J'ignorais, donc. Ou aussi Valence Arts. Voilà, ou Heroes of the Drome, enfin bref. Que des blagues à barre de Drome. Bah en fait, j'ai tout, mais pourquoi j'ai mis Valence dans le titre pour savoir ce que c'est dans la Drome. Hein. J'ai bien sûr créé ma blague. Je connais une ville. L'origine de Valence, parce que Valence, Valenciennes, tout oui, ça. Pas du tout, c'est la première fois que ça revient. Non, mais en fait, que... chaque fois une kermesse, une ville. Ah, ouais. D'accord, voilà. D'accord. La 17, la Drome, c'est normal. On vous embrasse. Non, puis c'est surtout que quand il trouve une blague, il essaie de la caser plusieurs fois. Oui, il a raison, il a raison. Voilà, je continue, je la décline, etc. Et je décline moi-même. Un RPG où on doit capturer des petits êtres mignons pour faire grossir sa jauge. Attends. Jaugemon. Jaugemon. C'est nul. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que c'est un peu nul. Ouais, pardon. Attends, mais. Alors on doit capturer des monstres pour faire grossir sa jauge. Des petits êtres mignons. Des petits. Par exemple, des enfants. Émile Louis Aventure. Oh, il a compris que je voulais en venir après. Pas mal. Donc, ouais, ça et la Team Core. Moi j'ai trouvé des noms pour Pédomone. Pédomone. Ah, entre Pédomone et Emile Louis Adventure, je sais pas. Ouais. Mais attends, tu rentres dans un magasin de jeux, tu vois Emile Louis Adventure. Moi j'en achète 10 copies. Ah ouais, non, mais oui. Sur tous les supports. Et une sur Gizmondo. Ouais. Surtout. Sur Pipine. Oui, sur Pipine, sur Gizmondo. Qui donne ça. Voilà, je vais donner un pixel. Je donne un pixel, mais ça se joue pas à grand chose. Moi j'avais. Outro 2033. J'avais Pokémon Rose Bonbon. Ah, pas mal. Pas ou bien. Call of Dutrou. Ah, un point pour Stavro là. C'est vrai. Mais... On t'estime pas assez dans ce jeu. Mais voilà. Ça marche bien, l'humour émergent. Vous êtes fort, hein, je crois. C'est beau. Il reste trois trucs. Donc là, c'est tous des partages. Attention. Alors, un first person walker, donc à la Gone Home ou à la Remaster, où on fait pas grand chose et on marche. À la, voilà, où on doit aller voir Phil Fish pour lui dire que Twitter c'est pas grave, et ce avant qu'il ne supprime son compte. Donc il y a un temps à partie. Phil Fish qui a fait, il a fait Fez, tout ça. Et c'est un mec, parce que c'est vrai, je sais pas si tu connais, du coup souvent il est triste de, Twitter parce que les gens ils l'engueulent. Du coup imagine, t'as un jeu où tu marches, tu dois aller l'aider, le convaincre qu'en fait ça va. Triste of Rage. Oh, Triste of Rage. C'est un peu poétique. Ça résume bien Phil Fish. Phil Fish. Tu dois aller voir Phil Fish. Il s'appelle Phil Fish. Il y a un temps à partie. Ma blague est déjà toute trouvée. D'accord, ok. Steven me connaît assez pour peut-être la trouver. Fais-toi et marche. Le whisky marche un peu trop sur moi. Fais-toi et marche. Ah, fais-toi et marche. Pas mal. C'est pas mal. Fais-toi et marche, c'est ouais. C'est joli. J'ai pas mieux. Mais plus dans la poésie là, tout de suite on parle de Phil Fish, ça touche. Tout de suite, hein, ça, touche arrive, ça touche au sensible. Je suis en train de chercher juste ta blague à toi. Et non, mais du coup, fais-toi et marche, remporte le point. Ah merde. Ah merde. Parce que c'est beau. Moi j'avais Filéo Fish. Oh. Bah oui. Joli. Ou fais et gestes, mais c'était un peu moins bien. Ah, fais et gestes. Mais Filéo Fish, ouais, bah. En fait, pareil, c'était plus poétique toi aussi. Mais à chaque fois, en fait, mes questions amènent mes blagues. Hein. Je suis pas très quelqu'un de très malin. D'accord. Alors, un jeu. Je viens de le préciser au cas où c'était pas post-apo. Clair. C'est un jeu où il y a plus attends, de flûte. Attends, excellent. Il l'a fait. C'est nul. Alors, un jeu post-apo. Ce qui est triste, c'est que celle-là, elle était préparée aussi. Non, même pas. Ça fait 3 ans qu'il l'avait préparée. c'est son moment de gloire. Cette partie-là, du coup, je l'ai écrit tout à l'heure. Donc, d'accord. Depuis son premier cours de musique à l'école primaire. Oui, oui. Il n'avait pas réussi. Il avait la main. Personne lui a donné la parole. Un jeu post-apo où on incarne Marine Le Pen et qui chasse des cyber-djihadistes. Celle-ci, j'ai pas grand-chose, donc vous pouvez trouver mieux que moi. Ah, d'accord, ok. Moi, je pensais juste à Horizon Zero Dawn quand j'ai fait ce pitch, c'est pour ça. Parce qu'il y a une meuf avec des cyber trucs. Et c'est post-apo. D'accord, je vois pas le rapport avec Marine Le Pen. Au lieu d'encore une rousse qui tue des dinosaures robots, t'as plein de Marine Le Pen. Red Dead Election. Oh, oh. Red Dead Election. J'aurais dit Brown Dead Election. Post-Gestapo. Oh, post-Gestapo. Sinon, Marine Malice, c'est bien drôle aussi. Quoi ? Marine Malice. Marine Malice. Excellent. Putain. Là, ouais. Toute mon enfance. Et Red Dead Election, c'est pas mal. Hein. La Team Pixel. Là, je suis pas dessus. Hein. Bon, on donne le point. Hein. On donne le point à Red Dead Election, à la Team Core. Ouais. Moi, j'avais une idée dans 2017. Ah ouais, pas mal. Ou bien sûr, engagez-vous dans Marine, qu'il disait. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'était pas vraiment un super titre de jeu. C'était plus un, le slogan du jeu. Ouais. Et la dernière question, c'est quoi les scores? Putain, c'est pas fini. C'est juste assez long. Et bah, c'est maintenant que tout va se faire. Et c'est dommage parce que c'est pas le meilleur. Pourquoi tu gardes toujours les trucs de merde? Un GTA like à l'île de Ré avec Lionel Jospin. Alors là, ouais. Là, ouais. Même grande merde d'auto. Grande merde d'auto. C'est dur, hein. Jospin n'inspire pas beaucoup pour les titres de jeu. Jospin insule. Oh là là, putain, mais il est très bon au jeu de mots. Hein. L'île de Ré, Jospin péninsule. J'aime bien. Ah non, là, j'ai rien. Ouais, non, c'est dur. Là. Donc, ça peut-être, je sais où, c'est une grande mer d'auto ou Jospin péninsule. Jospin péninsule. Ouais, non, Jospin péninsule, c'est bien quand même. Laisse-nous un tout petit peu de temps. Okay. C'est trop de la merde. Je suis sûr qu'il y a mieux. Bon, l'autre fois j'étais au kebab, c'était hier, et j'avais commandé un triple X, c'était 3 steaks, du bacon de dinde et un œuf, et ils m'ont mis que 3 steaks, j'étais grave déçu, mais du coup ils m'ont fait payer 3 euros de moins. J'en ai un. Quelque part ça va. Oui. Red Dead Election. Ah, il a gagné là. Ça marche. Ça marche. Ouais, là c'est bon. Bah, sur la fourberie, on peut pas le test. Ah bah, trop fourbe. Thaïs, tu vas te faire voler la victoire grâce à ta ouais, non, c'était mon mot. Non, là je cautionne pas. Il faut impérativement contre quelque chose. Sors-toi les doigts, Thomas. Oh ouais, je t'en prie. Il a dit le spadin celui-là. Moi j'avais un titre de jeu qui existait déjà mais qui marcherait, Sleeping Dogs. Pas mal. Mais ça existe, c'est déjà pris. Lionel Dead Redemption aussi. Ça. Alone in the Ray. Alone in the Ray. J'aime bien. Joli. J'avais aussi Red Dead RPR, mais voilà. RDR, RPR. Ou Little Little Aventure. Little Little Aventure. Je crois que la team Pixel l'emporte. Ah bah, ils ont beaucoup Little de... Bid Adventure par rapport aux élections 2002. Ouais, ouais, ouais. Incroyable. Voilà, bah, ouais, là, ils ont une farandole de. Ah, ouais, ouais, non, ouais, on a tout mis. Voilà, vous avez tout mis. Allez, 7-6. Je bravo. Vous cache pas qu'il est pas improbable que d'ici 45 minutes j'en sorte. Il y en a une qui revient. Voilà. Mais voilà, l'humour émergent c'est possible aussi. Vous bravo. Avez vu ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, je vois pas en quoi c'est un concept fondamentalement nouveau de ce qu'on fait d'habitude. Non, mais... mais ça a un nouveau nom. Ah oui, oui, c'est ça. Ah, donc ça a un nouveau concept. Donc, il y a deux trucs à faire breveter, le chef de gare et... et l'humour émergent. Et l'humour émergent. Bon, on va du coup pouvoir s'entamer, j'allais dire. Mais oui, on va s'entamer aussi. Hein. Non, ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Vers la seconde partie du podcast qui va du coup plus parler à Thaïs, qui attendait que ça, le gameplay émergent. Ah. Mais c'est con parce que pour l'instant, je suis toujours avec Jospin sur les deux, en train d'essayer de trouver une meilleure vanne. Allez, du on coup, se lance maintenant. On attaque donc la seconde partie et la dernière partie du podcast. On a parlé, on a essayé de définir tant bien que mal la narration émergente, et on va parler d'un truc un peu plus balisé qui nous permet aussi de détourner les jeux auxquels on joue, de déjouer les jeux. Hein. J'ai intitulé cette partie en bon philosophe connard que je suis, jouer et déjouer. Jouer à un jeu versus jouer dans un jeu. Incroyable. Ah ouais, je m'en rappelle on y de est ça, déjà. Ouais. On y est déjà. On pourrait faire une conférence à la Sorbonne. Toi aussi, t'es triglotimique. Ah, c'est beau ça. Le vertige de l'arcade. lançons-nous. Alors, il y a beaucoup. Enfin, le gameplay émergent, c'est vachement balisé, vachement rempli. Le truc le plus simple, c'est on détourne les règles mises en place par le jeu pour à notre guise, hein, à ma guise, comme dirait Jean Rochefort. Est-ce que tu peux donner un exemple? Le plus connu, c'est le speedrun. C'est beaucoup de jeux sont pas censés être faits le plus rapidement possible, mais les gens le font quand même. Tu prends la première vidéo de speedrun qu'on a vue, c'est Quake Done Quick. C'était en 97 je crois, où en gros le mec ne tuait même plus d'ennemis, en fait il salomait entre tous les persos pour arriver le plus vite possible à la sortie. Et ça c'est le jeu est pas censé être joué comme ça, mais le mec a décidé bah comme un peu comme la quête secondaire, il a dit bah moi je le fais comme ça le jeu et puis c'est tout. Je vais et du coup ça a lancé un phénomène qu'on connaît tous, qu'on a tous déjà raté des speedruns dans notre vie. Speedrun de Dark Souls hein. Mais là du coup la différence c'est que c'est pas axé sur un phénomène narratif, mais vraiment sur le jeu. Tu décides de jouer comme ça. Ouais, mais du coup, c'est toi qui, c'est encore une fois une charge entre guillemets affective, mais moindre, mais qui dit bah moi je préfère jouer comme ça, je vous baise. Est-ce que tu détournes les règles du jeu? Non, mais j'essayais de faire une différence pour justifier une différence de partie, c'est tout. Ah oui, bah justement, tout à l'heure, Thaïs disait qu'il y avait forcément gameplay émergent quand il y avait narration émergente. Donc on pourra en revenir dessus. Mais le gameplay émergent en tant que tel, c'est voilà, détourner les systèmes de règles du jeu qui sont présents pour faire ce que tu veux. Il y a, bah par exemple, pour parler de Quake, toujours le rocket jump, c'était pas du tout prévu à la base. Tu tires une roquette dans le sol, du coup, ça te fait sauter plus haut. Et ça permet d'atteindre des zones qu'on pouvait pas atteindre, etc. Et maintenant, en fait, c'est dans beaucoup, dans Team Fortress 2, c'est inclus de base le rocket jump. Alors que ça a été découvert en tant que gameplay émergent où c'était pas prévu. Et du coup, toute la problématique du gameplay émergent, pour en parler après, on peut juste d'abord s'attarder un peu sur le gameplay émergent, c'est il y a une résistance entre ce que nous on veut faire et comment on veut détourner le jeu, et après le fait que les développeurs, voyant qu'on s'en sert comme ça, veulent eux l'intégrer. Donc bref, c'est compliqué. C'est le gameplay émergent. Je suis tout seul à parler, vous avez l'air médusé. Taïs cherche encore un genou avec l'île de Ré, Joyeux Jasmin. Et voilà, vous en pensez quoi du gameplay émergent? Est-ce que déjà ça vous intrigue? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez des moments, peut-être pour commencer par là simplement, des moments de gameplay émergent qui vous ont marqué ou pas du tout? Moi j'adore. J'adore tout ce qui est. J'adore le gameplay émergent. J'adore l'abstrait. Je suis metteur en espace. J'ai un exemple qu'on avait fait sur Call of Duty Modern Warfare 2 avec un pote où on jouait l'un contre l'autre sur une PS3. Et en fait, au lieu de... Enfin, notre but, c'était toujours de nous tuer les uns les autres, sauf qu'au lieu d'utiliser des flingues, nous cacher dans les trucs, voilà, le à la couteau. Call of Duty, voilà. Alors, on utilisait le couteau, mais d'une manière très spéciale, c'est-à-dire qu'on se mettait sur la map Rust, qui est une map qui est très petite, et qui a la particularité d'avoir un obstacle au milieu autour duquel on peut tourner. Et du coup, en fait, on tournait autour de cet obstacle, chacun dans une direction différente. Et dès qu'on se croisait, on essayait de se cutter, tels des chevaliers en tournoi. C'était une joute. Voilà, c'était une joute. Et du coup, on avait inventé un nouveau mode de jeu dans Call of Duty Modern Warfare. Voilà, on l'avait inventé de nous-mêmes. La joute. Voilà, la joute. La joute. Et du coup, c'était très stressant parce qu'en fait, pendant la plupart du jeu, en fait, on courait comme des cons autour du bâtiment et on ne se voyait pas. Et il y avait le moment où tu te croisais, où ça se jouait à un quart de seconde où tu pouvais te cutter, et ça nous rendait fous. Évidemment, à la fin, ça se barrait en lance-roquettes, mais à la base, on avait créé un mode de jeu émergent. Enfin, à mon sens, c'était déjà un peu émergent. Ça marche. Même ça si marche. Dans, on restait tout à fait dans les limites du gameplay. Imposé par les développeurs. Ouais, mais jamais. Enfin, c'est pas du tout prévu pour être joué comme ça. Donc, t'as inventé ton petit mode de jeu. Donc, moi, pour moi, ça marche en tout cas. Peut-être que Thaïs n'est pas d'accord. Non, au contraire. Là, pour le coup, je suis complètement d'accord. Ah. Ça m'a fait plaisir. Je trouve que précisément, si on considère que le gameplay, c'est pas forcément seulement, mais en tout cas, c'est le système de règles que prévoit le jeu. Le gameplay émergent, c'est de toute façon détourner ce système de règles. Donc, pour le coup, je suis entièrement d'accord. C'est le même principe quand tu joues à Mario Kart Double Dash. Mais que le meilleur. Mais que ton coéquipier, c'est pas celui qui est derrière ton kart, c'est celui qui est derrière le kart adverse. Et que là, tu crées ton propre système de règles pour réguler la façon dont la personne à l'arrière du kart va pouvoir lancer les objets, quand est-ce qu'elle peut appuyer sur les oreillettes pour te troller pendant tes sauts, ce genre de choses. À mon avis, ça, c'est. Enfin, genre, on est en plein dans le gameplay émergent. Et c'est d'ailleurs celui qui vient le plus spontanément aux joueurs. Parce que la plupart du temps, tu. Ah, effectivement, à part le mec qui a fait Quake Don't Quick, à part lui, la plupart du temps, quand tu fais du speedrun, c'est parce que tu connais la discipline. Ouais. Alors que inventer ton propre système de règles dans un jeu, en réalité, ça vient vachement. Non, mais du coup, pour le speedrun, je pense qu'il y a un truc qui a émergé. Et après, ça a été intégré et c'est devenu un truc non plus émergent, mais qui a émergé, quoi. C'est une vraie discipline. Oui, voilà, est-ce qu'on peut pas dire que cette discipline a émergé, hein, voilà. Bah si, justement. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, complètement, ouais. Mais ouais, pour le speedrun toujours, il y a eu Metroid, Super Metroid, où il y avait des gens qui arrivaient à faire du sequence breaking, à aller dans des zones pas prévues par le jeu. Enfin, tu devais y aller, mais quand t'as genre deux heures plus tard, quand t'avais l'objet pour sauter plus haut. Et eux, ils arrivaient avec genre les sauts de bombe, tu mettais une bombe, tu sautais plus haut, à y aller directement. Du coup, ils niquaient toutes deux heures de jeu. Et du coup, dans les autres Metroid, genre Mission Zero, plus tard sur DS, les développeurs ont rendu le sequence breaking beaucoup plus simple pour que tu puisses le faire plus facilement pour faire des speedruns. Donc, forcément, c'est ce que je disais au début de l'intro de cette séquence, c'est que le souci du gameplay émergent, c'est que une fois qu'il a émergé, les développeurs veulent la récupérer pour l'intégrer dans le prochain jeu. Et ils vont dans ce sens-là, en fait. C'est ce que ils le facilitent dans ce sens. Oui, il y a des modes speedrun dans les jeux maintenant. C'est ça. Des modes speedrun. Et moi, je trouve la preuve, c'est God Simulator. Enfin, le jeu du gameplay émergent, c'est God Simulator. C'est le jeu où tu joues. C'est un jeu. Explique-nous ce que c'est. Alors, le jeu où tu joues une chèvre. Voilà, j'ai pitché le jeu. Et en fait, t'as juste une langue adhésive et en fait, tu t'éclates dans des open world, entre guillemets, où en fait, tu veux juste foutre la merde. Alors évidemment, le jeu te donne les points pour le fait d'avoir foutu la merde, mais en vrai, c'est toi qui décides ce que tu veux faire et ce que tu dois faire. Et là, on rejoint peut-être le plus les Playmobil, en fait. C'est-à-dire que t'as des figurines qui sont placées sur un plateau et tu joues, tu fais ce que tu veux avec. Je sais pas, enfin. Moi je trouve que God Simulator ça marche pour Jospin à l'île de Ré. Ah oui, ah, c'est vrai. Je sais pas si on rejoint vraiment les Playmobil. Parce que. Je sais pas pourquoi. Mais... Déjà parce qu'il n'y a pas de chèvres dans les Playmobil. Ouais, non, mais oh, parce que. Ça, je sais pas. Ah oui, si. Parce que dans les Playmobil, allez. C'est vraiment une question d'histoire et à la limite, si. Tu vois, il n'y a pas. Il y a pas un système à part la physique. Bah, si tu fais non, c'est vrai si tu fais le lancer de Playmobil. Mais oui, voilà. Si t'as envie de lancer tes Playmobil. Moi, les Capla, on faisait des batailles de Capla. On s'est lancé dessus. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Gameplay émergent. Moi, j'avais inventé un jeu avec des Playmobil où on les posait et avec une balle rebondissante, on devait taper dans le mur et dégommer des Playmobil. Bah voilà, bah là, t'es et clairement là, dans du gameplay émergent. On faisait ça au lycée. Mais ah oui, d'accord. Là, c'est un peu triste. C'est vrai, mais c'est de pitié, donc c'est pas sa faute. C'est vrai. Non mais voilà ouais donc mais dans ce sens-là oui mais c'est pas le Playmobil de en avant l'histoire. Oui non voilà ça c'est le Playmobil en avant la destruction mais en et, même temps, tu peux et dire, le chaos. Mais en même temps tu peux dire ouais je balance une bombe atomique sur des gens et là il y a de la narration émergente. Alors tu parles de quoi dans la vraie vie? Non il parle de Fallout. Non, d'accord. Je pense qu'il parle de lancer des trucs sur ses Playmobil. Ouais, en fait. Ah oui ça. Ah oui d'accord. Ouais, dans okay. La vraie vie tu peux le faire. Parce que là j'ai eu peur un on instant. On appelle ça du terrorisme pas du gameplay. Oui d'accord c'est pour ça. On appelle ça défendre la démocratie. Ouais. Les bombes atomiques, c'est pas du terrorisme. America. C'est vrai. Pas. C'est vrai. Tu viens de niquer le game. Ouais, moi je suis Jean-Paul Sartre. Toi, c'était quoi, Stavro, tes exemples? Ça serait assez con, ça serait Ultimate Bravery. Tu dois savoir ce que c'est. C'est dans LoL. C'est un mode de jeu, ouais, un mode de jeu. En fait, c'est un mode dans League of Legends, du coup, c'est un MOBA, donc c'est vachement codifié comme jeu. Tu dois acheter tel item parce que c'est plus fort avec tel perso, etc. Tu dois faire ça à tel voilà, tu dois. Bref, toutes les règles sont très claires, très précises. Si tu les fais pas à la lettre, tu te fais insulter par tous les membres de ta team. Mais il y a un mode de jeu, enfin, c'est un site tiers en plus du jeu où il dit, bah là, cette partie-là, c'est random, en fait, tu vas prendre tel perso et tu vas faire tel item. Alors que c'est pas vrai, l'item ne marche pas du tout. Et du coup, tu dis, bah moi, je fais ce mode de jeu, je le vais sur le site Ultimate Bravery, je lance, et il me dit, bah je prends tel perso, je prends tel objet, ça sera de la merde, je ferai nul, mais au moins j'aurais fait la bravoure. Après, voilà, la bravoure ultime. Tu avais quand même la chance de par le fait que c'était aléatoire, l'Ultimate Bravery, justement, te permettait aussi des fois de tomber sur un bon perso, un bon car, avec justement les bonnes, les, entre guillemets, les bons items, tout ça. Mais c'est vrai que voilà, de base, en fait, tout le monde va sur un site internet, randomise son truc, tu fais un clic, ça randomise, et voilà, exactement, comme il le dit. J'ai pas compris le principe. Un quartier, gros, bah, c'est un principe de base. Tu vas sur un site de random pour choisir aléatoirement ton perso et les objets que tu vas prendre dessus. D'accord. Dans LoL, t'as des mages, okay. On peut faire simple, t'as des mages, des guerriers corps à corps, des supports qui vont healer. Bah là tu pouvais tomber sur un guerrier corps à corps qui allait utiliser un bâton de mage, des bottes toutes pourries qui servent pour la pénétration magique. D'accord, alors ouais. Que toi t'as que des coups au corps à corps, nanana. D'accord. Et voilà, justement t'avais tes 6 items qui étaient prédéfinis dans l'ordre dans lesquels tu devais les acheter, qui plus est. D'accord. Tu pouvais pas choisir le seul item mettons qui était bien sur les 6 que tu pouvais avoir chopé. Fallait que tu les achètes dans un ordre défini sur tel perso que tu maîtrisais même toi-même pas forcément. Mm-hmm. Bon après voilà, tu t'en mets quand même, alors il y a une nuance à poser là-dessus, c'est quand même que tu t'en remets à la confiance des autres joueurs aussi. L'Ultimate Bravery, tu savais pas ce que les autres avaient eu. Vu que c'était du fanmade, mais bon, pour autant, voilà. C'est, mais ce qui est rigolo, c'est que là, t'as un gameplay émergent, mais institutionnalisé. Ouais, c'est vrai. Mais pareil, bah, il y a beaucoup de comme ça de gameplay émergent qui sont maintenant institutionnalisés. Par exemple, les challenges qu'on fait sur plein de jeux, FF7, tu peux essayer de le finir en restant au niveau 1, sans prendre d'XP, enfin en prenant le moins d'XP possible, en farmant pas. Dark Souls, tu peux essayer de le faire en restant au niveau 1, sans monter tes niveaux et en essayant de pas mourir, ou alors en prenant telle arme, etc. Mais en quoi c'est institutionnel? Mais moi, justement, par rapport à l'institutionnalisation, ça me fait penser au phénomène des incentives dans les streams de Superplay. Je comprends rien de ce que tu dis. les quoi? Les incentives. En gros, c'est des sortes d'objectifs. C'est-à-dire que, généralement, ça se fait en fonction des donations. C'est-à-dire, j'en sais rien, c'est si tu me donnes 10 balles, voilà. Je fais ça. Si t'as 30 D'accord. Ah, donc, okay. Tu parles de stream. Ah, mais ça, c'est les streams, c'est Cam Live XXX. Je lui donne 10 balles, elle fait ça. C'est Live Jasmine. Oh ça. Non. Non, non, trop pas. Non, mais elle parle de Twitch. Enfin, par exemple, on peut prendre Twitch comme type mais de streaming. Voilà, basiquement, bien sûr. Oui, si, c'est la même chose. Mais c'est... clairement, voilà. C'est, au lieu de se déshabiller, lui, il prendra tel item dans Zelda. Voilà, ouais. C'est l'idée. Okay. D'accord, du coup, les tokens marchent beaucoup moins. Ou alors, il va cliquer tel personnage de cette JR token dans un RPG ou ce genre de choses. Et là, pour le coup, du coup, le choix appartient à la personne qui est pas en train de jouer. Ouais, c'est ça. C'est des cas de gameplay qui dépassent complètement l'univers du jeu et qui dépassent complètement. Et gameplay émergent, Twitch plays émergent. Pokémon. Voilà, ouais. J'allais dire justement, est-ce qu'on parle de Twitch play ou Dark Souls, encore mieux. Twitch plays Dark Souls. Excuse-moi, c'était vraiment. Définissez les gars, parce que là. Alors, c'était en gros. Twitch, donc c'est un site de streaming de jeux vidéo où tu peux vraiment jouer... obligé de parler de ça. Tu peux jouer en live à un jeu et les gens te voient jouer. Et il y avait ça, ça a commencé sur Pokémon où en gros tous les gens qui voyaient le jeu pouvaient écrire sur le chat haut, bas, gauche, droite, A, B. Et du coup, ils faisaient le mec, enfin le personnage faisait les actions que tu mettais dans la console. Le chat était une console de jeu. Un système de vote en fait qui était créé. Qui a été instauré après. Pas pendant Twitch Plays Pokémon. Voilà. Il a été instauré après. Voilà, ça a été instauré après parce que ça avançait pas. Mais voilà, justement, enfin, je rebondis là-dessus. Hein. Mais donc justement, voilà, dans le chat, en fait, suivant la commande que tu tapais, s'influait sur le jeu directement. Donc, faut te dire que t'avais 16 000 connards qui faisaient ça en même temps. Plus donc, 50 000, mais du coup, tout le monde tapait. Tu te retrouvais dans, ouais, peut-être 50 cas. Oui, du coup, il se passait rien. Mais voilà, mais t'avais des mecs qui étaient dans l'inventaire, ça bougeait, ça remontait, ça descendait, ça cliquait dans l'inventaire. Ça sortait. Les mecs, ils ont perdu du Pokémon, ils ont resté deux jours contre un mur. Et du coup, ça a créé une narration émergente parce que très clairement, le moment où je crois ils ont réussi à utiliser une potion sur un Pokémon pour la première fois, ça a été un événement sur internet assez conséquent. Et beaucoup de mèmes sont. Il y a eu des mèmes, il y a eu le dieu Ammonite sur le même item tout le temps, c'était un fossile. Du coup, ça a devenu une sorte de religion, la religion du fossile. Exactement, ouais. Voilà. Mais ce qui est rigolo par rapport à la narration émergente type Playmobil, on va dire, c'est que là, on amorce tout de suite une composante sociale. Même tu parlais tout à l'heure de Call of Duty. Call of Duty, ouais. Moi, mon exemple vraiment de gameplay émergent, c'est quand je jouais avec mon frère à GTA et que. GTA, c'est pas un jeu qui se joue vraiment à plusieurs. Non, mais non, du coup, on posait un objectif de type on prend un hélico, on monte le plus haut possible et on doit atterrir dans le lac. Et mais c'est tout de suite un truc qui devient social. Alors que ça pourrait être, tu pourrais faire ton speedrun tout seul. Défi lancé, c'est vrai que le gameplay émergent a une grosse composante sociale parce que le speedrun, tu compares ton temps à d'autres gens. Après bah ouais tous les concours tu peux faire genre bah dans Halo un des premiers gameplay émergents c'était aussi Halo parce qu'il y avait un bon moteur physique et du coup les gens se sont rendu compte qu'on pouvait faire mettre une grenade en dessous de la Jeep et la faire sauter vachement haut du coup tu pouvais faire des concours de saut en hauteur de Jeep quoi. Mais et voilà, tout de suite c'est un concours en fait. J'ai un autre exemple social comme tu le racontes Steven, c'est en fait récemment avec ma copine on a relancé les Sims 2. Et on a joué en multijoueur aux Sims. C'est-à-dire qu'en fait, moi et j'avais un personnage, ma copine avait un personnage. Et après, vous vous êtes séparés. Parce que et alors, en fait, on vivait dans la même baraque. Et en fait, son personnage essayait de se taper un des voisins qui s'était ramené le premier jour dans la baraque. Vous êtes malsain. Et moi, mon personnage essayait de virer le personnage. Alors, on se laissait genre 5 minutes. C'est un peu la vraie vie. Voilà, exactement. Et on se laissait chacun 5 minutes de jeu. Elle essayait de se le taper. Et moi, j'essayais de le virer. Bon, c'est ok, tu peux plaquer tout le truc à côté. Non mais tu viens de détrôner le maître pêcheur. Voilà, exactement parce que moi c'est social en plus. Et du coup voilà, on a créé un gameplay qui n'était pas du tout de base dans les Sims. Alors qui a gagné? Elle a gagné. Désolé. Elle gagne toujours. Et oui. Ouais. Mais même le maître pêcheur, en fait, ça induit un système de gameplay émergent pour les nuls, c'est les succès qui sont maintenant dans tous les jeux et qui rajoutent des challenges inutiles à ta partie où ils disent si tu tues 10 000 ennemis t'auras un succès donc les gens le verront, tu seras maître pêcheur parce que t'auras tué 10 000 ennemis, enfin voilà, t'auras un succès et du coup ça c'est une surcouche inutile de gameplay que tu décides de faire ou pas si t'aimes les succès. Mais alors, c'est un gameplay émergent niveau 0 mais c'est un gameplay qui a émergé. Je sais pas du tout de quand ça date cette histoire mais je pense que c'est un gameplay qui a émergé où genre toi tu vas récupérer tes 100 plumes parce qu'il y a des plumes dans le jeu et les créateurs du jeu décident que ils vont te mettre un succès comme ça va faciliter ça. Mais je veux dire dans la mesure où c'est les créateurs du jeu qui le décident, je sais pas si c'est émergent. Je pense que c'est le gameplay émergent facile quoi. C'est le gameplay supplémentaire. C'est t'émerges pas vraiment, mais t'es pas obligé de le faire. Du coup, tu choisis. Vous avez conscience du fait que si on remplace gameplay par narration dans votre non, on est exactement sur la première partie. Non, je trouve qu'au contraire, il y a moyen de dissocier les deux parce que on va reprendre l'exemple de Call of Duty où Antonin avec ses potes tabasse. Ouais, ça fait. Ça fait trois verres qu'on la met l'Antonin. Court, machin. Ok, il court et le but c'est de se tuer avec un couteau. Mais par-dessus ça, ils auraient pu te rajouter une histoire où genre on est c'est la fin du monde, il nous reste plus qu'un couteau et on a des baskets qui vont exploser si on arrête de courir. Tu vois, tu peux rajouter des histoires. Et là en effet, ça marche toujours ensemble. Il y a toujours une narration émergente marche toujours avec un gameplay émergent, je pense, plus ou moins toujours, mais conceptuellement, tu vois, on peut dissocier les deux. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Et je pense aussi que ça correspond pas mal à l'avènement d'Internet aussi. Tout ce qui va être gameplay émergent, justement. L'avènement d'Internet du sens. Parce que tu peux faire ta vidéo. Tu parlais d'Halo avec l'Egypte de plus en plus haut. On peut parler du. Aller plus haut. On peut parler de Dark Souls et justement des speedruns et du glitch aussi, le phénomène du glitch. Je pense qu'on y viendra un petit peu après. Ta base, on en parler. Ne chauffez pas. Mais je pense que ça correspond aussi à cette dimension compétitive d'Internet. Enfin, cette mondialisation, cette connexion qu'on a tous entre joueurs aussi. Qui incite aussi le village mondial. Toi, t'aurais été sur ta 64 à te gratter les couilles chez tes parents et à faire ton petit jeu. Ça te serait peut-être pas venu à l'esprit d'essayer de tracer un jeu de telle ou telle façon, ou alors juste de délirer, essayer de choper les bugs, de les exploiter. Voilà, mais t'aurais montré ça à tes trois potes du quartier ou de ton village. Et je pense que Internet a créé de l'émulsion autour de ça aussi. Et je pense que c'est aussi contextuel par rapport à notre génération et au fait que les jeux sont de plus en plus en ligne, que la vidéo, ça se partage facilement. Surtout maintenant avec la nouvelle génération de consoles où t'as le bouton share et exactement, deux secondes, tu mets la vidéo. Je pense que justement le gameplay émergent, ça se démocratise de plus en plus avec l'émergence d'Internet aussi, tout simplement. Je pense que du coup, inversement, ça devient de moins en moins de l'émergence. Enfin, en tout cas, ça émerge et ça devient beaucoup plus intuitif. C'est vrai que c'est la différence, je disais tout à l'heure, entre Quake 3 et le Rocket Jump qui est découvert, et maintenant Team Fortress 2 où le Rocket Jump il est inclus dans la base qu'un lance-rocket. Oui, c'est la même chose entre Quake Don't Quake et les modes speedrun. Oui, c'est ça. Mais est-ce que du coup, le gameplay émergent, comme le disait Steven, on peut encore en parler de gameplay émergent quand il est montré sur YouTube, que tout le monde du coup va essayer de le copier. Ultimate, si tu fais entre potes à LOL, qui tiens, on prend tout cet item là, c'est rigolo. Ou on fait un site Ultimate Bravery où tout le monde va le faire. Et du coup, est-ce que le gameplay émergent, il doit être éphémère pour être vraiment émergent? Mais parce que l'émergence, c'est pas un phénomène continuel, tu vois, t'es pas continuellement émergent. S'il y a quelque chose qui émerge, après, il a émergé. Il faut que ça se renouvelle continuellement pour continuer. Non, pas nécessairement, mais il y a un truc qui émerge. Maintenant le speedrun, ça a émergé. Ça peut être défini comme un mode de jeu émergent par rapport à l'histoire du jeu vidéo, mais aujourd'hui, c'est un mode de jeu institutionnel. Comme le MOBA en fait. Comme le MOBA avec qui a été créé sur Warcraft 3. L'émergence n'est que temporaire parce que c'est un phénomène de transition. Ouais, c'est vrai. Il y a quelque chose qui apparaît. Tout à fait. Ouais. Mais une fois que ça a apparu, c'est là. Après, ça peut mourir parce que ça n'avait pas lieu d'être plus institutionnalisé. Mais une fois où, enfin, tu vois, comme le fait de courir autour d'un truc avec un couteau, c'était bien une soirée et puis après on le refait pas. Mais ça aurait pu être intégré dans un jeu et. Mais moi, ça me fait penser à quelque chose, notamment le truc que vous avez dit par rapport à LOL, c'est tout ce qui est le metagame, en fait. Je me demande si le metagame... Le theory crafting... C'est pas du gameplay émergent. Alors, le metagame, c'est donc, par exemple, dans un jeu compétitif comme LOL, Hearthstone ou StarCraft 2... Warcraft, c'est un peu les tactiques que tout le monde va utiliser pour être le plus optimal possible. Par exemple, dans StarCraft 2... il y a un truc que les protos peuvent utiliser qui s'appelle le Cannon Rush. Le Cannon Rush. Alors en fait, Protos, c'est une des races de StarCraft 2 qui est un jeu de stratégie. Voilà. Et donc en fait, à la base, c'est basé sur un bâtiment des protos qui est le canon, en fait, le canon à photons qui est d'habitude un bâtiment que tu mets dans ta base pour protéger ta base. Sauf que les joueurs protoss se sont rendu compte, en fait le canon tu peux le poser à côté de la base ennemie et t'en servir comme de quelque chose d'agressif et t'en servir comme quelque chose donc pour mettre à côté de la base ennemie. Voilà, donc ton truc défensif tu le mets à côté de la base ennemie, ça devient un truc offensif et le truc qui était pas forcément réfléchi à la base. Et là, on a une émergence d'une manière d'utiliser le jeu qui n'était pas forcément prévue à la base. Et il y a des centaines d'exemples possibles, notamment dans Hearthstone. Thomas, je pense que tu pourrais oui, donner d'autres exemples là-dessus. Même dans LoL, du coup, le metagame est influent. Dans LoL aussi. Parce que tout le monde voit les joueurs pro jouer. Du coup, tu dis faut que je fasse comme ça aussi. Et du coup, ça fiche beaucoup de. Je dois acheter tel objet avec tel personnage. Je dirais que la méta d'un jeu, c'est la propension d'une majorité de bons joueurs, justement, c'est ce que vous dites, de bons joueurs, de joueurs pros et de gens qu'on pourrait prendre en exemple, à utiliser tel build, à jouer de telle façon et ce genre de choses. Mais c'est vrai que la méta, c'est devenu très important. Je veux dire, tu peux pas jouer à LOL aujourd'hui à quelques niveaux compétitifs que ce soit. Je veux dire, même en classé perso en solo queue, tu peux pas jouer à, ou même à StarCraft. StarCraft, c'est vrai que la méta, c'est devenu une dimension. C'est obligatoire. Obligatoire. Mais du coup, c'est un gameplay qui à la base a émergé, mais qui maintenant est sur-institutionnalisé. On en revient au fait d'Internet aussi. Voilà, on en revient à ça encore. À cette mondialisation, à ce partage. Sans stream, il n'y a pas de métagame. Parce que moi, j'ai commencé LOL il y a 6 ans. Ça a commencé il y a 6 ans que ça, LOL a ouvert. J'ai, ouais, j'étais, 2009, là au début, j'étais là au début. Et Big Up, hipster. Le proto-hipster revient. Le proto-hipster. Je ne jouais pas à Dota. Hein, non, je ne jouais pas à Dota. Je jouais à Heroes of New World, mais n'en parlons pas. C'est un prolapse. Oh, quelle horreur. Bref, du coup, à l'époque, il n'y avait pas Metagame parce que y avait, les joueurs pro, ils n'avaient pas. Et parce qu'on ne voyait pas leur partie. Du coup, bah, voilà, on faisait tout, on y allait tous à la zone. Genre, bah, moi, j'aime bien cet item-là, je vais le faire. C'était alanique. Et maintenant, c'est même pas la peine. Même pas la peine de songer à faire pas l'item. Et puis, c'était pas prévu dans le jeu qu'elle allait se développer ça nécessairement. Non, il n'y a pas de scène e-sport à l'époque, quoi, bien sûr. Donc, ouais. Donc, du coup, c'est ce qu'on, on en revient à ce que disait Steven. Le gameplay, une fois qu'il a émergé, bah, c'est du gameplay. Voilà. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment, définir un gameplay comme émergent? Bah, on peut le définir, mais il peut jamais le rester. Est-ce que c'est pas un peu triste? Bah, non, je pense pas. Enfin, c'est pas... Est-ce qu'il y a encore est-ce qu'on peut encore résister à la, l'institutionnalisation du gameplay émergent? Mais je sais pas. Et là, c'est Tabas qui va nous parler du glitch. Putain, tu me lis comme un livre ouvert. Ah ouais. Oui, alors bah tu parlais de du fait de faire sauter des jeeps dans Halo avec des grenades. Moi j'ai mieux. J'ai dans GTA 4 des gens qui là on sent qu'il y a une nouvelle vision du jeu vidéo. Voilà, il y a une nouvelle vision. Pixelcore.fr, n'oubliez pas. Voilà. C'est dans GTA 4, il y a des gens qui se sont rendu compte que quand tu roulais sur une balançoire avec une voiture, ça projetait ta bagnole à des hauteurs faramineuses. Et il y a des mecs qui se sont dit, on va faire le concours de celui qui réussit à projeter la bagnole le plus haut grâce à ce glitch qui est donc un glitch physique du fait que tu roules sur une balançoire. Un glitch, c'est une sorte de glitch, bug. Ouais, un bug, glitch. Voilà. C'est un bug qui va pas te bloquer dans ta progression du jeu. C'est un petit bug. Voilà, un petit bug. Un petit bug gentil, mignon. Un bug gentil, mignon, hein, et que tu peux exploiter comment dire, alimenter ton expérience de jeu. C'est comme un enfant bug, en fait. Voilà, exactement. Tu peux t'alimenter de cet enfant. Tu peux t'en alimenter. C'est beau, ça. Et je parlais de Goat Simulator tout à l'heure. Goat Simulator, c'est blindé de glitch. Et les gens, c'est ça qui leur fait marrer. Et très clairement, sur YouTube, c'est ça que tu vas retrouver. Genre les meilleurs glitchs de Assassin's Creed. Et le speedrun se base sur beaucoup de glitchs. Le speedrun aussi. Le speedrun de Dark Souls, c'est t'évites. Voilà. 3 heures de jeu grâce à une animation qui est buggée, qui te fait un peu passer par-dessus le sol, du coup tu peux aller au-dessus d'une porte et tout. Enfin, voilà, puis t'as aussi le truc de loader une sauvegarde sur Xbox. Voilà. Enfin, ouais. Justement, je trouve que malheureusement, ça nuit au speedrun. Enfin, à mon sens, c'est un avis très perso, mais je me permets d'intervenir là-dessus. J'ai vu des. Alors, j'ai pas joué à Dark Souls, mais j'ai regardé quelque pas chose mal à vous dire. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai regardé pas ça mal fait de speedrun bien de Dark Souls. j'en ai regardé pas mal de Xerve notamment. Enfin, grâce à Xerve, j'ai découvert pas mal tout ce qui était l'univers du speedrun. Et je trouve que le glitch, c'est pas du speedrun. Enfin, c'est très personnel comme avis, mais je trouve ça dommage quand tu connais pas le jeu et que tu vois le mec. Bien sûr, t'as même les tasses, glitch, le pire. Sans glitch, bien tasses, sûr, je sais que c'est très nuancé. Enfin, t'as les mecs qui le font sans glitch avec. Il y a même des mecs qui font ça avec des outils spéciaux qui le jeu. Et quand j'ai vu des glitches, enfin des comment dire, des speedruns de Dark Souls qui étaient justement glitchés, je sais pas si ça se dit glitché. Ça c'est bien sûr. Qui étaient glitchés. J'ai pas aimé parce que tu vois le mec qui passe à travers un espèce de mur. Voilà, c'est tout black. Tu sens que le mec est dans les textures du jeu, dans les textures du jeu. Et il arrive dans une salle, tu sais que c'est tel boss qu'il a passé 16 levels d'un coup et que voilà, il est au 8ème boss de tel acte, en gros, non. Et perso, je trouve que c'est pas un spectacle très agréable à regarder et je trouve ça nuit un peu en fait à la. J'aime le caractère. Il y a quand même des glitches qui sont durs à déclencher. Bien sûr, je nie pas la difficulté. Je nie pas la difficulté de choper vraiment tel millimètre de jeu qui va te permettre de telle corniche de passer à côté. Ça doit être sans doute très dur. Il faut une connaissance du jeu, la manipulation, tout ça. Mais je trouve que ça nuit visuellement au plaisir que tu as à regarder justement ce type de jeu. C'est pour ça que je dis qu'il y a différentes sortes de glitches. C'est parce qu'en fait, là, ce que tu fais, c'est parler en tant que spectateur de speedrun. Ouais, d'accord. Et pas en tant que speedrunner. Moi, je suis pas speedrunneuse, mais par contre, je suis spectatrice de speedrun au moins ponctuellement. Ouais. Et pour le coup, je suis pas d'accord que c'est les glitches en eux-mêmes qui nuisent à l'expérience du jeu. Le fait est que les glitches où tu switches les murs et tu passes dans les glitches, mais c'est la religion du Portugal. Oh, joli. Putain. Joli. Je mettrai dans mon mémoire. 10 points pour Gryffondor. En citation d'introduction. C'est pas tu disais, non, tu disais les glitches. Thaïs, continue. C'est dur d'en prendre. C'est ça, métier de podcasteur. Parce que là, du coup, j'ai juste envie de dire bacalao. Donc, il y a aussi des gens qui utilisent le glitch pour son utilité dans le speedrun, mais aussi d'une façon qui est vachement performative. qui est performative et qui du coup est spectaculaire. Alors quel glitch peut être performatif, enfin, selon toi, quel... enfin, t'as un petit exemple comme ça, ouais, concret simplement. Bah moi il y en a un que j'aime beaucoup, du coup je vais avoir l'air de prêcher pour ma paroisse parce que prêche donc, prêche donc. Lionel Jospin. Non, rien à voir, pardon. Speedrunner de quoi t'as dit, FF6? Attends, ton copain c'est Lionel Jospin. C'est ça. T'auras pu le ramener. Donc ouais, il speedrun FF6. Et tu peux lui faire de la pub si tu veux, y a pas de soucis. Ce serait plutôt l'inverse en l'occurrence. Bon, alors il fait speedrun FF6 dans son coin. Et qu'est-ce qu'il fait? Et dans FF6, il y a un glitch qui s'appelle le sketch glitch. Qu'on exécute avec le personnage de Realm, qui est donc qui est une gamine. Ah, je crois que c'était un vieux monsieur qui baisait la terre. C'est pas lui. J'adore exploiter c'est les pas elle. Et donc le principe, c'est que son attaque spéciale, c'est qu'elle dessine l'ennemi. Et donc son attaque s'appelle c'est sketch. C'est méchant. Ah, je crois que ça s'appelle dessiner, c'est gagné. Pictionary. Pictionary dans la langue de Shakespeare. Voilà, et donc en fait, à partir de cette attaque, en faisant toute une manipulation ultra complexe que moi-même je comprends pas, et je suis pas 100% persuadée que tous les speedrunners la comprennent, tu peux commencer à faire bugger les textures, donc c'est-à-dire que ta Realm elle va avoir le skin de Terra et de Terra, on espère, mais que son attaque, ça va continuer à être croquis, ou alors elle va pouvoir faire le tool d'Edgar. Okay, donc ça change, les personnages bug, et ça, du coup, ils ont plus les mêmes capacités. Et puis, tu vas pouvoir attacher ta clochette de Mog à la place de ton arme, et enfin, ainsi de suite, bref. Je le fais tous les soirs, moi, personnellement. Moi aussi, la clochette de Mog. À la place de mon arme. Moi, j'aime beaucoup la clochette de Mog, j'aime beaucoup. Ça, avec les filles, souvent. Et donc finalement, la finalité de ce glitch, c'est de... Et la finalité de ce glitch, c'est qu'il te permet de skipper des passages entiers du jeu, de one-shot des boss de façon absolument scandaleuse, de pas avoir de combat dans certaines zones, précisément parce que c'est ce que fait la clochette Mog, enfin bref, ainsi de suite. Mm-hmm. Et c'est un glitch qui est ultra visuel, du coup. Et en quoi oui. C'est skillé? Enfin, il y a une manip. Il est ultra dur à exécuter. D'accord. Il est vraiment, vraiment ultra dur à exécuter. C'est pas exactement. Enfin, c'est pas un bug de texture. Mais comme c'est pas comme un mec les... par hasard qui est passé à travers. Un endroit, comme c'est un glitch qui vient du TAS en fait. Comme les glitches, le TAS sous l'assistance. C'est un glitch qui a été trouvé en craquant les codes du jeu. D'accord. Et pas par un joueur dans une. C'est tout comme les glitches très connus de Mario 64 où les mecs arrivent à stouter, je sais pas comment, à faire des slaloms de ouf entre les niveaux et à passer dans des tableaux qui sont 20 heures plus loin. Voilà. Et du coup, là, en fait, on est sur l'exemple d'un glitch et donc d'un gameplay émergent qui est très spectaculaire. Et donc, du coup, est-ce qu'on n'aurait pas aussi une émergence d'une espèce de nouvelle forme visuelle, en fait? Parce qu'on a une forme visuelle du jeu vidéo qu'on n'est pas habitué à voir et qui donc émerge de ce gameplay émergent. C'est vrai qu'il y a une différence entre ce que décrit Thaïs et le glitch de Dark Souls où tu prends tes jumelles et ça te fait courir plus vite. Ouais, voilà. C'est un peu de la merde. Voilà. Regardez, un pareil, tu vois le mec qui fait jumelles. Et c'est assez chiant, regardez, c'est un glitch, mais il est relou. Oui, enfin bon, après, j'ai envie de te dire que des façons de bugger le code du jeu, il y en a aussi des qui sont super relous. Dans le speedrun de FF7, ouais, voilà, scooter, bon, il y a plus fun à regarder qu'un mec en train d'appuyer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc là, je tourne à droite. 1, 2, 3, 4. À gauche, 7, donc 1. Ah oui, déjà, raconter, c'est suite. Terrible, alors à voir. même comme ça, c'est chiant, ouais. Honnêtement, c'est mieux raconté. Ah ouais, putain. Mais tu connais Lilo et Glitch? Wow, oh, pas mal. Ton maman va lancer bientôt un podcast de blagues. Ouais, ça va être bien. Super. Des petites têtes. Donc le glitch est un moyen de trouver toujours du gameplay émergent. Voilà. C'est... Mais aussi des formes esthétiques émergentes. C'est là que je voulais vous amener avec mon rebond. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est impressionnant. Enfin, voilà. Je veux dire quand tu vois des espèces, quand tu sors des limites du décor, par exemple, ce qui arrive souvent avec les glitches, t'arrives devant une vision du néant, tu vois l'envers du décor. Ça t'amène à des endroits. Le dessous des cartes. Voilà, le dessous des cartes. C'est le dessous des cartouches. Dégueu, et du coup, ça t'amène à une expérience esthétique émergente, à mon sens. Je vous laisse rebondir là-dessus. Et là, c'est un peu la dialectique suprême. On a trouvé une troisième partie sans le vouloir. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. L'émergence de l'esthétique, ouais, c'est beau. Ça te plaît, Steven? Ouais, moi je trouve toi que. Toi qui as un peu fait d'esthétique analytique, est-ce que tu penses que c'est jouable? Ah, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais non, c'est beau. Je trouve qu'on va très très loin avec ce concept. Hein. Eh ben, on pourrait écrire un petit bouquin tous ensemble, hein, voilà. Ouais. Ou alors. Ça s'appelle un mémoire. C'est Tabas qui l'écrit tout oui, seul. Oui, exactement. Et bien bientôt, on achètera Tabas chez Puf. Voilà. Et ça sera une belle classe. Photo de moi en couverture sur fond blanc. Ce sera magnifique. Ce qui est marrant, c'est que dans le jeu vidéo, ça cristallise pas mal ça, mais ça se retrouve aussi ailleurs. Bon, on a parlé pas mal de jeux qui n'étaient pas des jeux vidéo. De joujeux, de jeujeux, de joujiers. Non. Et de jouganou. Pas une cinquième fois. Pas une cinquième fois. Et c'est vrai qu'on l'a enregistré tellement de fois cette phrase. C'était long. Non, pas parce que je me ratais. Hein. Non, non. Ça se retrouve dans, je sais pas, dans quoi ça se retrouve. Tu penses à quoi exactement, enfin, je sais pas, dans la vie ça peut, doit se retrouver. Oui, oui. Il y a des glitches de la vie aussi. Bah ouais. Ah, on va faire une fucking carnet sur la vie. Bah quand on a nettoyé mon appart. Dans la cuisine en quand on a mon appart, il y avait des choses qui s'étaient formées dans mes verres, dans mes assiettes. Ah oui, il y a eu de l'esthétisme émergent. Un sinistre aussi. La vie était née. Ouais, c'est ça. Bah c'est ça, et c'était des glitches de la vie. Enfin, ça aurait pas dû se créer. Par exemple, le sadomasochisme, ça peut être décrit comme un gameplay émergent. Mais qui maintenant est institutionnalisé. Et esthétisé. Et esthétisé. D'ailleurs, pour Noël, moi, j'ai un concept de SM, j'en parle maintenant parce que je savais pas où le placer. si tu t'enroules, fais du shibari avec des guirlandes clignotantes. Ça a déjà été fait. Mais... C'est vrai? Ah bah oui. Tu me passes les liens alors. Ouais. Non, bah bref. Non, voilà, je voulais juste. La Thaïs ça a écarquillé les yeux, de façon. Non, en fait, pour de vrai, j'ai une vraie question. Sur le shibari? Non, parce qu'en fait, c'est par rapport à la question du glitch et à la question de l'institutionnalisation. C'est pour vous, Friedrich. Quoi? Friedrich glitch. Un postiche. Ah. Oh, on va trop loin, ça y est. On était allé loin, ça me plaisait. La question va trop loin. Tu l'as niqué sa question. J'ai oublié. Attends, vous avez perdu. On parlait des glitches, des formes esthétiques émergentes. Non, non, mais moi justement, je parlais pas de ça. On parlait de sadomasochisme, non, on parlait des pratiques, on va dire, de super play au sens large qui sont institutionnalisées et qui du coup font maintenant partie des composantes du gameplay classique des jeux. Est-ce que c'est pas, dans une certaine mesure, aussi le cas des glitches? Justement, God Simulator, c'en est un très bon exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas, pour le coup, je pose vraiment la question parce que je ne sais pas, des jeux qui intègrent du coup des glitches qui n'en sont pas. C'est-à-dire qui utilisent l'esthétique glitchée pour glitcher, quoi. Genre l'effet Ragdoll, c'est un peu ça, non? Genre dans des jeux où t'as Ragdoll, c'est un peu différent. Explique. C'est peut-être faux, mais moi je vais l'expliquer. C'est en gros dans certains jeux t'as un moteur physique qui fait que quand tu te cognes contre des choses, ton personnage il fait comme une poupée de chiffon, il tombe, voilà, il est un en peu fait, comme c'est, ça. C'est en gros c'est la modélisation d'un squelette de ton personnage pour que par exemple quand il meurt, il tombe selon les aspérités du terrain. Quand il tombe dans les escaliers, il va tomber dans les escaliers. Bien, Et du coup, ça donne une espèce d'effet désarticulé qui est pas humain du tout, finalement. Bah si, qu'ils essayent d'humaniser. Voilà, ils essayent d'humaniser, mais finalement, on voit très bien qu'on est devant un modèle. Et il y a des jeux qui servent du. C'est pas vraiment un glitch, mais c'est une maladresse de moteur physique, pas souvent, ou alors parfois c'est voulu. Oui. Mais il y a des jeux genre Pain, qui servaient que du ragdoll, où tu devais lancer un personnage pour le faire rebondir contre des trucs et lui faire le plus mal possible. Oui, j'ai joué à ça, sur mobile, sur smartphone. Putain, j'avais ce jeu, c'était Pain, après je sais pas ce qu'il y a eu, mais les stairs, je sais plus, ça c'est quelque chose comme ça. Tu devais faire le plus mal possible à ton personnage sur toutes ses articulations et le désarticuler. Il y a eu des jeux de Jackass aussi, sur Ragdoll. Il y a une émission YouTube qui est géniale. Tu m'en avais parlé, une émission Post-Process, ouais, exactement. C'est ça, voilà, qui parle du Ragdoll si ça intéresse les auditeurs. Mais du coup, peut-être qu'on s'éloigne de la question de taille, c'était une remarque. Bref, revenons. Moi, carrément, parce que justement, je parlais pas en termes esthétiques, je parlais justement en termes d'effet sur le gameplay. C'est-à-dire des jeux qui intégreraient des fonctionnalités de glitch avec des esthétiques de glitch, mais qui seraient préméditées. C'est-à-dire qu'ils ressembleraient exactement de l'extérieur. MGS 1, No Hideo. Ou l'image bug. Essaye de parler un peu parce que il y a que là, oui, les mecs qui te peuvent comprendre. J'avoue, là c'est cryptique. Je pense pas à ça. Je pense vraiment à quelque chose qui serait de l'ordre du glitch, c'est-à-dire quelque chose que tu trouves par hasard qui modifie ton expérience du jeu sans l'interrompre et qui a l'air d'être un bug, mais qui en réalité est programmé. Ouais, qui ressemble à un cheat code en fait. Qui serait comme un bug, comme un glitch vraiment, mais qui ne sortirait pas du un cheat code, oui. J'ai peut-être un exemple. Quand t'as les grosses têtes sur les joueurs dans FIFA, ou les joueurs géants dans FIFA, ou dans GoldenEye. Non, mais là, c'est ça, c'est encore autre chose. Là, on est plus de l'ordre de l'esthétique, on n'est pas dans le gameplay. Ouais. Mais alors, moi, j'ai peut-être un exemple qui pourrait correspondre. C'est un jeu indé qui s'appelle Glitch Lab, qui a été fait à l'occasion de la Glitch Jam sur Game Jolt. Donc une game jam sur le thème du glitch. Donc une game jam, c'est un truc où on doit faire un jeu, un marathon. Voilà, il y a allez sur Pixel Core, vous saurez tout sur les game jam. Et vous saurez tout sur le game jam. Et alors dans Glitch Lab, en fait, c'est un platformer assez basique, sauf qu'il y a des moments où tu vas te rendre compte que il y a des plateformes où tu passes à travers, où il y a des plateformes qui sont invisibles, où en fait il va jouer sur la grammaire du jeu de plateforme de base. Genre il va t'indiquer dans le niveau 1 ça c'est un piège, et dans le niveau d'après ce sera plus un piège, ce sera une plateforme. Sous couvert de en fait c'est des glitches, mais c'en est pas vraiment, tu vois. Et donc là je pense qu'on est vraiment dans de la recherche sur le gameplay et qui en dit beaucoup sur la grammaire du jeu vidéo et sur comment on intègre des codes du jeu vidéo. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, si c'est plutôt si c'est moi, ça moi si je suis perdu. À quoi tu pensais? Oui et non, parce que moi je pensais plutôt à des trucs genre les programmeurs sont fourbes, ils sont méchants avec nous, ils nous manipulent, ils essayent de le nous complot, sortir les de... reptiliens. Voilà, exactement. Moi j'étais plutôt dans la perspective complotiste. Dans la perspective où de base les programmeurs aiment pas les glitches, parce que les glitches c'est leurs erreurs à eux qui sont exploités par les joueurs pour sortir du champ de ce que eux ont prévu qu'il était possible de faire. Est-ce que il y a pas des jeux dans lesquels les programmeurs essayent de garder le contrôle là-dessus? C'est vraiment ça ma question. Genre un jeu qui serait parfaitement normal, mais dans lequel des faux glitches sont implémentés. C'est une question où on n'aura peut-être parce pas la réponse. Coup, voilà. et ça peut faire l'objet d'une émission entière. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais ma question, c'est vraiment, est-ce que vous avez rencontré un jeu qui soit comme ça? Parce que pour le coup, ça serait quand même la quintessence de l'institutionnalisation du gameplay. Assassin's Creed Unity à sa sortie. Ouais, exactement. La différence, c'est qu'ils n'ont pas assumé. Ouais, non, certes. Non, mais je vois, tu vas en dire, mais ouais, comme moi aussi, mais je ne sais pas. Je pense qu'on n'aura pas la réponse. Pas tout de suite, pas dans notre état. Cette question-là. Non, c'est une. On ouvre la. On termine. Voilà, hashtag gameplay émergent. hashtag glitch. Non, mais hashtag glitch, ne l'oubliez pas. Ouais, c'est une question qui m'intéresse, mais auquel je n'ai pas de réponse, et c'est un peu triste. C'est un peu comme beaucoup de choses dans ma vie. Est-ce qu'on passe à une conclusion sur tout ça? Comment conclure? Je ne sais pas. Conclusion émergente. Conclusion de dissert, mais finalement, qu'est-ce que c'est le gameplay émergent? Finalement, qu'est-ce que c'est alors, le jeu vidéo? Ça, je comprends beaucoup mieux. Non, ça c'était une blague, Steven. Hein. Ah oui, d'accord. C'était une blague. Pour, si vous êtes en terminale, ne faites pas ça. Qu'est-ce que c'est le théâtre finalement? Non, voilà, ne faites ça, surtout pas ça. Jamais. Ça veut dire que vous avez loupé votre truc. Mais non, comment conclure? Bah, moi j'ai une petite. Ah bah, vas-y, moi je sais pas. Ce serait pas du tout une conclusion, ce serait juste une question. Non, si t'as une conclusion, vas-y. J'en ai pas du tout. Ok, bah j'en ai pas non plus. Moi je voulais juste demander à nos invités comment, pour leur premier podcast, comment ils avaient vécu ça. On peut se demander ça après la vie Patrick normalement, tu sais. Ah ouais. Ah oui, ouais. Ah oui, j'avais oublié. Oui, parce que là, on rigole, ouais. On plaisante, on a essayé du coup. On plaisante. J'espérais qu'ils allaient oublier. On a essayé du coup de faire un petit tour d'horizon. On a un peu des tâtonnements. On a essayé d'émerger. On a tâtonné dans la narration émergente et le gameplay émergent. On a fini sur une petite discussion sur les glitches avec une question de Thaïs qui reste ouverte, auquel vous pouvez, si vous l'avez comprise déjà, parce que elle a l'air très déçue. Moi, qu'on n'y réponde pas. Ouais, je sens non, qu'elle est frustrée. Non, parce que pour le coup, enfin pour de vrai, c'est une vraie question. J'ai pas de réponse. C'est une question vraiment ouverte, mais. Eh ben, c'est une belle question pour finir. De voir c'est beau de finir sur des questions. Ça appelle une prochaine émission avec Pixel. Ça appelle un DLC pour avoir la vraie fin. Ah oui. Ah ouais. Mais par contre, ce sera payant le DLC. Ah bah, vous payez des micros. Comme tous les DLC. Comme tous les DLC. Du coup, est-ce que vous avez appris des choses? J'espère. J'espère que c'était pas trop pointu, hein. C'était un peu pointu. Mais je remarque que c'est la deuxième fois qu'on fait une émission sur le jeu vidéo. Sans compter la Gaming Kermesse. La dernière fois, c'était la 9 avec Oupi sur l'amour dans le jeu vidéo. Mm-hmm. Et je remarque qu'on est très pointu quand on parle de jeux vidéo. Sauf dans la Gaming Kermesse. Ça, c'est intéressant. Sauf dans la Gaming Kermesse. C'est-à-dire, mais vous parlez de Tekken aussi en même temps. C'est vrai. Est-ce que tu veux être pointu? On voilà, a dit que c'était voilà. Généreux quand même. C'est vrai. Voilà. Bref. C'est vrai. Voilà. Bah, c'est le jeu, c'est le terme qui définit Tekken, c'est généreux. Et c'est aussi ce qui définit la fucking Kermesse. C'est aussi ce qui définit Tabas qui, en tant qu'invité, a décidé quand même de faire une chronique. Et oui, ça, c'est beau. Parce qu'on est des branleurs et que, bah, on a déjà fait une chacun. Voilà, c'était trop. Du coup, on va se retrouver maintenant pour faire la vie Patrick. Et donc, c'est l'heure pour ta basse de briller, justement, comme un papillon de lumière. On t'écoute. Donc, c'est une vie, Patrick. Patrick lance un site de jeux vidéo. Mon cher Patrick, le système capitaliste est-il propice à la création d'esthètes tels que nous sommes tous autour de cette table ? C'est vrai. Voilà la question que je voulais te poser aujourd'hui. Il faut avouer que dans la conjoncture économique actuelle, il n'est pas rare que l'on se retrouve contraint à l'oisiveté et, de fait, que l'on puisse allouer son temps de cerveau disponible à la contemplation des concepts et des idées. C'est ce qui t'est arrivé, Patrick. Quand, emporté par le flot des licenciements économiques, tu t'es retrouvé fort dépourvu quand la bise fut venue. Quel malheur, t'es-tu dit. Toi qui étais pourtant promis à un avenir radieux, ayant étudié la philosophie avec assiduité. En tant que grand esprit de ton temps, tu ne pouvais raisonnablement te retrouver sans emploi. Pourtant, la réalité est tout autre, et tu te vis, mon bon Patrick, plongé dans le plus complet désœuvrement. Tu te rappelas cependant que durant tes courtes années passées aux alentours des bancs de la fac, tu avais pour habitude, toujours, de remettre à demain tes obligations au profit d'un hobby que tu chérissais plus que tout, les jeux vidéo. C'est un biopic sur ta manga. C'est ta vie, ouais. Ce loisir de béotien te valait les railleries de quelques rutilants normaliens qu'il t'arrivait de côtoyer pendant un creux de 6 heures, entre un CM de philosophie des arts dispensé par un vieux prof sénile et un TD sur la reconsidération post-lacanienne du concept a priori dans le chapitre 5 de la critique de la raison pure. C'est la vie de Steven. Voilà. Pourtant, il te manquait, ce vieux hobby. Tu avais envie de tâter des quêtes pendant des heures sur des Meuporg et de régler tes complexes phalliques sur Call of Duty. Ainsi as-tu repris la manette, rouvert ton compte Steam et fait une croix sur l'idée de reconquérir ta compagne vénale qui venait de te quitter pour un vendeur de cigarettes électroniques plein d'avenir. Durant des semaines, tu as vécu entre MMORPG, FPS, MOBA, STR, feuille OCB, BPM de chez Pizza Hut et RSA du Pôle emploi. Putain, BPM, j'aime trop ça. Le meilleur. Ton monde n'était plus que pixels, héroïsme, compétitivité et représentation dégradante de la femme. Petit à petit, alors que les jeux se suivaient, que les saisons défilaient par la fenêtre et que ton niveau de cholestérol augmentait, Patrick, tu te constituais une petite culture vidéoludique qui n'aurait pas à rougir face à celle des grands spécialistes de notre temps, tels que Squeezie ou Julien Tellouk, tes idoles dont tu ne rates d'ailleurs aucune apparition audiovisuelle. Hashtag Team G1. N'oublions pas. Mais les temps sont rudes, Patrick. Et tu commences à avoir le spleen. Tu te mets à écumer les bars, traînant ta carcasse, transpirant le mal de vivre d'un bouge à l'autre, à la recherche de sensations fortes qui te feraient sentir vivant à nouveau. Ton ancienne vie te manque. Tu n'aimes plus cette vie patraque, Patrick. Tu aimerais retrouver le confort de la vie matérialiste, conduire les plus belles voitures, manger dans les meilleurs restaurants et posséder une oreillette Bluetooth. Et c'est bien là ton droit le plus inaliénable, Patrick. Un jour te vient donc une idée de génie. Pourquoi ne pas transformer cette procrastination intensive en monnaie sonnante et trébuchante ? Pourquoi ne pas vivre de ta passion comme l'ont fait les plus grands de ce monde, comme Dominique Chapat ou Alexandra Lederman ? De plus, tu as entendu sur BFM Business que Webedia avait racheté jeuxvideo.com pour 90 millions de dollars. 90 putains de millions. Avec cette somme, tu pourrais couvrir les plus belles femmes d'une montagne de diamants. Même si, depuis que tu jouais à Metal Gear Solid 5, tu sais qu'ils sont extraits dans les mines par des enfants africains réduits en esclavage, et que tu as beau être cynique, tu écoutais quand même Trio au collège, et que, de ce fait, un semblant de sensibilité pour les droits de l'homme subsiste en toi. C'est beau. D'ailleurs, tu avais appris, grâce à Kojima, que tu pouvais aussi créer des diamants à partir des cendres de tes camarades tombés au combat. Ce que tu envisages une minute avant de considérer l'entreprise comme beaucoup trop compliqué. Mais tu t'égares, Patrick, et tu reviens à ton coup de génie, lancer un site de jeux vidéo. Ah. Pour commencer, il te faut un nom de domaine. C'est très simple, il te suffit de piocher dans le large champ lexical du jeu vidéo et de l'actualité, qui comporte les mots games, gaming, jeux vidéo, news, actu et blog. Oh. Cette liste étant bien évidemment exhaustive. On trouve déjà beaucoup de noms de sites de jeux vidéo. Ces termes, tu peux les enjoliver avec quelques fioritures tirées au hasard dans le dictionnaire. Attention cependant, les préfixes et suffixes maxi, méga ou plus sont réservés aux magasins spécialisés qui utilisent le même champ lexical. Un petit tour par une réservation de nom de domaine et te voilà presque prêt à lancer ton site powergamingnews.com. Pour info, j'avais créé aléatoirement trois noms de sites qui existaient déjà bel et bien. Mais une URL ne fait pas un site internet. Il te faut une belle skin pour ton WordPress. Pour cela, tu fais confiance à l'internet 2.0 et tu organises un concours promettant un CDI au graphiste qui ferait le plus beau design. Certains pisse-froids diront que cela dévalorise le travail de ces graphistes qui auront bossé pour rien. Mais tu te dis que si ça n'a pas été dénoncé par ce gauchiste de Kojima dans Metal Gear Solid, c'est que ça ne doit pas être si terrible. Même Trio n'en a jamais parlé, alors. Te voilà donc en possession d'une magnifique interface en HTML5 que tu as sélectionnée parmi les dizaines de travaux que t'ont envoyé ces saltimbanques du web, ces Michel-Ange de la feuille de style CSS que sont aujourd'hui les graphistes. Comme toi, en mal de travail rémunéré. Quand le gagnant te réclame son contrat, tu prends bien soin de ne plus lui répondre avec la fausse adresse mail que tu avais fournie dans l'annonce. Il ne te manque plus qu'à alimenter ton site en articles pour pouvoir enfin le monétiser. Pour cela, tu te branches sur le flux RSS des éditeurs de jeux vidéo. Mais tu te rends vite compte qu'il y en a plein et c'est trop compliqué. Tu te rabais vite sur le flux RSS de tes concurrents qui font déjà du très bon travail pour trouver des informations et qui d'ailleurs ne font que repomper les infos des sites américains. Tu sais bien que la vocation d'un site de jeux vidéo n'est pas d'apporter un quelconque propos sur ce médium pour demeurer. Tu sais que ce qui intéresse le gamer, c'est de savoir que Batman Arkham Knight a une meilleure définition sur PS4, mais de plus beaux shaders sur Xbox One. Tu sais que ce qui l'intéresse, c'est de savoir que Fallout 4 est passé gold. Mais surtout, c'est de savoir quels sont les 10 plus beaux bugs de Assassin's Creed Syndicate. Putain. Tu as bien intégré les propos de Cédric Siré, monsieur Webedia, qui disait en 2014 sur BFM Business toujours, je cite, « C'est simplement qu'ils acceptent, les rédacteurs, d'avoir en plus de leur rédac chef éditorial, qui est celui qui regarde si l'histoire est bien écrite, un autre rédac chef, que il s'appelle Google. La syntaxe chaloupée de cette phrase ne t'ayant pas fait tiquer, tu as décidé d'en faire la devise de ton site. Toutes les news sont donc rédigées en moins de 600 caractères, avec une apparition du mot-clé principal dans chaque phrase et un titre racoleur tel que « Dead or Alive fait le plein d'images », Insolite, ce corgi finit Dark Souls en aboyant. Ou la nouvelle sextape de Stavrogin proposera 8 DLC en Season Pass. Si seulement. Je pense que personne ne clique sur ça. Détrompe-toi. Ouais, je pense qu'il y a des virus qui y vont avec. Ah oui, mais évidemment, bon. Tes news ne vont pas s'écrire toutes seules. Et pour cela, il te faudra t'entourer de rédacteurs. En attendant que la technologie permettant de rédiger des news en scannant Google ne soit accessible à tous. Pour ce faire, Patrick, je te propose deux solutions. La première est de faire appel à tes amis, qui se feront une joie de participer à ton projet communautaire amateur. Coucou à la rédaction de Pixelcore. Salut. La seconde est d'engager des jeunes pigistes en leur promettant un salaire misérable que tu ne leur paieras pas, parce que de toute façon, ils sont passionnés, n'ont pas besoin d'être payés et n'ont pas les moyens de te poursuivre en justice. Bonjour à la rédaction de Millennium. Oh. Et celle de l'AFK. Fais-leur miroiter la possibilité d'avoir accès à des jeux en avance pour faire des tests. Des tests que tu peux aussi rédiger sans avoir joué au jeu en te basant sur du contenu factuel connu à l'avance auquel tu apposeras un avis consensuel. Mais évidemment, tu garderas tous les bons jeux pour toi. Pour ce qui est du community management, très important, c'est très simple. Crée-toi un compte Twitter que tu appelleras Penetra Wilson. Avec en photo de profil une jeune playmate roumaine à gros seins que tu auras trouvée sur Instagram un soir de blues. Dans la description, tu promets des live cams très hot à venir. Et n'oublie pas surtout la mention hashtag followback. Ce subterfuge te permettra de te constituer un pool d'environ 50 000 followers en moins d'un mois, constitué en grande partie de jeunes mal en rut. Par chance, il s'agit précisément du public que tu voudras viser avec ton site de jeux vidéo. Une fois ce nombre confortable de followers atteint, tu pourras changer le nom, la photo de profil et la description pour correspondre à ton site sans que personne ne s'en aperçoive. Putain, c'est beau. Tu peux maintenant partager tes articles sans oublier de joindre une photo de cosplayeuse à chaque fois, même si ce n'est pas le sujet. Voilà Patrick, ton site est enfin prêt à être monétisé par de gracieux revenus publicitaires dont toi seul profiteras. Malheureusement, tu te rendras vite compte que ces revenus sont loin d'être à la hauteur de tes attentes. Et Webedia ne t'a pas encore contacté pour acheter ton site pour quelques millions. Comment donc t'offrir ton oreillette Bluetooth ? Il te faudra ouvrir ta propre chaîne gaming sur YouTube, mais ça, ce sera pour une autre vie, Patrick. Un petit conseil tout de même avant de te laisser, tes vidéos devront toutes commencer par une belle punchline, comme par exemple « Yo tout le monde, c'est Patrick !» Bravo, ah, c'est bravo Tabas. Excellent, c'est très excellent du Patrick. C'est ouais. Très beau. Première fois qu'on sous-traite la vie Patrick à un invité. On n'est pas déçus. Bah, ouais, bah, ça a l'air de bien marcher. Et peut-être qu'à terme on va sous-traiter tout le podcast. C'est une bonne idée. C'était bien. C'était. On sent que tu as. Oui, je connais le sujet. Tu as de la bouteille. Ça, moi ça m'a plu. Non, ça c'est m'a plu. C'est très très beau. Après bon, ça, c'est ça me ravit. Que les joueurs, là là là, c'est pas tous des gamers en rut. Hein, bon. Oui oui non, voilà, c'était non, plein de mauvaises fois. C'était plein. Je dis ça pour Twitter. C'est la mauvaise foi. On le sait tous, mais il faut pas le dire. Ah, ah oui oui oui. Non mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait rire, c'était beau. Alors, du coup on va enfin s'arrêter. Enfin je dis enfin, c'est ouais, pas enfin, que ce soit trop long, mais il est tard, on a trop bu, on en a marre. On veut partir. Mais non. Non, on en a pas marre de vous, on en a pas marre de parler. Est-ce que c'était un bon podcast d'ailleurs? Est-ce que ça vous a plu? Alors, première fois que vous prenez un micro dans les mains, ça vous fait quoi, Thomas? Bah alors, c'est pas la première fois, parce que j'ai chanté pour la Star Academy en 2012. Non, c'est vrai. C'est vrai ou pas? Non, du tout. Non, au-delà de ça, non. Et j'aurais été direct sur YouTube. Alors, Thomas. Non, au-delà de ça, non, vraiment sympa. Bah vous les mecs, super, hein, génial, très bons bon animateurs, hein, très bon, voilà. Non, au-delà de ça, bah c'était c'est cool de pouvoir s'exprimer au travers de voilà d'un média un peu différent. Enfin, on a la chance de voilà d'avoir lancé Pixel Core tous ensemble. De s'exprimer, je dirais textuellement, enfin, voilà, au travers de, voilà, d'un biais plus ou moins littéraire. Et sexuellement avec Stavro, mais faut pas le dire. Ouais, faut pas le dire. Pourquoi pas. Mais voilà, non, c'est une nouvelle forme de, voilà, de communication à la fois pour nous. C'est intéressant aussi de traiter le jeu vidéo, peut-être, voilà, d'une façon un peu, voilà, différente. Enfin, il y a les podcasts comme ZQSD, comme la Gaming Kermesse, n'est-ce pas? La référence du podcast gaming français. Mais pour autant, non, c'est, voilà, c'était simplement, je pense que c'était une bonne expérience. Je pense qu'on a pris plaisir à y participer. Je vais laisser mes deux camarades dire ce qu'ils en ont pensé, mais en tout cas c'était sympa et encore merci pour l'invitation. C'était avec beaucoup de plaisir. C'est beau quand il parle. Il est vraiment. Il a un verbe. Dans le community, tout ça, la com et tout. Quoi. Le marketing. Pixel Core. Moi, oui. Alors moi, je suis très ravi de cette expérience. C'est un peu un rêve de gosse qui se réalise. On peut le dire. Kermesse. Là, je veux dire, depuis gamin, j'écoute la fucking Kermesse. J'ai envie de rencontrer ces gens et la déception est là quand même. Mais c'est quand même très sympa. Et oui, non, je vous remercie de nous avoir donné ce petit temps de parole et de voilà. On dirait des paroles des actes. Oui, n'est-ce pas? Oui, non, mais alors. Voilà, très bien. Non, j'ai pas grand-chose à dire de plus que Thomas qui a déjà tout résumé avec son verbe infaillible. Thaïs, pareillement, c'était cool? Bah oui, c'était très sympa. C'était effectivement, en ce qui me concerne, une première. Alors probablement pas que je tenais un micro dans mes mains, mais que je parlais dedans alors qu'il était allumé, ça oui, c'est sûr. Je pense que les variations du volume de ma voix sur le podcast vont donner beaucoup de plaisir. Ça, c'est le travail de Steven. Je m'arrange au post-prod avec ça. J'ai l'habitude d'enregistrer avec Gustave Roguin et Zassa qui est le plus gros connard derrière un micro au monde. Donc le plus gros connard tout court. Je suis ravi de savoir que je suis que numéro 2, c'est bien. Ah oui, non, de toute façon, derrière Zassa, qui pose son micro quand il parle, il n'y a pas de problème. Mais qui le prend quand il rigole. Oui, voilà, ça, c'est important. Il ne le prend pas, il le met dans sa bouche directement. Bref, vous avez été très bon pour votre première, pas première, vous avez été de bons invités. Donc bravo, c'était cool. Steven, ça t'a plu? C'était bien? C'était très bien, c'était très bien. On a bien conceptualisé, moi j'aime bien. C'est vrai que c'est ce plaisir de défricher un peu toutes ces forêts conceptuelles qui s'offrent à nous, comme autant de vagins. Non, puis voilà, il fallait bien que j'arrête ça. Fallait rattraper le quota vagin. On a parlé dans FK16 de Zizi dans des vagins. Dans des ouais ou et pas de tentacules. Et de tentacules et de choses comme ça. Et de vessie pleine. Et bah là on parle d'autre chose. C'est ça la fucking kermesse, non? C'est beau, on parle de tout. La prochaine ce sera si tout va bien avec le Captain Web sur le socialisme. Oui, bah alors derrière ça devait être la FK17 mais il y a eu des problèmes, des attentats, tout ça, donc on n'a pas géré ça. On n'a pas pu enregistrer, tout le monde n'était pas au top du top, voilà. Du coup, on se dit à bientôt, on sait pas quand, on va essayer de faire ça le plus vite possible. On se retrouve soit pour la fucking kermesse, soit pour la gaming kermesse. On se retrouve sur pixelcore. Ah oui, bah oui. Sur pixelcore.fr. Allez voir, il y a beaucoup d'articles, et ils sont cool. Et vous les avez entendus, ils ont de la verve, ils ont des idées. Donc pourquoi ne pas lire leurs trucs, leurs tests, leurs articles de fond. Et sur Twitter, c'est pixelcorejv. Voilà, c'est ça. De toute façon, ils seront,